Les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs. Compris ? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur beIN Sport. Avec demain, Paris Saint-Germain, Arsenal et mercredi, Olympique Lyonnais, Dynamo Zagreb en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Voir conditions sur beIN Sport.com. Et Radio Libre, c'est parti sur Skyrock. Radio Libre en direct, 21h pile. Skyrock, Romano. Allez, cool, Raoul. Elle s'appelle pas Raoul, c'est une femme, Romano. Difoule. Je suis une mouche, je vais atterrir sur le crâne de Romano. La piste est assez longue. Cédric. Au moins, tu restes pas sur ta. Sur quoi, comme on peut dire. Marie. Moi, j'adore la levrette. Samy. Genre, pourquoi c'était une chatte toute flétrie ou quoi? C'est une chatte de vieille, gros. Et Karim. Et la meuf, t'avais reçu une amende et elle dit: je mets ça à quel nom, tu sais? Parce qu'il faut un nom à la fin. Ah ouais. Et tu l'as regardé, tu lui as dit: Tom Cruise. Oh là, George Clooney. Difoule Radio Libre. 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Eh bien, une mauvaise nouvelle: George Clooney n'est pas là ce soir, mais il est déjà au téléphone avec nous. Bonsoir, Cédric. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Romano te salue comme tu peux l'entendre. Bonsoir. Sympa. Alors, gros porc. Alors, bras flingué. Non, c'est clavicule flingué. Ouais, c'est flingué. Bon, tu entends, toute l'équipe est là. Bonjour à vous tous et à vous toutes aussi. Bienvenue sur Skyrock, une grosse soirée qui démarre jusqu'à minuit au 01 53 40 30 20. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Salut d'ailleurs tous ceux qui sont là. Tiens, j'ai un message de Fares pour toi que je voudrais te lire, Cédric. Ah, et donc Cédric, si vous l'entendez au téléphone, c'est parce qu'il s'est cassé la clavicule. Voilà. D'ailleurs, tu me fais penser à quelqu'un qui s'est cassé la clavicule. Est-ce que vous le reconnaissez, lui? Ben, je me suis fracturé la clavicule. Ah, eh, c'est Patrick. Ah, ouais. Patrick. Absolument, ouais. Absolument, ouais. Tu as fait comme Patrick, Cédric. Je te dis, tu vas finir comme lui. T'es aussi pervers que lui. Tu traînes dans des endroits aussi glauques que lui. C'est rassurant. Et, et tu te casses la clavicule comme lui. Je me suis fracturé la clavicule. Et voilà, fracturé la clavicule. La clavicule. Alors, comment ça va, Cédric? On redonne des nouvelles de Cédric. Vous êtes plein de nous avoir laissé des messages. Je vous lirai le message de Fares. On a un petit coucou de Mathéo. Un petit coucou de Black Peur, à qui tu fais peur, Cédric. Je me suis cassé la clavicule aussi pour le masturbateur, en te masturbant peut-être. Tu vas prendre des kilos, coucher toute la journée. Cédric, copie Patrick. Ah oui, il y a des chances. Hein. Patrick est peut-être. Ah bah, c'est peut-être un membre de ta famille, en effet, je dis pas qui c'est, mais peut-être un membre de ta famille. Bah, on dit Patrick est peut-être sa mère. Non. Oh là. Voilà, vas-y, commence pas. Au moins ça, ouais. Man. Bon, alors. J'ai un bisou à maman qui m'appelle toutes les 3 heures, puisqu'elle est en panique à chaque fois. Très bien. Parle plus fort, Cédric, on n'entend rien. Tu m'entends là? Voilà, très bien. Parce que t'es le premier à faire chier les auditeurs quand ils passent à l'antenne. Voilà, parle plus fort. Parle un téléphone de merde. Parle mal, parle mieux. Si tu pourrais essayer d'être un peu professionnel. Oui, s'il te plaît, monsieur. Mon iPhone, malgré l'accident de moto, fonctionne encore. Très bien. Ouais, mais il a un son de merde. Hein. Oui. Comme je t'ai dit. Mais il fonctionne. Très bien, Cédric. Alors, comment ça va au niveau de la clavicule? Parce qu'on a plein d'auditeurs, d'auditrices. Il y a Sandra là qui nous laisse un message qui dit: comment va mon petit Belge? Mon petit Belge, c'est gentil. Ça va, c'est gentil, merci. Comme il dit. Oui, alors comment ça va? Ça fait mal, mais ça va. Hein. On se repose. Si vous êtes déjà cassé un truc, sachez que Cédric est solidaire ces temps-ci. Donc là, il en branle pas une. Et d'ailleurs, hier, je tiens quand même à vous rappeler ce que je vous ai dit ce matin dans le morning. Tu m'as dit que tu ne t'étais pas lavé depuis jeudi. Non, bah ouais. Si, attends. Tu t'es pas lavé depuis jeudi et tu as changé ton truc qui retient le bras, l'espèce d'attelle d'écharpe là qu'on achète à la pharmacie. Tu l'as déjà changé 3 fois parce qu'elle sentait trop mauvais. Ah, non, j'en ai acheté une deuxième parce qu'elle puait, mais c'est atroce et j'ai lavé. Ah, ouais. Voilà. Ah bah tu te rends compte, comme tu pues. Même lui se rend compte que c'est atroce. Ah ouais, même moi, oh là. C'est pour dire. C'est ouf ça quand même, sentir aussi mauvais. Et j'avais un message, Cédric, il faut que tu me confirmes, c'est Fares qui a 18 ans et qui nous a envoyé ça, Fares du 92. Je tiens à excusez auprès de Cédric, je l'ai croisé dans une cave, il m'a sucé comme une salope, je tiens à m'excuser de lui avoir cassé la clavicule en lui baisant la bouche. Cédric, est-ce que tu peux nous confirmer? Alors, ce ne serait pas un accident de moto que tu aurais eu, ce serait plutôt un accident de cave et de bite, même, on peut le dire. Un accident de bite avec Fares qui t'aurait baisé la bouche, après c'est ce qui est écrit. Hein. C'est la vraie version. Du tout. Bah, moi je crois Fares qui a l'air très honnête, qui nous a envoyé un message tout à l'heure en tout début d'émission pour s'excuser. En plus, il s'excuse, je pense pas qu'il s'excuse. Non, mais ça paraît crédible. Ah, Romano, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien sûr. Fais-nous un taux de crédibilité sur 20. Ah, sur 20? Ouais, moi je mettrais. Fares? Ouais, moi je mettrais 18 au taux de crédibilité. Ouais, pareil, ouais, 18-19. 18-19 pour le taux de crédibilité de Fares. Dis-nous ce que vous en pensez hein, sur le 41-759, sur l'appli Skyrock. Fares donc s'excuse de t'avoir cassé la clavicule en te, comme il le dit, cassant la bouche. C'est ça. Et Hugo BX qui envoie un message. Le mec qui parle au téléphone appelle pour un problème sexuel, il est précoce, c'est ça? Non, oui, bien joué. Fort, les auditeurs de Skyrock. Ouais, c'est bien, tu l'as bien repéré, ouais. Tu sais que j'ai eu un autre problème, c'est que j'allais plus aux toilettes pendant 4 jours. Ah ouais, alors là, t'es malade, ouais. Là, c'est vrai que là, ça veut dire que ça va pas. C'est très inquiétant. Ouais. C'est des pieds de l'intérieur. Tu vas retourner à l'hôpital à cause de ça? Non, déboucher. Non, j'ai failli y aller. Ouais. J'ai appelé à l'hôpital. Qui va se faire laver le fion. Non, mais j'ai été ce matin. Ça va mieux. Ils vont te mettre une poire dans le cul avec de l'huile dedans et, oh là là, et tu vas te vider. Ça va être monstrueux. Non, ils m'ont dit que c'était la morphine qui m'a mis à l'hôpital. En fait, ça constipe. Ah, c'est pas, je savais pas. Putain, ça va être chaud. Je commence à me poser des questions quand même, tu vois. Rest in peace, les toilettes de Cédric. Hashtag rest in peace, les toilettes. Vous pouvez envoyer un message tout de suite, hein, sur tous les réseaux de Skyrock. Ah, le taux de crédibilité de Fares est très très haut, hein. Je vois les messages qui défilent. Ah ouais. Black qui nous dit, il a 14 ans, il nous dit je mets 20. Jules du 02 met 20 pour Fares au niveau du taux de crédibilité. Crédibilité à 100%, tiens, pour Estelle. Plusieurs messages, 20, 20, 17. Crédibilité 20. Céline PSG 20. J'adore le 20. Aco. Non, mais c'est des notes, Marie. Hein. Ah. Ouais, c'est pas pareil. C'est ça pour le message de Fares qui t'aurait croisé dans une cave et qui, malheureusement, t'a cassé la clavicule. C'est ça. Ah, à force de te donner des coups de rein dans la bouche. Ouais, comme t'aimes. Voilà, comme t'aimes. Le pauvre Cédric, on nous dit sur SMS. Rest in peace, c'est chiotte. Tiens, message de Vivre Romano. Le pauvre Vaux, t'as le soutien du poteau du 95 également. Merci. Il lui arrive des quoi, mais a priori, vous savez, Cédric fait le bonhomme. Moi, oui, je vais vous dire. Ce matin, je l'ai eu en ligne. Ah, toi aussi. Il a atrocement mal. Mmh. Ah, je suis sa mère. Non, mais en fait, il fait le kéké, là, mais. Non, mais ce matin, il était là. Je me retiens pour pas pleurer, Tu te retiens pour pas pleurer. Par contre, le cerveau, ils l'ont pas remis en place. Non, c'est toujours pas. Ouais, j'ai trop de mémoire, par contre. Ah, ben voilà. Il se rappelle plus ce qui s'est passé quand il a eu son accident, Cédric. Ah, ouais. Bah, a priori, tu suçais une bite, ce moment-là. Casse-toi. En tout cas, t'as plein de messages des auditeurs, des auditrices de Skyrock. Ah oui. Et puis la crédibilité, bon, elle est au-dessus de 20, puisque j'ai des messages à 30, des messages à 10 980 pour la table de mixage de Skyrock. Il y a un autre message à 30 pour la Bourguignonne. 17 sur 20 pour la crédibilité de Fares. Merci Fares de nous avoir appris. Tu vois, t'as des trous de mémoire. Heureusement, Fares est là pour te rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Bah, ah ouais, je me souviens un peu. Ah ouais, c'est ça. J'ai tellement eu la vie dans la bouche, j'en ai fait un malaise. J'ai 4 couilles avec eux. Ah bah, ça, c'est pas étonnant. Tu peux me faire un big up aussi à nous? 15 fois, ils ont fallu que tu me lèves. J'ai dit non, j'ai mal, reposez-moi. Mmh. Après, ils m'ont relevé, j'aurais cassé des couilles, mais laisse tomber. Et aussi, donc, gros big up au pompier de Gennevilliers. Regarde, il y a Guérande qui nous dit qu'elle a eu la même chose, clavicule cassée. Ça fait très mal. Nico aussi qui a eu une clavicule cassée. Mais moi, je pleurais pas. Ah, bonhomme. Oh, bonhomme. Toi, t'es un vrai bonhomme, Nicolas. C'est bien. Toi, Nico. Évitez de péter, Cédric. Ouais, tu fais des bruits de cheval. Ça sort. Ah, tu vois, ça commence à faire effet, le truc de constipation. Oh, ouais. Bon, bah, bon courage, Cédric. J'espère que ça va aller. Le toucher, le la bite a peut-être touché le cerveau trop profond, nous dit Ace. C'est pour ça que tu as des trous de mémoire. Bien vu, Ace, 18 ans. C'est bien. Et tu reviens quand, nous demande l'Albanais, parce que tu manques à tout le monde, tu vois. Bientôt, rapidement. Dès que ça va mieux, je reviens direct. Là, tu dois rester immobile, en fait. Ouais. Difool nous a moins cassé les couilles. Dans 15 jours, ils me font une radio pour voir si ça solidifié termine ou pas, ouais. Et sinon, ils me font une opération. Ils mettent des plaques, des vis, des conneries, des machins. Voilà. Fais plutôt de la radio, Skyrock. Bien sûr. Bien sûr. Radios, hein, putain. Bon, très bien. Merci. Moi, je vais passer de voir dans la semaine, là. Ça va être fort boyard, le truc. Hein. Putain, Romano. Ouais. Je vais tenter l'impossible. Ça va pas être facile. Pénétrer dans l'appartement de Cédric à nouveau. Tu nous raconteras. Après, déjà. Plus t'attends et plus ça va être pire, hein. Ah ouais, donc ah ouais. Ça... Ah, il promet. Bon, du coup, j'étais pas venir du tout. Ça donne envie. Prends un pince-nez. Tiens, salut le nez de Difool en parlant de nez, tiens, Marie. J'ai eu un accident de voiture, moi, déjà, avec la même chose. Kelvin, lui, il a eu un omoplate cassé. L'omoplate, c'est. Aïe. C'est ça, là. C'est dessous la clavicule, en fait. C'est ça, ouais. Eh ben, écoute, tu vois, t'as pas tout cassé, Cédric, tout va bien. Bravo le vent pour Alain du 40. Bon, plein de soutien. Dans mon accident, franchement, j'ai réussi à faire un truc plutôt pas mal, tu vois. Je me suis cassé que la clavicule. C'est bien, Cédric. Bravo pour ce petit trait d'humour. Tu t'en tires pas trop mal, ouais. Non, mais grave, hein. Pour t'être croûté en moto, pour un mec qui sait pas conduire. Qui sait pas, bah oui. Bah attends, Cédric. Je t'apprends à faire de la moto. J'espère juste que t'as pas bousillé la bagnole du mec qui t'a renversé, qui s'est barré. Bah le pauvre. Ah, quand même, ça se fait un peu. Bah tu tapes pas Cédric, c'est comme tapes un sanglier, quoi. Ça te laisse des dégâts sur la bagnole, quoi. Ou un mammouth. Ou un mammouth, Mano. Ou un mammouth. Moi, j'espère à ce gros con qui s'est tiré, là. Ah, je crois que tu disais pour Cédric. Gros con. Mais non, qui lui a bousillé. Sa caisse. Bon, ouais, et surtout la clavicule. Non, ouais. T'inquiète, Marie, ma caisse va bien. Ouais, c'est bon. Bon, Cédric, si on a besoin de toi, on te ça, c'est nickel, ça a bien marché, je se souviens absolument de rien. Oui, c'est ça. Tu te souviens pas du petit chauve qui reconduisait la voiture? Très bien. Voilà. Pim. Oh, pardon. Parfait. Ah, bah, c'est con. Je vais rentrer, moi. Bon, bon courage, Cédric. On voulait ouvrir l'émission, avec merci. Toi. Eh bien, on l'a ouverte et avec toi. Et vous n'oubliez pas qu'ils des messages. Merci, ça fait plaisir. T'en as reçu plein, t'as vu? On en reçoit plein. Ah, aussi. Mais grave, mais de fou. Depuis le début de la soirée. On en a bien eu deux, trois, là. Ouais. Kills, les pompiers, c'est les meilleurs. Tout va bien. Ah, il y a peur qu'il y a eu une torsion testiculaire, lui. Ah, ça doit pas être sympa non plus. Non, ça doit pas être super ça non plus. Non. Hein. Diffou nous a fait moins chier. Ah oui, c'est le message que je vais vous lire. Diffou nous a fait moins chier quand il avait l'épaule cassée. Et ouais, vous avez remarqué, il y a ceux qui sont des bonhommes. Et puis il y a les fillettes. Les fillettes. Non, mais rien à voir. C'est l'épaule cassée. Quelle épaule cassée, ouais. On épaule gauche. Non, t'as une tendinite. Et ouais, une grosse tendinite que j'ai eue. Je me plaignais pas et j'étais là, moi. Hein? Elle a bien fait chier quand même. J'étais là. Bon, merci Cédric, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc vous aussi, si vous avez le moins de problèmes, vous pouvez débarquer ici au 01 53 40 30 20 sur le 41 759. Hashtag Cédric Rest in Peace. On nous dit, il n'est pas mort, Cédric. T'es pas mort, non, Cédric. Non. Je suis encore là. Bah ouais, attends. Et ouais, là, il ne sera pas comme ça. Loupé, Romano, la prochaine fois. Je sais, pourtant, j'ai l'impression d'avoir déjà tapé assez fort. Bah oui. C'est un enfoiré. Bon, allez, c'est parti pour ce soir. Si vous aussi, vous avez le moins de soucis, bah, vous pouvez nous en parler. Vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30 20. Ah, pitié, je voulais juste lire le message de Jérém avant de démarrer avec vous et avec Chloé qui va débarquer dans un instant, qui est même déjà là, je crois. Salut Chloé. Salut. Salut. Ouais, Chloé. Alors, je voulais juste terminer avec le message de Jérém du 57. Lui, en 2 ans, il a eu torsion testiculaire plus clavicule cassée. Donc, toi, tu cumules le problème que j'ai lu, le problème de peur, là, qui a eu la torsion testiculaire, et le problème de Cédric et de Patrick également. Je me suis fracturé la clavicule. Et ben voilà. Donc, tu cumules les deux. Bah, écoute, j'espère que ça va mieux aujourd'hui, hein. Jérém, 17 ans, en Moselle. Salut. Bah, en espérant que, oui. Salut cette à toi, Jérém. Tu n'es rien. Bah, en espérant que cette année, ça aille, ouais. Bon, on vous souhaite une belle soirée, Chloé. La soirée démarre bien. T'as vu, on a eu des nouvelles de Cédric. Ah oui, je suis contente. Ah oui, bah ça s'entend. Elle a rassuré, c'est clair. Tu n'étais pas trop inquiète pour Cédric? Aussi, atrocement. Atrocement, je sais, vous êtes des millions et des milliards même à nous avoir laissé des messages de détresse, bah ouais, des messages de désespoir. Ouais. Les gens n'en peuvent plus, gros. Oui, pour nous demander, mais où est donc Cédric? Où est-il? Mais que s'est-il passé? Sa clavicule va-t-elle bien? Et donc, on a eu plusieurs. Donc, elle va pas bien, sa clavicule. Plusieurs infos. Non, elle est cassée. Non. Plusieurs infos. Je retiens d'ailleurs l'info de Fares comme l'info primordiale de la soirée, le Breaking News de Skyrock ce soir. Merci, Fares. Donc passé dans une cave cette histoire. Apparemment, ouais. Pour en savoir ça, plus. Avec une bite dans la bouche a priori. Ouais, Fares qui allait un petit peu fort. La clavicule. Là, c'est il ça. Est fort, ce Fares. Bon alors Chloé, bah écoute, sois la bienvenue. T'es dans le 29. T'es donc dans le c'est le Finistère le 29, hein. Oui, c'est le Finistère. T'es du côté de Quimper, de Brest. T'es où toi? Bah, je suis à un quart d'heure de Brest, en fait, ça s'appelle Carantec, c'est tout paumé. Carantec. Alors, Chloé, explique-nous pourquoi tu nous appelles, puis je vous annonce dans un instant le double appel. On va retrouver les familles de France. On parlera d'un problème de voisinage aussi. On essaiera de résoudre ça tout à l'heure. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être un des voisins de Cédric qui nous a écrit. Wow. Il s'appelle Freelance. C'est Freelance qui, Freelance, hein, qui nous a écrit parce qu'il a un petit problème avec son voisin. On va voir ça d'ici quelques instants. Et donc, je dis le double appel. Ah, et qu'est-ce qu'on fait pour le clash? Alors, Romano, toi qui es le vainqueur du clash depuis le début de l'année, ça veut dire que si Cédric revient pas tout de suite, tu gagnes par forfait. Tu gardes le titre pendant un petit moment, dis donc. C'est ça. Sans rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le clash? Je te demande à toi, puisque tu es possesseur de la comme coupe. Comme vous voulez, on peut jouer. Hein. Moi, j'ai envie de parler à des familles, quoi. Tu as envie de parler à des familles? J'ai envie de les séduire, de les faire rêver, de les faire jouir. Non, mais ça ne m'étonnerait pas, te connaissant. Bah, n'empêche que depuis le début, ça se passe pas mal. Bon, on verra tout à l'heure pour le clash. Si vous avez une idée pour le clash, hein, vous nous dites le clash de la drague de ce soir. Ou alors, on le fait avec Cédric chez lui, si on entend bien. Bah, s'il ça. Est encore en forme. S'il est pas défoncé par ouais, parce que par moment il pique du nez. Ah oui, c'est ça. Il sombre un peu. En ouais, c'est ça. Il nous quitte par moment. Faire tard. Oh là, je vais dormir. Ah oui, bah ça y est, il dort. Cédric, on t'entend. Mais il a un porc chez lui. C'est non, c'est moi. Non, il est tout seul. Bah alors Chloé, toi tu nous appelles pour un problème qu'on a tous connu. Je parle pour les plus grands et un problème que vous connaissez. Si vous êtes chez les parents, ou que vous avez peut-être connu d'ailleurs, si vous êtes chez les parents, de quoi s'agit-il? Bah en fait là je vais avoir 14 ans mercredi prochain et le week-end prochain j'aimerais bien faire une fête chez moi juste avec des amis. T'as raison. Mais je sais pas comment faire pour convaincre ma mère. T'as raison. Mais tu veux être genre une fête avec combien de personnes? Ouais. Bah une dizaine environ. Ça va. 10 personnes pour les 14 ans. T'aurais pu en inviter 14 pour tes 14 ans, tu vois. Tu pouvais aller jusqu'à 14. Si tes parents disent c'est trop, tu dis, bah, j'avais pensé en inviter 14, mais comme je vous connais, papa, maman, et que je vous aime très fort. Ouais, je passerai pas depuis que je suis né. Genre. Mais tu veux faire une soirée? Bah non, non, enfin, je veux juste faire une petite fête comme ça avec des amis proches. Tu veux faire quoi, samedi soir et samedi après-midi, les deux? Samedi soir et quelques personnes pourraient rester dormir. Mais ouais, c'est mieux. C'est tout, quoi. Non, mais c'est mieux une teuf le soir, parce que l'après-midi, ça fait vraiment... Bon, si on peut la faire que l'après-midi, parce que les parents disent, ouais, il y a un soir, tu vas dormir. Il vaut mieux la faire... Bon, l'après-midi, c'est bien, mais tu fermes les volets. C'est pas un peu bébé, quoi. Ouais, mais tu fermes les volets, t'as l'impression d'être dans le noir, quoi. T'as l'impression qu'il est 3h du matin. C'est pas bête. Non, mais tes parents, quand t'as 14 ans... T'as l'impression d'être by night. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, bon, il est 15h. Oui, c'est un truc un peu con. Voilà. Non, mais les parents, ils te prennent un peu, pas comme un bébé, mais enfin, ils voient pas que tu es... Tu vois, à 14 ans. Si tu leur demandes de faire la teuf toute la nuit, à mon avis, tu n'as absolument rien compris. J'ai du mal à m'exprimer. T'es bourré du week-end. Non, tes parents. Non. C'est complètement. T'es ivre mort. La semaine dernière, même. Heureusement qu'elle ne fait pas de la moto. Parce que non, mais quand tes parents, quand ton fils ou ta fille a 14 ans, tu ne le prends pas pour un mec de 17 ou de 18 pour faire la teuf toute la nuit, tu vois. Bah non, parce qu'il y en a 14. Donc les parents ne sont pas complètement débiles. Moi, j'ai toujours rien compris. Mais bon, nous allons peut-être passer à la suite. La vision des parents par rapport à ton enfant de 14 ans. Oui, les parents, je sais pas, mais tu me poses des questions, Marie, mais je ne suis pas parent. Mais c'était pas une question. Je suis pas parent, moi. Tu comprends vraiment rien. La vision. Tu n'as pas de vision. La vision de l'au-delà. Tu sais, tu ne vois pas le chétane parfois qui plane au-dessus de toi. Mais non, là, pas trop. Vision, Marie, là aussi. Je vois des trucs chelous, là. Voilà, un éléphant marche sur le plafond. Faites attention, monsieur Grobédo, il va vous tomber dessus. Je fais gaffe. Merci, Marie, de me prévenir. Je vais faire attention. Mais non, Marie, c'est Cédric qui est en photo sur l'écran. Là, on a un écran avec la photo de Cédric dessus. Ah oui, c'est lui. Bah oui. Bon, et tu as demandé à tes parents déjà de pouvoir faire une teuf ou pas? Bah oui, mais... Et quelle était la réponse? Elle n'était pas trop d'accord en fait. Mais est-ce qu'en temps normal, t'as le droit d'inviter des copines facilement à la maison? Bah ouais, si ma chambre est rangée, quoi. C'est juste le seul... Oui, bon, ça, à la limite, tu l'arranges. Ça, ouais. Ou alors tu fais le conseil pas cher de Romano ce matin. Il a appelé des familles, il leur a demandé de venir faire le ménage chez lui. Elles étaient d'accord. Ouais, parfaitement d'accord. Ouais, peut-être que je teste. Bah oui, les conseils pas chers sont très utiles. Il faut les tester, hein. Écoutez, les matin, j'ai eu femme et homme de ménage gratuit. Oui, les deux. Ouais. Tous les deux, parce que nous, c'est la parité. Tout le monde fait le ménage. Ah bah, tout le monde peut venir des trucs. Oh, bah, ça, vous avez raison. Oui. Enfin, tout le monde fait le ménage, sauf toi. Ouais, c'est clair, mais c'est bien pratique. Vous avez entendu mon iPhone? Je viens de recevoir un message de Cédric qui m'envoie une pièce jointe. Oh! Quelle horreur, il m'envoie une photo de lui torse nu. Ah non. Ah, tu veux la regarder, Romano? Putain, mais il est idiot. Tu sais, il se cache le sein comme une gonzesse. Mais il a une putain de trace, hein. Oh là là, il a un hématome sur le. Bah, Marie, en même temps, c'est pété à l'intérieur. Bah, donc, ouais, mais ça fait. C'est bleu, oui, c'est bleu. Ouais, ouais. Ouais, c'est même marron, violet, quoi, violet, dégueulasse. Ouais. Ouais. Ouais, même si c'est bleu, ils sont moches, Cédric. Non, mais c'est dingue. Dis fou, toi, quand t'as un bleu, il est beau. Ah, tu trouves que j'ai des beaux bleus, moi. Mais Cédric, ouais, ils sont. Je trouve que j'ai des beaux bleus, mais qu'est-ce que tu lui dis, mec? Non, mais il est dégueulasse, le bleu de Cédric. Je me rappelle quand je m'étais cassé la gueule dans les escaliers, j'avais un très beau bleu sur le visage. Ah, mais t'avais une gueule, là, ouais. Magnifique, très beau, oui. Et donc, Chloé, pour en revenir à toi. Tiens, déjà, on va vous demander à quel âge vous avez réussi à faire votre première soirée avec des potes. Ça, c'est pour ceux qui l'ont déjà faite. Et si vous avez la même galère que Chloé, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe chez vous, même si vous galérez, même si vous n'avez pas la solution. Au moins pour avoir vos témoignages, histoire que tu te sentes moins seule, Chloé, pour ta soirée. Si vous avez la solution, surtout, oui. Et si vous avez la solution, surtout, oui. Mais de toute façon, Chloé, vous ne prévoyez pas d'alcool ni de matière stupéfiante. Non. Okay. Bah non, bien sûr que non. Oh bah bien sûr que non. Bah, jamais de la vie. Alors tu as le droit de mentir à tes parents, Chloé. Oui, parce que mais pas nous. Mais pas nous, parce que nous on sent nous quand tu mens. Non mais t'as prévu des petits trucs à boire quand même pour faire une petite soirée, mais pas trop. Non, pas trop. Et tu vas pas faire la soirée à l'Oasis. Non. Ah. D'accord, ok. Votre bico. Je ne bois jamais d'alcool, je fais du sport à la place. Bien, Marie. Ah, moi j'en bois, moi. Et, ben tu vois, t'as vu où ça mène, ça fait tomber les cheveux. Marie, elle en boit plus que moi, elle a tous ses cheveux. Ouais. Eh oui. Bon, okay. Donc, Chloé, tu voulais qu'on fasse quoi pour toi? J'ai lancé un appel, est-ce que ça te suffit ou est-ce que tu veux autre chose? Si jamais ce serait possible, je sais pas. Enfin, j'ai pas trop d'idées pour comment organiser aussi, sinon. Oh déjà, ouais, c'est vrai qu'il faut organiser la teuf, mais déjà il faut pouvoir faire la teuf. À quel âge t'as fait ta première soirée, Romano? Soirée, mais dansante. Bah avec des potes, oui. La première fois que t'as réussi à inviter des potes et vous avez dansé entre potes, vous êtes éclaté, vous avez fait la teuf, vous avez fait des farandoles. T'as twerké, t'as dabé. Non, je faisais des farandoles, moi. Des farandoles. Et des pas chassés. Oui. Et la danse des tongs. Je sais pas, ouais, vers 13-14 ans. Ouais. Ah, t'as ouais. déjà fait une fête chez toi, Romano? Tes parents, ils t'ont laissé? Ouais, quoi, ouais, c'était dans le garage, ouais, ou dans la pelouse. J'ai vous foutre la haine. Non, mais dans le jardin, tu vois. Ouais. Au moins, tu bousilles pas l'intérieur de la maison. Même dans le garage, ça va, gros. Toi, tu veux la faire roucher? Ouais, mais ouais, ça allait, tu vois. C'est à la maison, à l'intérieur de la maison, que tu veux la faire, toi, Chloé, ta teuf? Bah, j'ai un grand jardin et j'ai aussi des bonnes enceintes, donc ce serait plus sur la terrasse de ouais, dans c'est, le jardin. C'est sympa dans le jardin. En plus, tes parents, ils aiment mieux, parce qu'au moins, s'il y a un problème, ouais, tu personne pas dans les trucs de la maison. Ouais. Ouais, vaut mieux renverser un truc sur la pelouse que sur la moquette ou un canapé. C'est vrai, ouais. Bah, il vaut mieux vomir sur la terrasse ou que vomir sur la moquette. Par ouais, ah bah, ou pas ça, vomir c'est pas du tout. Il vaut, oui, mieux, de, mieux. Il vaut mieux aussi ne pas vomir mieux. Du tout, oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour Chloé? C'est la question qu'on vous pose. Et puis, vous nous dites, vous, à quel âge vous avez fait votre première teuf? Ace nous dit, les parents sont casse-couilles jusqu'à tes 16 ans, généralement. Et après, ils te laissent plus de liberté, tu verras. Après, je suis déjà allée à une petite fête et à plusieurs concerts avec mes amis, mais enfin, jamais les trucs qui duraient jusqu'à pas d'heure. Ouais, tes parents. Mais là, ça va, parce que la fête et les concerts, c'est en dehors de chez toi. Là, tu peux peut-être dire à tes parents, bon, ça se passe à la maison. Donc, comme ça se passe à la maison, vous serez tranquille. Ouais, mais les parents, ils vont pas vouloir. Trop de risque. Ouais, mais ils vont vouloir rester, non? Ça, c'est horrible, ça. Non, mais rester, peut-être pas dans la soirée, ah ouais, mais dans la maison, tes quoi. Parents. T'imagines, il y a ton père qui est en plein milieu de la terrasse avec tes potes et il boit un verre. Oh là là, oh, elle est super, la teuf, hein. Puis j'adore la musique, j'adore Soprano, hein. Tiens, je vais daber. Ouais, je vais daber sur Soprano et là, t'as ton père qui se met à daber. Ta mère qui arrive et qui se met à twerker. Aïe, j'adore twerker. La honte. Ouais. Là, t'arrêtes la musique et tu dis, bon, bah, on arrête. Voilà. On se casse. La soirée, elle est finie. Ouais, terminée. Donc, vous nous dites pour Chloé, votre première teuf, à quel âge vous l'avez faite. Marie, moi, je vous fous la haine quand je vous dirai à quel âge j'ai fait moi. Teuf, moi. Non, moi je devais avoir ouais, comme Romano, à 13-14 ans. 13-14 ans. Samy, j'aurais dit un peu plus tôt, peut-être les colos et tout. Genre, ah non, ouais. Mais genre chez toi quoi. Ah, chez moi, je croyais les premières vraies fêtes. Non, ah, sinon, bah, ouais, sinon, bah, il y avait des trucs genre ouais, au collège et ah, tout ouais, ça. Ouais. Aussi, oui. Putain, chez moi, ouais, j'aurais dit 13 ans peut-être, ouais. 13. Ouais, pas avant quand même. Karim. Ah, moi chez moi, jamais. Jamais. Jamais. Oh, tu avais les parents. Tu entends Chloé, le pauvre Karim, rien. Déjà à 14 ans, je crois, j'avais même pas de chambre. Il avait pas de chambre. Pour faire une fête. Il dormait dans le couloir ou dans le garage ou tout ça, ouais. Bah moi, dans une niche. Première boîte dans laquelle je suis sorti, moi j'avais 12 ans. Ah ouais. Et première boîte. Ah, première boîte, ouais. Ah mais tu faisais de la radio, c'est normal. Oui, j'animais la soirée. Bah. Ou ah ouais, dans la boîte, t'es DJ Diffoul. Bah, DJ Diffoul, mais oui. Mais non. À l'époque, j'étais DJ Diffoul. C'est moi qui ai tout appelé à DJ Roro. Vous le connaissez, le meilleur DJ du vendredi matin. Ah, on comprend le niveau. Ouais, tu comprends mieux. D'un coup là. On comprend mieux d'où il vient. Tout appris à DJ Roro. Ah ouais. Bon, Chloé, on t'embrasse, on te garde. Tu restes avec nous. Les réactions, elles arrivent pour toi. On a vous tous et vous toutes en direct jusqu'à minuit aussi pour agir par rapport à Chloé. Puis pour tout le reste, si vous aussi vous avez besoin d'un coup de main, vous nous faites signe. Je vois que les familles du double appel se préparent, oui. Puisque Samy teste depuis tout à l'heure. Elles sont chaudes. Ouais. Et bien dans un instant, elles débarquent sur Skyrock. Vous bougez pas. Et puis tiens, on parlait de Soprano. On va retrouver un des potes de Soprano. Ben, c'est Alonso qu'on écoute tout de suite, oui. Là. Binta, on aura du PNL à écouter ce soir, du Jul, du Drake avant minuit, du Ken Jones aussi. Si vous avez envie d'écouter un truc, vous pouvez aussi nous demander. Enfin, c'est libre ici, vous le savez. Radio Libre, la plus grande radio libre de France, jusqu'à minuit en direct. Depuis la rentrée, Diffoul a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Bah, Skyrock. Skyrock. Eh ben, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Bah, que va faire l'offre, hein. Des familles. C'est encore une arnaque ça, hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Ah bah j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Diffoul sur Skyrock. Demain, Blind Spot, votre nouvelle série événement. Qui est cette mystérieuse jeune femme retrouvée amnésique, le corps entièrement recouvert de tatouages? Tous ces tatouages sont récents. Elle ne se rappelle plus qui elle est, ni d'où elle vient. Vous la connaissez? Non. Alors pourquoi votre nom est marqué sur son dos? Inédit, Blind Spot, demain à 20h55 sur TF1. The Morning Show! Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Diffoul. Tu veux réussir ta rentrée? Il n'y a pas 50 solutions. YAX, YAX. YAX, c'est l'application pour délirer, choper des conseils et se taper des barres. Profite des astuces du peuple YAX et partage tes délires. YAX, partenaire officiel de ta rentrée. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, toi, en fusée?

Radio Libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Et en direct, on est là tous les soirs, Radio Libre, ouais, sur Skyrock. Je vois que les familles du double appel sont prêtes. J'en vois deux qui sont prêtes sur la ligne 7, sur la ligne 8. C'est oh, ça. Très bien, on va s'occuper de ça d'ici quelques instants. Le double appel, d'ailleurs, vous pouvez nous laisser les numéros de téléphone, hein, que vous voulez qu'on appelle le soir. Si vous avez quelqu'un que vous aimez bien, que vous avez envie d'entendre à la radio, dans des conditions un peu particulières, c'est-à-dire en contact avec une autre famille, comme ça. Eh bien, vous nous dites au 41-759 sur l'appli Skyrock, vous nous laissez vos messages et on récupère tout ça. Merci à vous tous qui êtes là. Bonjour à Guigui, bonjour à Nick aussi. On est en train de préparer le clash de soir. On ne sait pas comment on va le faire. Alors, ou avec Cédric en direct de chez lui, on va voir hein, si Cédric est OK pour participer au clash, ou alors avec des membres de l'équipe. Et il y a même des auditeurs qui se proposent pour faire le clash de la drague de ce soir. J'avais Juliane au téléphone en direct avec nous, Juliane ou Julien. Salut Juliane. Julien. Salut Julien. Ah Julien, d'accord. Ça va l'équipe. Ça va Julien, ça va bien. T'as 19 ans et t'es parisien toi Julien. C'est ça, et moi je voulais être le challenger de Romano ce soir. Tu veux, ah, si vous voulez challenger Romano, ah, écoutez, pourquoi pas, on peut faire ça ce soir Romano. Est-ce que tu es prêt à remettre ton titre en jeu face à des auditeurs et des auditrices de Skyrock pour le clash? Aucun problème. Aucun ça problème. Me dérange un peu de vous baiser, mais bon. Voilà, en fait c'était moi. Tu préfères baiser qui? Bah Cédric évidemment, mais bon. Eh oui. Ah bah ça va de soi. Parce que vous les auditeurs, je vous aime. Bon, j'aime bien Cédric aussi. Mais... on t'aime Romano. Bon, on va voir Julien. Julien, non, Julien. On peut faire un essai, hein, pourquoi pas. Bon, on peut voir. Hein. Mais t'as une méthode en stock et tout? J'ai pas de méthode, mais je peux en trouver une en deux. Bah vas-y, trouve une méthode et puis. Ouais, ça va être utile. Alors trouve une méthode et puis on revient dans un instant, puis on va voir si on le fait, si on le fait avec toi. On le fera aussi avec des membres de l'équipe, hein, si Cédric est absent un petit moment. Et on peut aussi le faire avec Cédric en direct de chez lui, s'il est pas trop shooté par, ouais, par ses médocs. Sinon, je peux te baiser Romano ce soir. Si ah, veux. Tu t'as vu Romano? Qui me parle? Tout le c'est monde. C'est moi. C'est l'arabe en face de toi, gros. Ah, Mabroudaïk, Aïd Mabrouk. Merci, ah oui, la vrai, ouais. Quoi, Mabrouk Aïd Koum. Aïd Mabrouk Aïd Koum. Attends, faut dire quoi là? Aïd Mabrouk. Ouais, c'est ça, man. Voilà, très bien. C'est un peu plus dur pour moi. Et oui, c'est l'Aïd aujourd'hui. On en parlait ce matin dans le morning. Ah bah, bonne Aïd. Merci, c'est gentil. Bonne Aïd à vous, ouais. Et donc, oui, Romano, t'as vu, tout le monde veut te challenger. Hein. Julien. Non, moi, je veux juste le baiser. Karim. Non, mais tu sais, Cédric, il voulait me challenger aussi. Voyez où il en est, quoi. Tu crois que c'est à cause de ça la clavicule coule? Bah, non, c'est pas à cause de ça. Ça, c'est juste que j'ai. Eu t'as bien calculé avec ton véhicule. Tu avais arrivé la moto de Cédric et bam, t'es rentré dedans. Ouais, c'est bizarrement, je sais pas, elle a été atrocement attirée par lui. Bon, ouais, c'est étrange. Julien, réfléchis à ta méthode. Julien, 19 ans parisien, se propose pour faire le clash de ce soir. On va voir ça tout à l'heure. Bouge pas, Julien. Il y a Damien qui est au téléphone avec nous. Salut, Damien. Appelez-nous, hein, 01 53 40 30 20. Ah, Damien, t'es en double appel. Et le double appel, c'est, t'as pas le droit de le faire à l'antenne. C'est marque déposée Skyrock, c'est que pour nous. Ah ouais, c'est par défaut, là. Attention, hein. Allô, Damien. Bon bah Damien on l'a perdu. Enfin on l'a pas perdu, il est en double appel. Bon on le retrouvera tout à l'heure. Ou pas d'ailleurs, c'est ça la surprise. Les surprises de l'émission parce non que... mais pour un peu en train de prévenir des potes. Ouais je passe sur Skyrock. Ouais je vais niquer Romano clash. Ah parce que lui aussi il vient pour ça, il vient pour se faire baiser bah, salement. Sur l'affiche c'est écrit clash donc je ah, sais bah, pas oui, il y a non. Peut-être un conseil à te donner, peut-être un soutien pour Cédric, je sais pas. Donc on retrouvera Damien un petit peu plus tard. On a Momo qui arrive dans un instant et qui voudrait parler d'un problème d'ailleurs qu'il a en commun avec Cédric. Ah bah tiens. Et pas ouais, de bol. Pas de bol mon bon Momo, t'es là Momo. Momo oui, de Lyon. Salut tout le monde, salut Skyrock. Salut à toi, salut Momo. Salut. Salut les filles. Aïe Mabroukoum. Aïe Mabroukoum à toi aussi, Momo. Merci. Très bien. Bah, là, l'Aïd, c'est l'Aïd comme Noël en fait. C'est ça, man. Et nos cadeaux, ils sont où, Karim? Bah, c'est à vous de me faire des cadeaux, c'est mon Noël à moi. Gros. Bah, pourquoi c'est ton Noël à toi, nous aussi? Bah, parce c'est... que moi, à Noël, j'ai pas de cadeaux et c'est l'Aïd. Bah, tu rigoles tous les ans, t'en fais un. Mais tu m'as offert quoi? Bah, un dictionnaire, des trucs. Bah, des trucs un livre de blagues l'année dernière. Bon, j'avoue, des cadeaux de merde, mais qui font quand même plaisir. Des cadeaux de merde aussi. Un livre de blagues, tu te rappelles pas l'année dernière? Bah, ouais. Bah, oui. Tiens, j'ai du PQ si tu veux. Merci, c'est gentil, tu le donneras à Cédric. En fait, Karim est à la place de Cédric. Et il récupère toutes les affaires de Cédric. Marielle voudrait peut-être. Je les ai bien récupérées, ça fait 15 jours que j'en ai plus. J'en ai bien d'avance cette fois-ci. Oui. Bon, oui. Alors, Momo, tu vas nous parler de ton problème. Tiens, on va faire un problème mystère. Il a un des problèmes de Cédric. Lequel? Vos messages au 41759. Oh, il a des grandes dents. Et sur la piste Skyrock, on y revient dans un instant. La liste est longue. Juste avant, bah oui, justement, faites-nous votre liste, envoyez-nous vos messages. Et juste avant, on est avec Chloé au téléphone. On t'a pas oublié, Chloé. Hein. Ah, pour la teuf, ouais. Ouais. Ouais, Chloé, tu vas fêter tes 14 ans. T'aimerais faire une teuf avec tes parents. Et j'ai demandé aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock, à quel âge ils avaient fait leur première teuf. Ça tourne. Ah, on a déjà DJ pour toi, je viens de l'entendre. Bonjour. Ah, il est là. Allez, c'est DJ Roman. Ça tourne aux alentours de 15-16 ans pour la teuf, en moyenne. Il y a des 14 ans, il y a des 13, il y a des 17, des 18 aussi. Je vais Nanou qui a fait sa première teuf à 18 ans. Non, mais toi, Chloé, tu veux faire un truc tranquille, c'est pas la teuf de l'année non plus, quoi. Ouais, bah oui, je fais un truc posé. C'est pas Projet X, quoi. Ouais. T'invites pas 200 personnes, c'est pas... Ça, ça serait super, Projet X. Ouais, bah, les parents, là, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Oui, c'est possible. Skyman du 78, il a 18 ans aujourd'hui, il a fait sa première teuf, c'était 15 ans. Marie, c'était quoi ta première teuf? Veux savoir Charles Villeneuve. Une partouze. Non, je t'ai dit, je pense que ça devait être presque 14, mais je me suis fait touser. Mais je me souviens même pas de j'en ma première J'en suis avec un gangbang le lendemain. Bah, je veux dire que dans Super B. Non, mais j'avais tellement fait après, si tu veux, que. T'avais tellement fait. Les premières teufs. Ah ouais, j'ai. Gangbang. Non, pas des gangbang, abruti. Mathéo, 11 ans. Eh ben putain, Mathéo. Hein. 17 ans pour l'Albanais. 16 ans, j'ai jamais fait de soirée de ma vie. Pour Zarkat, il a 16 ans, Zarkat. Ah. Bah oui, tu le mets sur ton message. Ah ouais, c'est tard ça. 12 ans pour Océane, elle en a 14 aujourd'hui, première teuf avec des copines. J'ai jamais fait de teuf chez moi car c'était interdit. Karim 92C, elle en a 28 aujourd'hui. Moi je me souviens, tu sais, vu qu'en 6ème c'était un internat. Oui, Romano a été interné en 6ème. Oui, complètement. Donc, Et il faisait des petites soirées, tu vois. Ouais. Genre quand t'étais en 6ème. Oui. Et donc c'était une salle de classe qui était aménagée un peu en discothèque. Ça devait être super, ça. Non, mais c'était pas mal, hein. Vous aviez mis les tables en rond et tout. Ouais, ouais. Le bureau du prof, c'était le bar. Non, c'était la table du DJ. La table du DJ, le bureau de prof. Et le bar, il était où? Le bar, il était dans un couloir, mais il y avait pas d'alcool. Ils avaient tout bu. Non, mais non, il y en avait vous pas. Passé avant. Marie, elle était en sixième. Et je me souviens, les surveillants, ils voulaient pas qu'il y ait de rapprochement, alors quand il y avait, genre des slows. Ouais. Ils surveillaient, ils passaient dans le truc, et quand t'étais trop près de la fille, ils disaient, écartez-vous un peu. Oh, les relous. Genre, tu la prends au bout de tes bras, quoi, les bras tendus. Ouais, c'était ça, genre comme ça, là, genre comme un zombie. Oh, les relous. Je ne t'entends pas, Karim. Je t'ai dit, eux, ils faisaient les arbitres, genre quand tu t'approchais trop, non, ah ouais, non, ils surveillaient. Ouais, ouais, bah, avec ouais. Le sifflet, ah ouais, tu sais. Donc, ouais, pour les teufs, bon, t'es dans la tranche basse des premières teufs. On va dire 14 ans, c'est ouais, la tranche basse des premières teufs, d'après les messages que vous nous avez laissés, là. Alors, on va te présenter Louis, il appelle pour toi, c'est Salah Sky Solidarité. La plus grande radio libre de France est là. Et Louis nous appelle de Valence. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut les filles. Ouh. Salut l'équipe. Salut Louis. Alors tu voulais donner des conseils à Chloé. T'as fait ta première teuf à quel âge toi, Louis? 14 ans, 15 ans, ouais. Vers. Ouais, c'est dans ces eaux-là, la moyenne. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais vers là. Mais ça dépend comment c'est sa teuf. C'est alcool et tout ou c'est... Officiellement, il n'y a pas. Officiellement, il n'y a pas d'alcool. Bah, ah, c'est ça, Chloé, hein. Tu me dis si j'ai une connerie. Hein. Officiellement, ça veut dire quoi? Il va y en avoir? Parce que s'il va pas y en avoir, ça dérange pas qu'il y ait les parents et tout. Enfin. Ah, c'est relou. Moi, je me rappelle, chiant, les parents à côté, c'est. Non, franchement, ça allait. Hein. D'ailleurs, j'ai pas bien compris les auditeurs. C'était mon délire, hein. On a bien rigolé, ils étaient à côté. Ah ouais, t'étais avec après, tes parents. Après, tout dépend toi. Les parents, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai aussi, ouais. Mais toi, Chloé, tes parents, j'ai pas bien compris. Ils seront là ou ils seront pas là? Bah, justement, je pense qu'ils seront là. Ah merde. Mais non, mais après il y a là et là, parce que s'ils sont dans la maison et que vous êtes dehors et qu'ils font pas d'apparition, voilà, mais s'ils viennent genre toutes les 5 minutes ou alors comme disait tout à l'heure Diffoul, c'est que le père il commence à, tu sais, il squatte la terrasse et il oh, j'adore le rapport. Ah, vous pouvez pas remettre Bimba là, j'adore cette chanson. Ah, Bimba avec Bimba, monsieur Kikingal, tiens, voilà, tu vois, en plus tes potes ils vont être mal à l'aise parce qu'il va y avoir bah, un daron, c'est certain, ouais. Même toi, hein. Ah oui, c'est clair. C'est la plus mal à l'aise d'ailleurs, ça sera sur toi. T'imagines, il y a ton père ou ta mère qui arrive. Alors les jeunes, comment ça va? Alors, ça danse. Oh, il y en a, il est en train de tirer, rouler une pelle là. Ah, ouais. Ça me rappelle quand j'étais jeune et que j'ai tiré ta mère quand j'avais des dents. Et donc Louis, toi, comment t'as réussi à convaincre tes parents? C'est ça qu'elle veut savoir en fait, Chloé. Non, franchement, ça a été simple. Si tu dis que c'est tous tes copains, c'est tranquille. Si tu dis qu'il y a pas d'alcool, il y a pas de tout et tout, ça peut passer. Je pense que ça peut passer aussi comme ça. Mais oui, après, franchement, après, si tes potes, ils connaissent tes parents, c'est encore mieux, tu vois. Ah oui, ils les connaissent, j'imagine, tes parents. Oui, la plupart, mais sinon, s'ils sont là, ça me dérange pas trop, parce que, bah, ils sont assez jeunes, et mon beau-père, cool. Il pourrait s'occuper un peu de la musique. Eh, hey, regarde, bah... y a ta mère, elle danse, elle twerk. regarde, oh, Léon. Ouais, genre, ton beau-père va faire le DJ, mais il a quel âge? Bah, en fait, mon beau-père a 34 ans, et ma mère a 35. Ah oui, ça va. Ah ouais, ça va. Ah ouais, tu m'étonnes. Les parents jeunes, c'est bien. Non, mais même, bon, en plus. Ça reste tes parents, quoi. Non, mais même, tu sais que les parents, si tu leur dis, je vais faire une fête, et puis vous pouvez rester si vous voulez, tu sais, ça va les mettre en confiance. Et ouais, bah, okay, on reste. Ouais, c'est pas con. Non, mais allez, commande des pizzas. Non, mais tu vois, tu leur dis, ouais, vous pouvez être là, tout. Ils vont se dire, bah, si genre, elle veut qu'on soit là, c'est qu'elle va rien faire de méchant. Ouais, donc, voilà, ouais, y a pas de problème. Non, c'est pas con, ça. Et au bout d'un moment, bon, je pense qu'ils vont vivre leur vie, ils vont aller se coucher, puis vous continuez. Ah, non, on va danser. Ah, non. Bah, attends. Et regarde, je vais faire un dab. plus. Ouais. Allez, les jeunes, on enchaîne, on va faire une chenille dans le jardin. Une chenille, et à la fin de la chenille, on fait tous un dab. Ouais. Non, mais bon, il a, je pense qu'il a pas tort, Louis, et Karim a une idée pas con. Hein, pour, eh ouais, pour une fois, ouais. Ouais, c'est même étonnant. Ouais. Il a acheté un cerveau sur le bon coin ce week-end, il marche pas mal. Ah ouais. Ouais. Tu vois ça? Pas mal. Non, mais essaye de tenter le coup par rapport à ta mère. C'est quand que tu veux lui demander officiellement pour la teuf? Puis c'est samedi la teuf, hein, tu nous as dit. Ouais, mais enfin, sinon, si j'ai pas le temps d'organiser le week-end encore après, c'est pas. Donc t'as ce week-end ou le week-end d'après? Ouais. Ah, est-ce que tu peux pas me mettre un petit Patrick Sébastien là, s'il te plaît? Parce que j'adore la teuf que. Ouais, non, ça va aller. Je pense que je vais lui demander mercredi parce que normalement elle sera contente, elle sera allée. Enfin voilà, elle sera allée faire sa vie, donc normalement je pense qu'elle sera. En plus, c'est ton anniversaire. Bah oui. En plus, le jour de ton anniversaire, tu lui demandes est-ce que samedi, maman, je peux faire une fête pour mon anniversaire? Normalement, elle devrait te dire oui. Mais non, ouais, je te dis non. Non, mais je vois les messages, il y en a qui n'ont jamais pu faire de teuf avant les 18 ans. Hein. Non, mais il y a des parents, moi, jamais tout court, moi. Tiens, c'est qui Rorom? Ouais, Rorom, 13. Il a 18 ans, tiens, justement. J'en ai jamais fait, mais je m'en fous. Et pourtant, j'ai 18 ans. Ouais, pas mal. Après, si tu vas faire des teufs chez des autres, chez des potes, à la limite, tu t'en fous. S'organiser une teuf, en fait, c'est chiant. Ouais, non, c'est vrai, parce que tu t'occupes de tout. Tiens, quand tu l'as fait chez toi, tu dois tout gérer. Ouais. Ouais, faut tout gérer. Faut gérer. Tu dois faire attention aussi. C'est gérer les gens qui arrivent, gérer les gens bourrés, gérer la boisson. Ouais, mais en général, les potes, ils te filent un coup de main. Tiens, par exemple, moi, tu vois, j'ai organisé la teuf du 15 août chez moi l'année dernière et chez des potes cette année. C'est vrai que c'est mieux chez des potes parce que c'est quand c'est dégueulasse chez eux, pas chez toi. Ouais, c'est vrai, ouais. Bah après. T'as toujours des potes qui t'aident quand même. T'as tout le monde qui s'entraide, Romano. Oui, à minimum. Oui. Ouais, moi, quand je suis invité, je fais rien. Vraiment, tout le monde qui s'entraide, sauf Romano. Je suis invité, quoi. Oh, l'enfoiré. Enfin, comme ça, on le sait, pour les prochaines teufs. Tiens, il y a Jules qui nous dit, moi, à 14 ans, ma fille ne fera pas de fête. Bon, déjà, fais-en une, Jules. Ouais, hein, déjà, commence par ouais, déjà, pour commencer. Bon, t'as le temps, comme dire, mais bon, tu peux faire une petite fille d'abord, et puis après, tu. Non, moi, j'autoriserais une teuf, quoi. Si j'étais parent. De 14 ans. Parce, ouais, que je pareil, ouais. Parce que je serais un mec trop cool. Moi je dirais, mais c'est qui paye? Très bonne idée, très bonne question, Romano. Mais c'est qui paye? Toi, t'autoriserais la fête ou pas? Ouais, je l'autoriserais, mais je lui dirais, écoute, on va faire un truc, tes potes, ça va être 5 euros l'entrée. Ça fait club privé et tout, VIP. C'est quoi. Plus une invitation. Romano, il crée une boîte clandestine. Ouais, c'est ça, un boui-boui clandestin. Vous savez, comme Al Capone à Chicago pendant la prohibition. Oui, exactement. Pareil, même chose. Bon, Marie, toi qui es la spécialiste de la fête, un petit conseil pour finir pour Chloé. Puis Chloé, on te rappellera dans la semaine pour savoir un petit peu la réponse de tes parents, de ta mère en particulier. Et ah oui, d'ailleurs, on nous demandait quel était le plus cool, ta mère ou ton père? Bah, en fait, ils vivent pas ensemble. Ah ouais, donc c'est à ta mère que tu dois demander. C'est ton père, en fait, chez toi. Ouais. Très bien. Et puis fais attention, oui, même si tu prends un peu, même si tu prends un peu d'alcool, tu n'as pas le droit d'en boire puisque tu auras que 14 ans, hein. Je tiens quand même à te le rappeler. Je pense pas qu'il y en aura. Ouais, mais à la limite, c'est pas plus mal parce que le problème qu'il y a, c'est que. Les parents, ouais. Non, mais puis il y a toujours un mec dans la soirée qui sait pas se tenir. Ouais, qui sait pas gérer, qui va être décabané, qui va dégueuler partout. C'est vrai, ouais. Rappelez-vous Cédric quand il avait bu un verre de Genépi, c'est l'alcool vert des montagnes. Après, Romano, il a baisé derrière. Ouais, c'est vrai. Salement. J'aimerais pas qu'il se passe des choses comme ça. Chez toi, hein, Chloé. J'aimerais pas non plus. T'avais pas entendu? Oh bah dis donc. Ah bah tiens, on va le retrouver. Cédric, truc, hein. Cédric Bourré. Cédric Bourré, c'est quelque chose. Hein. Notre prévention contre l'alcool ce soir, c'est sur Skyrock. Mais tu te rappelles pas, il avait fait un délire sur ma tête dès qu'il me voyait claquer le bord de rire. Je me souviens que ça t'avait énervé d'ailleurs. Oui, j'avais envie de patater à la fin, mais je me suis retenu. Demandez à la prod de nous envoyer les sons de Cédric Bourré. Ça, c'est un message de prévention pour ta soirée, Chloé. Sans alcool, la fête est plus folle. Ah bah ça. T'as entendu comme elle est folle, la fête. Elle est bien folle. On peut te rappeler mercredi soir, Chloé, pour avoir des nouvelles? Bah ouais, je pense. D'accord. Donc mercredi soir, on compte sur toi. J'ai un groupe en commun avec Romano. T'es chauve. Non. Tu sors avec un gothique. Comment elle va ta gothique, Romano? Tu nous en as pas parlé ce matin dans le morning, dis donc. J'en sais rien, je suis inquiet, qu'elle fasse ce qu'elle veut, j'en ai rien à branler. Tu nous en as pas parlé ce matin, je me suis dit peut-être qu'ils sont embrouillés, peut-être qu'ils sont fâchés, ou je sais pas. Non mais je n'ai aucun contact avec cette connasse, hein, je vous le dis. Allez. Je le dis en passant. T'as un point commun avec Romano. Radine. Tu vas te faire arracher des dents. T'es belle. Ah non, j'en ai deux. T'as deux dents? Je suis Radine et je suis petite. Oh, tu es toute petite. Petite Radine. Merde, t'as à quelle taille? 1m56 et je grandis plus. Bon, ça va, t'es plus grande que Romano déjà. Plus grande que Romano. Non, mais forcément, tu vas encore grandir, t'as 13 ans. Bah oui. Bah ouais, mais sauf qu'en 3ème, en fait, tout le monde, et même en 4ème, tout le monde fait 2 voire 3 mètres. Non, mais ça, c'est rien, moi aussi. 3 mètres. Non. Non, mais moi aussi, en 3ème, j'étais tout petit, après j'ai grandi. Non, mais ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il y a des mecs qui étaient plus petits que moi en 3ème, en terminale, ils étaient 2 têtes de plus que moi, quoi. Et là, Romano était dégoûté parce que lui, il voyait les autres grandir, et lui, il grandissait. Ah, moi, ça s'est arrêté, moi, à un moment le bord. Allez, quitte à Rose, t'es pas. La même taille que Romano, moi je peux regarder dans les yeux. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, sur moi ça c'est pratique. Ce serait mignon tous les deux. Oui, peut-être. Mettez-vous en couple. Ouais, bah oui, bah bien sûr, ouais. Viens, tu m'appelles Romano du tout. Non, Ropédo. C'est Ropédo maintenant. Bon, bah écoute, Chloé, on prend des nouvelles mercredi. Tu nous dis tout ça. Et puis sinon, ouais, vas-y, hein, si tu veux, Louis. Ouais, je voulais dire, ouais, sois bien clair avec tes parents. Genre, tu leur dis, il y a tant de personnes qu'il n'y en ait pas une de plus, qu'il n'y a pas d'alcool qu'il n'y en ait pas. Une... soit réglo, parce que sinon après... Ouais, faut pas leur la faire à l'envers, sinon il y aura plus de soirée après. Ouais. Pas tort, gros. Ok, bon bah écoute, ça roule. Sinon, je peux faire une dédicace. Bien sûr, merci Louis, hein, sympa comme tout ton coup de fil. Mais de rien. Et puis on t'envoie le t-shirt Skyrock, tu seras beau gosse dans les rues de Valence. Et on te fait des bisous. Sûr. Et des bisous. Merci, bisous. Et Chloé, petite dédicace, tu voulais faire un petit coucou? Ouais. Vas-y. Bah, je passe une dédicace à Oriane, Céline, Adèle, à elle, et un auditeur de Skyrock qui écrit sur le chat, Nicolas, c'est un ami. Eh bien, on le salue d'ailleurs. Bah, on salue tous ceux qui sont sur le chat de Skyrock. Nicolas. Nicolas. Nicolas. Ah, Nicolas. Nicolas. Ah, Nicolas. Ok. Eh bien, merci à toi, Chloé. On te fait un gros bisou. Oui. Bisous. Salut à toi. Bisous, Chloé. Ciao. Et bonne teuf. Un peu de passer. Et puis, mercredi, ce qu'on fait, donc tu nous dis si la soirée elle a lieu. Si elle a lieu, on t'organise une soirée super. On trouve des idées géniales pour la soirée. D'accord. On trouve le concept. On fait, voilà, the concept pour the soirée to be. Ça marche. Bon, bah, merci Chloé. Comme ça, on fait ça en étape. Le plus important, c'est que la soirée puisse avoir lieu. Ouais. Ah oui. Bah oui. Si on se casse le cul pour une soirée qui a pas lieu, ça va nous foutre les boules. Organise des jeux cool, c'est mieux que l'alcool. Faut pas en abuser. Ah oui, pas en abuser. Vous vous amusez depuis 20 ans à l'antenne sans boire, sauf Marie. C'est vrai, c'est vrai que nous on se marre tous les soirs et moi je suis jamais bourré. Marie, toujours. Non, pas toujours. Et Romano, ça soirs. Dépend. Ouais, rarement. Hein. T'as déjà fait une émission bourrée. Et j'ai fait écouter Cédric bourré. Ouais, pas qu'une. Je confirme. Écoute bien, Chloé, tu vas halluciner en écoutant Cédric bourré. Tu l'as déjà entendu, toi, Louis, Cédric bourré? Ouais. Bah écoute, c'est pas Jojo à voir. Ceux qui ne l'ont jamais entendu, restez. C'est terrible. Restez bien là, les autres. Insensible, s'abstenir. Le mec n'abuse pas, quoi. Bon, dans un instant, on va retrouver Momo en direct de Lyon, qui a le même problème que Cédric. D'ailleurs, on va jouer au problème mystère. De quel problème s'agit-il? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Vous pouvez continuer à laisser des messages. Ah, tu penses qu'il est moche, Momo? Est-ce que tu es moche, Momo? Non. Momo de Lyon, 17 ans, toi aussi, toi. Alors, tu es moche, tu es gros, non? Non. Il pue, là, parce que Cédric, il pue en ce moment. Ah ouais, Cédric, c'est. Non, le pauvre. Cédric est là, d'ailleurs. Allô, Cédric? Il est là. Ouais, je suis là. Oh, ça pue. Non, j'ai pris ma douche cet après-midi. T'as pris ta douche? Ça pue quand même. Putain, une douche depuis jeudi. Ça devait être chaud. Hein. Ça va, non, ça n'a pas coûté les économies, c'est bien. Ça n'a pas coûté cher en flotte, hein, tout clair. Ça. L'OL devait être marron. Oh. Ah, c'est pas gros, mais on se cache, ça sentait, quoi. Ah, non. Ça devait être, mais tu sais que d'habitude. Mais moi, je plains tes voisins, mais t'as, calvaire. Mais tu bouges pas ton bras. Sous ton bras, ça pue, mais c'est horrible. Bah, sous ton bras, on t'avait déjà dit, Cédric, sous ton bras, ça pue. Et pourquoi tu prends pas une infirmière qui vient te frotter, tu sais, parce qu'elles veulent pas, elles veulent pas. Avec un karcher à la j'ai une copine qui vient, qui me fait ça. Je t'ai trouvé c'est la toiletteuse que je t'ai trouvé. Ouais. Je peux donner un indice? Ouais, bah, si tu veux. Vas-y, Momo, vas-y. C'est pas bon, la bouffe. C'est pas tu bouffes de la merde. Par rapport à la bouffe. Tu bouffes de la merde. Bah, c'est pas un indice que t'as donné, parce que c'est la bonne réponse. C'est quasiment la réponse. C'est quoi, tu bouffes tout le temps? T'as la chiasse constamment? Tu bouffes tout le temps? Oui. Et il a trouvé Karim. Ah, c'est ça? Ouais, c'est ça? Tout le temps et de la merde. Ah, super. Le temps, ouais. Mais tu bouffes quoi comme merde? Tu bouffes quoi tout le temps? Je mange mon caca. Oh, t'as entendu, Cédric? Le caca, c'est bien. Oh, ouais, mais Cédric, quand même, merde. Oh, quand même. Tu dis vague. Tiens, faites-nous le. Bon, c'est ça, en fait, hein, c'est la bouffe. Parce qu'on nous disait, il est précoce, il est obèse, il est précoce. Ah, bah, il y a eu plein d'idées. Va au Bois de Boulogne. Oui, il va au Bois de Boulogne. Non, parce qu'il est à Lyon. Tu étais à Lyon, hein, toi, tu vas pas au Bois de Boulogne, toi. Oui. T'es lyonnais. C'est un peu compliqué, là, bon, oui. On va donc s'occuper de toi. C'est quoi ton souci, alors? C'est t'es addict à la bouffe? Oui. ça dépend comme tu bouffes et qu'est-ce que tu bouffes. Oh, de la merde. Oui, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais c'est-à-dire, tu peux manger un sandwich avec en le trempant dans du lait, je sais pas, gros. Ça, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est pour ça, il dit n'importe quoi. Dis-nous, qu'est-ce que t'as mangé ce soir, par exemple? Allez, fais-nous ton repas de ce soir. Voilà. Attendez, juste un instant. D'accord, j'attends juste un instant. Très bien, ça nous laisse quel temps. Quel suspense. Ça nous laisse le temps de gérer le double appel, parce que les familles sont prêtes. Et j'ai Samy qui gigote depuis tout à l'heure. Aïe, aïe, le con, il me demande de préparer les numéros et que le double appel, il le fait pas. Et Patrick est prêt. Hein. Et Patrick est prêt. Ok, et ben tout le monde est prêt. Double appel, nous aussi, c'est parti. Écoutez deux secondes. Oui. Je vous jure qu'on n'appelle pas. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Là, c'est comment ça me gaver, hein. Bah, c'est vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Il y a des chevaux là. Ah bah attendez, il y a des chevaux. Ah c'est bon là. Ah bah c'est bon. Le double appel sur Skyrock, seulement sur Skyrock. Le soir, on met en contact. Oui, parce qu'on aime la communication, on aime que les gens communiquent. On met en contact des gens qui ne se connaissent pas du tout, les uns avec les autres. En général, c'est le numéro que vous nous laissez sur le 41759 ou sur l'appli Skyrock. Vous laissez ça tous les soirs. Et nous, on en fait bon usage tous les soirs. Il y en a qui nous réclament des multi-appels. Vous avez adoré le multiple appel de vendredi. Ouais, c'est drôle. Excellent là. Excellent. Ah Patrick trouve ça excellent. Excellent. Absolument, Patrick. Ouais. C'est vrai que c'était super, ça. Vraiment, on a adoré. On avait mis en contact des gens qui bossaient. Ça, c'était un gros bordel. Avec Patrick. Ouais. Tiens, il y avait un numéro de téléphone avec des gens qui étaient, avec des numéros qui étaient tous dans le même quartier. Samy, tu l'as testé tout à l'heure. C'est bon, t'inquiète. Il fait partie de la liste. D'accord, c'est le numéro que vous avez laissé. Absolument, le numéro que vous avez laissé, Lauriane. Il y en a plusieurs. Lauriane, on va essayer. D'ailleurs, je sais pas si on commence avec eux, on commence avec quoi. Non, là, je vous propose Jean-François et Jean-Michel. C'est Jean-François et Jean-Mich. Allez, on les met en contact. Jean-François, Jean-Mich pour le double appel de ce soir. Le premier de la semaine. Ouais, premier de la semaine, en direct sur Skyrock. Merci à Claudia qui nous envoie le numéro. Allô. Oui. Allô. Allô. Oui, comment vas-tu? Mais qui êtes-vous, là? Moi, je suis Patrick, hein. Oui, écoutez, vous faites erreur, excusez-moi, bonsoir. Ne raccrochez pas, madame. Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? J'ai des godes. Allô? Allô? Mais réponds, toi, au téléphone. Oui, allô? J'ai des godes. Salut les filles. Oui, c'est alors Cédric, laisse tomber. Allô. Oui, allô. Allô. Allô. Oui. Salut les filles. Comment vas-tu? Ça va. Moi je suis Patrick. Hein. Patrick qui? Devine. Patrick. Ok. Allô. Allô. Oui. Devine. Vous avez pas fini d'embêter les gens de ça ce temps-là? J'ai des godes. Parti. Ouais. Ah, ils sont tous partis là. Ouais, ils sont tous partis. Pas mal. Pas mal. C'est un petit début sympa quoi. Pour l'instant, on n'a pas réussi à tous les mettre en contact. Bon, c'est comme ça. C'est juste... Non, mais là, en ce moment, ils vont séparément un peu. Ouais. Oui, c'est ça. Heureusement que Patrick est là d'ailleurs. Hein. Heureusement qu'il est là, Patrick. Qui c'est qu'on va? Ah, s'il fait le numéro de la rue là. Vas-y, là, on fait plusieurs numéros de gens qui habitent juste à côté en fait. D'accord. Des voisins quoi. Ouais, en gros. Ouais. C'est un peu le clash des voisins. Des voisins ou pas, mais c'est la même rue. Ah, d'ailleurs, faut pas que j'oublie j'ai promis qu'on parle de. Allô. Allô. Oui. Bonsoir. Allô. Oui. Allô. Je vous entends, moi. Allô. Oui. Allô. Et ça y est, à l'huile. Hein. À quel honneur. Si vous téléphonez, vous savez qui je suis. Ah bah écoutez, je ne téléphone pas, je reçois un appel téléphonique. Je sais pas, on est à 3. J'entends rien. Voilà. Et moi non plus. Voilà, ma foi, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Patrick. Ça, c'est allô bon. Allô. J'entends rien. Allô. Oui. Allô. Allô. Allô, connard. Je me suis fracturé la clavicule. C'est toi qui appelles chez moi, pauvre con. Mais c'est pas moi. C'est vous qui m'appelez, alors c'est pourquoi? Il y a un autre derrière vous qui dit je me suis fracturé la clavicule, je vois pas qui c'est. Hein. Et toi, t'es qui, toi? Non, je ne vois pas qui vous êtes. C'est vous qui m'appelez, hein. Moi, je t'emmerde. Moi, je suis Patrick, hein. Alors, le nom de famille. Moi, je t'emmerde, moi, connard. Oui, moi je connais pas de Patrick, alors à mon avis, il y a une erreur sur le numéro, hein. Allô? Qu'est-ce que tu appelles chez moi, toi, pauvre con? Il y a pas... Moi je connais pas... Dis-moi où t'habites, j'arrive, moi. Devine. Je sais pas, c'est Denisien, moi, j'adore ça. Non, mais t'es pas normal, toi. Oui, si vous avez que ça à dire, c'est pas chez moi, vous faites erreur de correspondant, ça suffit. Mais j'appelle pas chez toi, c'est toi qui appelles chez moi. Tu me feras une pipe au champagne. T'es pas normal, toi. Oh putain. Allô. Oh le bordel. Connard. Allez, c'est parti. Allez, ils sont trop. Mais la voix qu'il a, bordel. Énorme. Et puis elle, l'autre, elle comprenait rien. C'est clair. Il comprenait rien. Il avait l'impression que Patrick, il était avec sa femme. Complètement largue. Non, mais vous savez, quand à un moment, ils étaient quatre. Ah, il y avait du monde, ouais. Ah, bah oui, oui, oui. Ils étaient quatre. Quatre ensemble. Et ça, c'était magnifique. Bravo. Plus Patrick, plus Patrick. C'est excellent, là. Emma, ouais, on a trouvé ça. Excellent également. Excellent. On essaie de les rappeler pour voir ce que ça donne. Allez, on y retourne. Rappelle juste les deux dernier, Samy, pour essayer de répondre. Notamment le monsieur qui était super, alors lui vraiment. Ah, lui, c'est clair. Voix. Super. Et puis, tu rappelles la dame aussi? Ouais, ils ont eu un bon contact tous les deux. La pipe au champagne a fait son effet, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein. Ouais. Une très très bonne pipe au champagne. Vous pourrez avoir également une pipe à la bière. Ah, bah ils sont. Ah, bah, ils... Si tu veux, Marie. Bah non, ça ne répond pas. Ah, bah, bon, des doubles appels. En veux-tu, en voilà, comme on dit oui. En Bourgogne. C'est une expression. En veux-tu, en voilà. C'était bon. Bon. On recommencera peut-être d'ici minuit. Hein. Merci pour l'idée du multi-appel. On va t'offrir un cadeau d'ailleurs. À toi qui as laissé le message, j'ai donné ton nom tout à l'heure, je sais plus comment t'appelles. Mais en tout cas, tu as laissé un message, tu as laissé ton numéro, bravo. On te rappelle. Bravo. Et on t'envoie le t-shirt, non, même le maillot de foot, de rugby, de ce que tu veux. On t'envoie ça à la maison. Au choix. Laissez vos numéros, hein, sur le 41759 et sur l'appli. Il y a Claudia qui te dit, c'est des fous, les gens. Trop bien, ce double appel pour, Hakim, Killer 59. Salut, Killer. Qui nous dit, trop bien. Il était bien, ce double appel. Salut à toi. Énorme pour Kenny du Gers. Salut le Gers. Salut Kenny. Il y en a qui sont PTDR. Bonjour à FF 50 dollars, dollars, dollars, Luna, dollars, dollars, dollars, dollars. Ah, je t'embrasse. Salut. Ah, tu aimes bien ce pseudo. Bien les dollars. Avec des dollars écrits partout, ça t'excite. Ça t'adore. Ouais. Bon, envoyez-nous des messages. Débarquez ici en direct. Et dans un instant, on va parler bouffe. Tiens, dites-nous quel est le truc que vous adorez bouffer. Alors, vous marquez adorer, je sais pas, moi par exemple, Karim. Les pizzas. Des pizzas au jambon. Ouais, j'adore. Ça, c'est ma passion. Ouais. Elle aime le jambon tout court. Sans et le cochon grillé, on m'a dit. Aussi, ah ouais, ça, la queue de cochon. Ouais. Le porcino, il adore. Le porcino. Non, le porcino. Porcino, c'est un petit porc. Ouais. Ah, ok. En italien. Oui. Et puis, bah, vous nous dites ce que vous adorez bouffer. Et on en reparle avec le gros bouffeur qui est Momo. Ah, ouais, ça. Il doit être gros. c'est marrant. Il y a Mathias qui nous laissait un message qui nous disait que tu dois être gros. On va voir tout ça. Combien tu pèses? Combien tu mesures? Qu'est-ce que tu bouffes? Qu'est-ce que tu as bouffé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimes bouffer? Enfin voilà, puisque ta passion c'est bilan. La bouffe. Et voilà, moi c'est la bite. Et on fait des nuggets de poulet. Et on fera un petit bilan avec Cédric d'ici quelques instants. Les nuggets de poulet, t'aimes bien toi? Ouais, c'est pas mauvais quand ils sont bien bons les nuggets. Ouais, c'est bon ça. Ouais. Bon, on en reparle. Frites, pâtes, crêpes, les pâtes à la carbonara pour la bonne couille. Des pizzas au merguez pour Aiden, 17 ans. Salut Aiden. Des frites pour Kenny. Elle adore les frites, la Kenny. Moi je bouffe que des légumes parce que je fais de la musculation. Moi aussi je fais de la muscu, je mange beaucoup de légumes. Ouais, bien sûr. C'est Uridja du 42. Évidemment. Arrête pas, elle bouffe du poireau, mais. Ah ouais. Non, des carottes, j'adore les carottes. Ah, les carottes. Les carottes, j'adore. J'adore bouffer de la pachole. Ah, ah tu manges de la pachole. Ah, c'est que moi le vieux. C'est vaginal chien, 17 ans, qui bouffe de la pachole. Le kebab, mon frère, il y a que ça de vrai. Ça, c'est le message de Blédard de Marseille. De... Mais il y en a des très bons, hein. Du poulet. Moi, je bouffe de la viande blanche ces temps-ci. Poulet, dinde, comme ton chien, Romano. Ouais, moi, il mange que de la dinde. Le chien de Romano aime les repas de luxe, mange de la dinde et boit de l'eau minérale. Mais on en reparle dans un instant, vous bougez pas. Reste avec nous, Momo. Tu restes là. Et tu nous expliques exactement pourquoi tu nous appelles par rapport à cette histoire de bouffe. On en reparle après Ken Jones. Ken Jones qu'on écoute tout de suite, une découverte Sky. La radio qui t'offre le plus de places de concert. C'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock. Black M. C'est MHD sur Skyrock. Ouais, c'est Serge. C'est Jules sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock. Après les 200 premières places pour la toute nouvelle tournée de Maître Gims, Skyrock double la mise. Soprano Baba. Et t'offre 200 places pour voir Soprano en concert dans toute la France. Soprano, écoute Skyrock à tout moment et choisis ta ville. 200 places de concert Soprano en exclu sur Skyrock. Ouais, ouais. Soprano, un concert avec Skyrock. Skyrock. Est-ce que ça va ou pas? Promets sur Soprano. Demain, Blindspot, votre nouvelle série événement. Qui est cette mystérieuse jeune femme retrouvée amnésique, le corps entièrement recouvert de tatouages?

go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my dad. Then she said, sabasete. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep hola como esta. She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bonjour my da. Then she said sabate. And I said na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said hola como esta. She said konnichiwa. She said pardon my French. I said bonjour my da. Then she said sabate. And I said na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Fool. T'as été long à répondre. Non, ta gueule. Romano. Ah putain, moi j'ai bien baisé ce week-end. Juste avant de ah ouais, il y a eu de la faciale et tout quoi. Ah, ah, Cédric. On nous a reconnus. On nous a reconnus. Marie. Non, mais j'en sais rien, je suis pas allé vérifier sa chatte, figure-toi. Samy. Tu sais, mais nous en France, dans les clips, on voit limite des chattes, tu vois. Et Karim. Le problème, c'est qu'il va pas tâter l'autre et l'autre il va dire, mais non, c'est pas moi, c'est lui. Ouais, il va le faire. Difool Radio Libre. Tous les soirs sur Skyrock. Et ouais, la radio libre sur Skyrock, c'est tous les soirs avec vous en direct. Déchirez tout, allez-y, faites péter tout ça. On va parler bouffe là maintenant avec Momo qui est avec nous en direct de Lyon. On va le retrouver. Momo, bon appétit, bien sûr. Et ben bon appétit si vous êtes en train de manger là ce soir. Ça mange un paquet de kebab hein, d'après les messages que vous nous envoyez là depuis tout à l'heure. C'est bon, hein. Kebab bon pizza pour Romuald. C'est bon quand il est bon. Bah écoutez, moi les kebabs, je suis pas fan en fait. Faudrait que je te fasse goûter. Parce que t'en as jamais mangé de ta vie, je crois, gros. Ouais, mais j'en ai mangé si, 2-3 et je trouve ça trop gras. Non, mais non, je te ramènerai vers chez moi. Il y a un restaurant où a été mais Nikos Aliagas, un resto grec où ils font des salut Nikos. Et ben c'est vachement bon parce que The Voice, il a la voice. Allez, non mais non, c'est pas Voice Kid, il est à la taille pour faire Voice Kid. Allez, dis bonjour à Jennifer. Bah bonjour Jennifer. Salut. Bonjour Jennifer. Salut. Salut Jennifer. Bon oui. Et il est très bon. Non parce que oui, bah parce que toi t'as l'image de. Ouais, c'est vrai que nous dans le quartier, il y en a quelques-uns qui sont ça, ouais, particulièrement dangereux. C'est clair. Voilà, j'adore celui où il y a la sauce blanche du monsieur. C'est... Bah il y en a ici, il y en a plein confirmé. Il y en a un, c'était un grec, ça a changé 2-3 fois de patron. C'était à chaque fois un nouveau grec, ça fermait pour hygiène. Ouais, ouais. Et là, c'est devenu un resto japonais. Donc c'est vrai qu'il est très déçu parce que c'était ses restos préférés. Ah ouais ouais. Bah, là, ouais, ça devait être sacrément propre. Ah ouais, alors, je pense. C'est vrai qu'on voit 2 fois par an, ça changeait de patron quoi. Donc qu'est-ce que ça mange? Je mange diète, riz et thon pour Adriano. Il y a Braza92. Putain, t'es une masse, toi, Braza92. 21 ans, il nous envoie une photo. Vous pouvez envoyer des photos hein, sur l'appli Skyrock. C'est marrant, on voit vos ganaches, on voit vos têtes, c'est rigolo. En ce moment, je suis en sèche. Donc, blanc de poulet et légumes. Lol. Ah, tu fais un petit régime, toi. Ouais. J'ai, il y a Zakart. Zakart. Ah oui, il m'a insulté parce que j'ai mal prononcé son pseudo tout à l'heure. Zakart, 16 ans. Qui dit, moi, j'ai une pote, elle adore manger les endives au jambon. Du poulet tous les jours pour Phoenix. Ah, putain, ah, bah, pas mal. Moi, ouais, mais moi j'aurais l'impression de manger comme un chien. Ah ouais. Romano la salope nous laisse un message. Il a 16 ouais, ans. Salut vas-y. Romano la salope. Ouais. Je pense que c'est un de mes plus grands fans. Hashtag Romano la salope. Alors vas-y. Je bouffe la chatte de la Marie. Ah ouais. Ah bon, bah j'étais pas au courant. Ah bah t'as du courage. Il y a Black Goku, la lui, pauvre. Il a 20 ans, il bouffe des salades vertes à fond. Celui que vous entendez parler derrière, c'est Samy qui est au standard. Vous appelez dans ouais, l'émission et ouais, vous retrouvez dans le studio avec le standard, avec les messages qui défilent. Brest du 22, lui mange des tripes avec vos photos. Ah, quoique les tripes, ma mère, elle les préparait bien, moi. Ouais, mais ça dépend comment c'est fait, quoi. Les tripes, là, explique à Karim, il comprend pas. C'est un truc dans le corps, à l'intérieur, là, tout ça. Mais ouais, les tripes d'animaux, quoi, pas d'humains. Non, c'est ça, parce que pour moi, t'es cannibale. Ouais, ouais, non, mais genre. Il y en a dans l'andouillette, par exemple. Ça, j'aime c'est pas pour un douillette, j'adore ça. Ah, ça, c'est trop bon ça. D'ailleurs, c'est une grosse andouillette. Non, je suis pas une grosse andouillette. C'est une grosse andouille. Mais moi, je mange de tout, donc bon. Amirouche nous dit les tacos pour Amirouche. Tacos, ça peut être bon ça aussi. Ah ouais, c'est clair. Tacos. Ça mange du poulet, ça mange des frites, ça mange des pâtes, ça mange des pizzas, ça mange des kebabs, des nuggets. Il y a Urija qui nous dit les nuggets, c'est de la grosse merde. La panure, c'est le pire. Ah, tu veux dire qu'il y a des nuggets qui sont mal faits? Ouais, j'ai vu la télé ça. Ouais, mais même la viande du poulet en lui-même dans le nugget, apparemment, il y a tout qui est mélangé, l'os et compagnie. Tiens, on a Momo qui est toujours avec nous là. Momo en direct de Lyon, toujours là Momo. Ouais, je suis vivant. Toujours là. Bon, alors Momo, addict à la bouffe, qu'est-ce que t'as bouffé ce soir? Fais notre ton pire repas de la soirée. Ton menu. Nuggets de poulet, salade et fruits. Ça va? Parce que ça va. C'est léger, nuggets de poulet. Enfin, c'est léger, c'est de la viande blanche, c'est pas mal. Après, le salade, la salade c'est des légumes. Et des fruits. C'est des légumes, hein? Ouais, c'est des légumes. C'est des légumes. Et fruits, c'est des fruits. Non, mais après, tout dépend de ce que t'as bouffé toute la journée, parce que tu dis que tu bouffes tout le temps, donc. Ah ouais, tu bouffes. Mais, c'est-à-dire, par exemple, tu est-ce que tu peux rester deux heures sans ingérer quelque chose? Vite fait. C'est difficile. Mais quand tu dis t'as mangé des nuggets, t'en as mangé 8 ou t'en as mangé 40, tu vois? 20 Ça commence à faire 20, ouais. 20 nuggets, c'est beaucoup. C'est gras. Dit 20 encore. Gaëlle, elle mange végétarien car j'aime les animaux, elle nous dit Gaëlle. Il y a de plus en plus de gens qui sont végétariens ou vegan. Ouais, c'est dingue. Mais c'est quoi la différence entre vegan et végétarien? Vegan, tu bouffes rien. Tu bouffes même pas de lait. Et c'est quoi végétalien? Et tu bouffes quoi alors? Végétalien, putain, j'en sais rien. Végétalien, je crois que c'est vegan. Non. Ah, c'est pas pareil. Non, je crois que c'est végétarien, mais il est italien, je crois. Non, c'est végétalien. Végétalien. Je crois que vegan, ouais, vegan et végétalien, c'est pareil. En fait, vegan, tu manges que des légumes et végétalien. Non, mais vegan, à la base, c'est le nom américain. Ah ouais. Non, mais parce que tu sais, il y a un truc, tu peux manger des œufs par exemple. Non, pas d'œufs. Non, vegan, tu manges pas d'œufs. Mais c'est un mec qui a la politique, j'irais bien vegan. En fait, vegan, tout ce qui vient des animaux, tu manges pas. Et voilà, végétarien, t'as le droit, je crois qu'il mange certains trucs, genre du poisson. On peut pas manger de caca quand on est vegan. Le caca, c'est bon. Non. Parce que ça vient des animaux. Tout ce qui vient des animaux, tu peux pas. Ah ouais. Des sushis. Ah oui, mais les sushis, ces temps-ci, j'ai envie de me. Ça fait longtemps que j'ai pas bouffé des sushis. Ah, c'est bon. Je mangerais bien un petit sushi ces temps-ci. Un seul comme ça. Peut-être juste un. Petite moitié de sushi. C'est du coup, il va au restaurant, il commande un sushi, s'il vous plaît. Ouais, dans l'assiette. Ouais. En D2D, c'était pas possible. Regardez, il y a les formules. En B12. Ouais, c'est clair, c'est que des chiffres. Dans Momo, t'as des fans de toi qui adorent les nuggets aussi, hein, qui nous laissent des messages depuis tout à l'heure. Les nuggets. Non, moi, quand j'étais au Bahut, il y avait un mec, quand on était à la cantine, il prenait son yaourt. Mm-hmm. Il prenait toujours son yaourt, il foutait tout dedans. De c'est-à-dire, par exemple, on mangeait des frites, il mettait les frites dans son yaourt. Ah, je te jure, il mélangeait, il mangeait tout. Je disais, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, de toute façon, ça se mélange dans mon ventre. Oui, c'est vrai. Ah, mais ouais, c'est dégueulasse, merci, quoi. Ouais, mais c'est pas mal. Tu peux manger également, je sais pas, moi, une crème glacée mélangée avec un kebab. Ouais. Mais limite, c'était ça, gros, qui faisait un kebab à la vanille. Non? Ouais, c'était un peu un animal. Ouais. voilà, quoi. C'est moi. Tête de mouton en repas ce soir pour la bonne fête de l'Aïd, nous dit Thiora. Ouais, tête de mouton. Ouais. Enfin, moi, je vais pas en bouffer, mais il y en aura, ouais. T'as la tête des bestioles, moi, j'aime pas. Bah, ça se bouffe, hein. Pas les chicots, mais moi, cet été, j'ai mangé de la tête de porc. Il est content de sur ça normal. Romano, arrête de mordre. Non, parce que en Sardaigne, justement, le petit cochon porte chez nous, là. Ouais. C'est des petits cochons, mais genre, quelque part, c'est horrible. Hein. Ils les prennent, en fait, quand ils sortent de la mer. Et c'est quasiment là qu'il faut qu'il ait le meilleur, quoi. Ouais. Et en fait, on avait acheté le cochon, une moitié de cochon. Et Cariole, elle voulait absolument la tête. Mais pareil, on l'a montré à des petits Italiens. Ils étaient choqués. Ils étaient là, mais comment vous faites pour bouffer ça, quoi? Tu sais, t'as les petites dents et tout. Ouais, t'as les petits chicots. Ouais. Bah, tu te défais tout, c'est vachement bon. Moi, c'est comme le mouton, quoi. Ouais, pareil, ouais. Mais c'est bon, la tête de mouton, j'ai déjà mangé aussi. J'ai jamais bouffé ça. Tête gros. De lapin aussi. Non, mais les têtes, moi, je suis pas trop, moi. Spaghetti, sushi, les lasagnes pour Léo du 59. Salut Léo, bon appétit. Kebab dégueulasse. Ah, il y a Baby Chou qui aime pas trop les kebabs non plus. Moi, je vais vous dire ce que j'aime bien bouffer. Actuellement, je suis en. On peut le dire, je suis en kiff, mais en kiff total sur les crèmes glacées, Bounty et Snickers. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas un repas. Tu fais des repas, gros. Qu'est-ce que tu dis, Momo? En entrée, je prends un Bounty et après, je prendrai un Mars. Et demain, je l'inverse. J'ai également acheté des Mars ce week-end parce que mes préférés sont les Snickers et les Bounty. Ouais, mais c'est pas mauvais. Moi, j'ai eu une période où j'en bouffais un bloc, puis ça m'a saoulé. Putain, moi, j'arrête pas d'en bouffer. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Je sais pas, j'en bouffe 7-8 par jour, quoi. Ah, ouais, putain. Ah, ouais. Mais tu te fais des repas, tu manges que ça. Ouais, ouais. Donc, je me suis réveillé à 3h du matin, j'avais faim. Et je me suis dit, tiens, je mangerais bien un petit. J'aime bien un petit Bounty. Et tu bouffes du litchi aussi en ce moment, parce que tu bois une boisson, il y a du litchi dedans. Ouais, les Mogu Mogu. Ouais. Les Mogu Mogu. Tu connais Mogu Mogu, Mo? Ouais, je connais. C'est bon, ça, Mogu Mogu, hein. Litchi, ouais, c'est bon. Ah, moi, je déteste. Il y a des bouts dedans, là. C'est dégueulasse. Aussi, ouais. Ouais, c'est bon. Il y en a là. Ouais, il y en a au melon. À la fraise. Ouais. Melon, litchi, mille fraises. C'est horrible. T'as des espèces de trucs de bouts dedans, là. Dégueulasse. Et vous aimez pas les Bounty et les Snickers glacés? Si, ça va. Si, mais bon, j'en boufferai pas. Voilà. Moi, je préfère manger équilibré, quoi. T'en fais pas un repas. Bon, et on s'est dit. Non, mais moi, je mange vachement équilibré. Parce que Cariole, elle fait vachement bien bouffer. Bah, mais ça se voit, gros. Tu manges équilibré. Mais sinon, je boufferais que de la merde. Tiens, en parlant de trucs de merde, cet été, j'ai testé un truc chelou. Ah, dis-nous, Samy. J'ai bu le sang d'un serpent et j'ai bouffé le serpent. Oh, ah ouais, tu m'as dit que t'avais bouffé du serpent et pas le sang. Bah, parce que c'est une tradition en Indonésie, tu sais, j'ai voulu tester. Et c'est bon? Ouais, c'est marrant parce que c'est un cobra royal, tu vois, le vrai cobra. La meuf, elle a pris devant moi, elle a attrapé le cobra, il faisait genre 2 mètres. Elle a pris un espèce de sabre, paf, Ah, elle lui a coupé la tête. Quick. Elle a vidé le corps du cobra dans une tasse. Ah ouais, direct devoir préparer ça, ça me donne envie de dégueuler, moi. Ça prend 10 secondes, tu vois. Elle a rempli une tasse de sang, comme ça. Hop, j'ai bu le sang. Ah non! Non, mais c'est chaud. Imagine, elle t'aurait donné du venin, je sais pas, gros. Non, mais c'est une tradition. Je m'étais renseigné avant, gros. Ils le font, il y a les mecs qui le font là-bas, tu vois. C'est un truc de. Oui, c'est dans des restos, quoi. Ouais, non, pas vraiment. Non, c'est dans la rue. C'est dans des boui-boui, quoi. Non, même pas. Même pas vous. Toi, t'es à casse-cou. Et après, du coup, elle prend le serpent, elle enlève la pointe, elle dépose, et après, elle fait griller sur un petit barbecue. Et après, mais le truc de 2 mètres. Ouais, elle le coupe en morceaux, elle fait des yakitori avec. Et après, tu manges ta poignée de yakitori. C'est super. Mais c'est gros. En diamètre, c'est balèze, non, quand même. Non, c'est gros comme. Une bite. Comme une canette. Non, mais... comme cette canette. C'est une grosse bite. D'accord, elle fait des tranches. Ouais. Elle le coupe des longueurs de 15 cm et elle les enfile sur des pics à brochettes et elle fait des brochettes. Mais je suis sûr que ça doit pas être mauvais. Ah, la viande en elle-même, c'est super bon. Ouais, mais le sang, c'est particulier. Ah, c'est particulier, oui, c'est sûr. Et l'année prochaine, Samy va tester le pipi. Le pipi de vache sacrée en Inde. Mais ça se mange non, pas. Non, mais tiens, en même temps, par exemple, le boudin. Le boudin. Bah ouais. Voilà. Non, pas Cédric. Salut les filles. C'est du sang. Salut les filles. Non. C'est du sang coagulé dans la peau d'intestin. Donc, et en fait, ce qui est bizarre, là, le serpent, c'est que, tu sais, quand tu coupes la tête, la tête, donc, elle est posée à côté, et la tête du serpent, elle continue à bouger, il sort sa langue, alors qu'il n'y a plus le corps, pendant 10 minutes. Et en fait, le truc, c'est de boire le sang et de manger le serpent, alors que sa tête, elle bouge encore à côté. Ah, mais non. C'est bizarre, hein, en Indonésie. En fait, c'est tradition, vous allez me dire. En fait, c'est une tradition, ça veut dire que t'es plus fort que l'animal le plus puissant, tu vois, le cobra royal, et du coup, en fait, c'est genre ça rend puissant, en fait. T'es prêt pour Koh-Lanta, toi? Ouais, moi, ça me dérange pas, tu vois, c'était marrant. Bon. Eh bien, je pense qu'on a réussi à te dégoûter de la bouffe en quelques minutes, Momo. Voilà, ça y est, c'est bon. Ouais. Merci, Samy. Je crois que j'ai une vidéo, je vais essayer de vous retrouver. C'était quoi ton problème par rapport à la bouffe? Parce que tu dis que tu bouffes tout le temps, mais tu as aussi laissé sous-entendre que t'étais pas gros. Combien tu mesures, combien tu pèses, toi, Momo? Je mesure 1m73, 74. Et tu pèses 75. 75. Ah ouais. Fais attention, man, parce que t'as que 17 ans, donc tu risques encore de gonfler. Après, ça dépend si c'est du muscle comme moi, ou alors si c'est du bide comme Cédric, ouais, par exemple. Bon, l'avantage que t'as, c'est que tu vas encore grandir normalement. Je te le souhaite, en tout cas. Romano, mais t'es un spécialiste de la croissance, dis donc. Ouais, grave. C'est dingue d'avoir aussi peu cru, et d'être aussi spécialiste de la croissance. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai, ouais. Donc Momo, c'est quoi ton souci? Tout le temps et n'importe quand. Tout le temps et n'importe quand. Bah, peut-être que si un jour tu continues de gonfler, mais t'as grossi par rapport à, je sais pas, par rapport à il y a un an, par rapport à il y a 6 mois, ou t'es toujours pareil? Toujours pareil. Bon, ça va. Non, mais ce qui est pas mal, c'est que tu t'en inquiètes maintenant, parce que avec tous les témoignages qu'on a, c'est tellement dur de perdre des kilos, en tout cas pour certaines personnes. À Marie. Je te remercie. Ouais. Désolé, Cédric n'est pas là. On fait un régime, quoi, uniquement. Oui, mais c'est vrai que tous les témoignages qu'on a, ou même quand on parle de ce sujet-là, tout le monde dit que c'est pas évident de perdre des kilos et de réussir à stabiliser. Toi, tu t'inquiètes avant d'avoir franchi le cap, d'être plus gros que tu ne souhaites l'être. Oula, en effet. Wow. C'est très bien dit. Et c'est pas le stress? Ah, peut-être. Ouais. Ah ouais, qui te fait manger. Ouais, le stress, il y en a, ça les fait bouffer. Ouais. Ouais. Ah ouais. Il y en a, c'est leur coupe l'appétit, mais il y en a que ça fait bouffer. Il y en a qui fument quand ils sont stressés. Il y en a qui bouffent. Donc toi, tu fais peut-être partie de ceux qui. Pourquoi t'es stressé, toi, Momo? Je sais pas, en fait, pour ça, je pose la question. Bah, t'as pas l'air? Non, bon. T'as pas l'air super stressé non plus. Mais bon, ça peut être ça aussi, hein. Est-ce qu'on peut voir avec les éditeurs pour voir? Tu veux que je demande aux auditeurs? Amis éditeurs et éditrices de Skyrock, pouvez nous laisser des messages. Est-ce que vous aussi, vous avez tendance à bouffer un peu tout, n'importe. Moi, c'est vrai que j'ai, je suis un peu comme toi, tu vas me dire. Je bouffe tout le temps, mais un petit peu plein de trucs. Je vous ai dit, actuellement, des Bounty et des sneakers. Ouais, mais là, tu bouffes comme un oiseau, Diffoul aussi, gros. Moi, je bouffe pas beaucoup, mais je bouffe souvent. Si l'été, je bouffe beaucoup. Parce que je sais pas, il fait chaud, je fais du sport, c'est peut-être ça. Ah, bah, au contraire, ah bah ouais, moi, l'été, par exemple, le midi, je bouffe quasiment rien, quoi. Fait tellement chaud, tu sais, j'ai pas faim du tout. Je bois. S'hydrater. Mais ben franchement, non, mais il y a des midis, notre pas, c'était l'apéro, quoi, qui a duré 2 heures. Bon appétit. Non, mais j'avais, bon pastis. Tu sais, j'arrivais rien à avaler, quoi. C'est, tu sais, quand il fait trop, trop chaud, j'arrive pas à bouffer, quoi. J'adore avaler. Ouais, c'est bien. Un truc frais. Et aussi, je bois beaucoup de boissons. Tu bois quoi? Beaucoup de coca, beaucoup de ice tea. Tu bois des trucs sucrés, en fait. Ah, mais c'est pas mais bon, mais ça. Mais je bois en cul sec. Arrête, moi j'en bois, je bois combien de canettes par jour? Je ouais, bois mais après, 7, 8 ça canettes dépend, de coca par jour. Non, mais ça dépend vachement de la morphologie. Tu vois, par exemple, toi, Diffoul, tu prends pas de kilos. Non. Carriole, c'est pareil, tu vois, elle a de la chance. Elle bouffe et elle grossit pas. Tu sais, elle va prendre 1 ou 2 kilos, mais maxi. Et regarde, Cédric, il va prendre 5 kilos, quoi. Ouais, oui, Cédric, tu rigoles, mais. Ah, Cédric Bourré, on l'a? Ouais, dans 5 minutes. Ah, dans 5 minutes, ça arrive. On va vous faire écouter Cédric Bourré pour lutter contre l'alcool. Tiens, puisque tu parlais d'apéro, Romano, ça m'y a fait penser. Puis surtout les messages que vous nous avez envoyés. Je dois faire écouter ça à Chloé pour sa soirée d'anniversaire de samedi, là. Toi, Momo, t'as peut-être tendance à prendre du poids facilement. Comment? T'as peut-être tendance à prendre du poids facilement, toi. Oui. Ouais, bah, il faut y aller mollo sur tout, quoi. Et ça. Mais je vais d'avoir des conseils. Bah déjà, faut arrêter de bouffer entre les repas. Hein. C'est un conseil à la con, mais c'est vrai que c'est la base du truc. Même un bounty ou un Snickers. Non, rien du tout. Non, faut bouffer à heure fixe. Voilà, tu bouffes à, je sais pas, à 13h, à 20h. Et après, entre, tu t'arrêtes. Il faut arrêter de tous les grignotages. Arrêter de grignoter. Tiens, je fais attention maintenant. Depuis que je fais du sport, entre parenthèses. Qu'est-ce que t'as écrit? Crénoc. Crénoc. Eh bien, nous avons des créneaux. Crénoc. Des créneaux tout le temps. Tu fais du crénoc. C'est quoi le crénoc? Je ne sais pas ce que c'est le crénoc. Depuis que je fais du sport, j'ai arrêté de manger n'importe quoi et je bouffe mieux. Ouais, bouffer à des heures régulières, on nous dit également sur le 41-759. Attends, c'est exactement ce que je viens de dire. Oui, je pense d'ailleurs que tu as copié le message. Bah, ah, bien entendu. Nana du 29 qui nous dit, mets le corps ignoble du Belge sur ton frigo et à coup sûr, tu vas arrêter de manger n'importe quoi. C'est pas bête, ça. Tu peux mettre une photo qui te, tu mets une photo de quelqu'un de bien gros sur le frigo et à chaque fois que tu vas penser à ça, tu vas chercher à bouffer. Ah ouais, ça peut te traumatiser, ouais. Tu vas le voir et t'auras plus envie d'ouvrir le frigo. C'est... Pas mal, Nana. Plus jamais, peut-être même. Tiens, la stress, tu en parlais. Il y a le câble HDMI de la PS4 qu'on salue, qui a 16 ans et qui dit, moi j'ai pris 6 kilos en 6 mois, 1 kilo par mois, c'est pas mal. J'étais très stressé. Gonfles. Je crois être sous la mauvaise pente. Ça avait peut-être du stress, c'est vrai. Moi, je mange pas assez, je fais des malaises. Tu vois le contraire de toi, les robots de Cédric. Bonjour, les robots de Cédric. Bah, faut se nourrir, hein. Moi, c'est le contraire. Tu vois, quand je suis stressé, je bouffe pas du tout. J'ai limite la gerbe. Ça dépend. Et il y a ce Bob's Bub. C'est une fille à 13 ans. Elle dit, moi, je bouffe des Mars et des bonbons et je prends jamais un gramme. Ça doit énerver ceux qui bouffent. Ah, ça énerve. Tu verras un peu plus tard. Et hier, Romano. Ouais. Et aussi, quand que je mange beaucoup, aussi, je fume beaucoup. Oui, bah t'auras un cancer des poumons en plus. Voilà. Allez, la totale. Non, mais bon, on en rigole, mais c'est la vérité quelque part. Non, mais c'est vrai, la clope, c'est pas bon. Hein. Vaut mieux bouffer comme un porc que. Bah, c'est. Fumer comme un porc. Ouais, tu fais les deux, toi. Ouais, trop de bouffe, faire attention, c'est pas bon monsieur. Hein. Tu sais, les gens qui sont obèses ont des problèmes au cœur et tout. Hein. Bah, bien sûr. Ouais. C'est vrai, ça. Tiens, il y a Maker le Mac. Tu fais penser à moi, toi. Il a 19 ans. Bah, tiens, il est avec toi, là, en ligne. Ah, il est avec moi? Ouais. Ah, bah, très bien. Je vais c'est magique. Il a fait un truc hier. Il a fait un truc hier à 4h du matin. T'es dans le 93, toi, Maquet. Salut, Maquet. C'est ça. Et en direct de ta voiture. Ouais, en voiture, VTC Gang. VTC Gang. T'es 19 ans déjà VTC, c'est bien. Non, hein? 20 ans. Oh, bah, ça va. Ça va, beau gosse. Excuse-nous, gros. Alors, Maquet, qu'est-ce que t'as fait hier à 4h du matin? Ouais, hier, après mon service. Moi, je me suis branlé. Voilà, tout simplement. Vas-y, Maquet. Maquet, il n'a pas aimé la blague. Maquet, ce qui se passe. Maquet, on t'entendait plus, Maquet. Ah ouais, ça va bugger. En fait, je suis loin de Paris, c'est pour ça. D'accord, donc maintenant, on t'entend. Ouais, il y a quand même le réseau en province. Hein. Ouais, bah, moi, ça bugue. Logiquement, il y a un minimum d'antenne. Ah bon? Alors, dis-nous. Oui, après mon service, hier, je me suis pris un bon panini, steak avec un tortilla. Tortilla poulet et tortilla une bonne poulet. Religieuse à la fin. Ouais. Mais tout ça à quelle heure, gros? 4h du matin. À 4h du matin, ouais, t'es chaud, toi. Après, ouais, mais c'est normal, parce que tu travailles en décalé, donc. Non, mais c'est ça. Ouais. Quoi, décalé? Non, mais c'est vrai, parce que par exemple, moi, bon, c'est pas une référence. Donc, panini, tortilla religieuse et une canette. À l'époque, mon père, quand il travaillait, il embauchait à 5h du matin, là, en cuisine. À 10h du matin, ils étaient au vin rouge. Bah ouais, non, mais c'est ça. Non, mais parce qu'avec le décalage. C'est à midi, servait les élèves à la cantine à bouffer. Non, mais je me souviens au plus. Non, parce que normalement, ils avaient pas le droit de boire, mais bon, c'était une équipe. Et en fait, ils s'appelaient colo. Tu sais, je me souviens, j'étais allé le voir une fois. Et tu sais, ils avaient des immenses machine à glaçons, mais tu sais, genre grosse comme les congélateurs, tu sais, que avec le couvercle là. Et genre, je vois mon père, il met la main dedans, je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Il est soif. Il me fait, t'inquiète. Il plonge la main, mais genre au fond, il y avait, je sais pas, 30 bouteilles de vin. Qui étaient planquées parce que, au cas où les chefs arrivent. Il y a Claude qui dit, j'ai pire, j'ai une copine qui est vraiment bizarre, elle mange de la colle, de la gomme, et elle a déjà léché. Non, mais elle va mourir. Elle a déjà léché le dessous de ses chaussures. D'accord. Oui, elle va mourir. Oui. Ou être enfermée, peut-être. Ouais, peut-être. Toi, t'avais vu dans Tellement Vrai, Karim, un truc, une meuf qui bouffait du plastique? Ouais, parce que sa mère, en fait, elle faisait que de bouffer, la petite, elle s'appelait Mélissandre, je m'en rappelle. Elle faisait que de bouffer, sa mère a caché les trucs, et comme elle avait rien à bouffer, bah, manger du plastique. La pauvre. Elle avait très faim. Ouais, elle avait faim. Oh, ouais. Mais il y a des gens aussi, on avait parlé une fois dans l'émission, qui bouffent, tu sais, c'était une fille qui s'arrachait les cheveux, qui bouffait le bulbe de ses, cheveux. Ah ouais, là. Dégueulasse. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je mange mes crottes de nez. Et elle avait pratiquement plus de cheveux, du coup, elle avait des trous et tout, elle n'arrivait pas à s'en empêcher. C'est vrai, Cédric, il mange ses crottes de nez tellement il a faim. Oh. Bah, moi, je pourrais jamais plus manger mes cheveux. Non, non, ça, tu peux pas manger tes cheveux, ça. C'est triste, ça. Je suis sur une île déserte, y'a rien à bouffer, vous. Tu peux manger tes sourcils. Attendez. Ouais, c'est vrai. Et tes cils aussi, ouais. Aussi, j'ai arraché tous les poils de bras. Tes poils de bite, de cul aussi. Quel bon repas. Vraiment. Poils de cul, si tu en as un pour moi, monsieur Grobédo. Allez, fais croquer. Tiens, Gollum qui nous dit, moi je bouffe tout et n'importe quoi. Gollum, qui a 15 ans, qui nous laisse des messages. Il y a Dave, lui, quand il veut grignoter un truc, il grignote des cornichons. Ah, mais les cornichons, tu vois, faudrait en fait, au lieu de grignoter des saloperies, toi, Momo, donc de manger des trucs sucrés, non, tout ça, tu devrais grignoter, je sais pas, par exemple, une carotte comme Bugs Bunny. Non, mais c'est vrai. Non, mais fais gaffe, parce que les cornichons, à jeun, vu que c'est, ils sont au vinaigre, ça va te déchirer le bide. Ah, mais non, mais au moins, tu vois, c'est à quoi choper un ulcère. Ah, non, mais clairement. Hein. C'est naturel, tu bouffes une pomme, par exemple, aussi, on nous dit. Ouais, une pomme, ça coupe la. Voilà, bouffe un poireau. Après, moi, le conseil que j'ai à lui donner, c'est. Il peut manger tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure, mais après, il faut avoir une activité entre guillemets physique. Mmh. Moi, je suis dans la restauration aussi et je faisais pas de sport à côté. Et des fois, je mange des pizzas au déjeuner, tu vois, je tape des délires. Comme je suis dans la restauration, je bouge beaucoup, du coup, j'élimine. Je fais partie des gens qui grossissent pas quand ils mangent, en fait. C'est vrai que si tu bouffes et que tu fais du sport derrière, bah, tu dépenses tout ce que t'as bouffé en faisant du sport. Tu fais quoi comme sport, Momo? J'en faisais, mais j'ai arrêté. Ah bah oui, faut pas arrêter. Parce que regarde, là, pour l'instant, t'es en pleine croissance. Enfin, t'as 17 ans, donc tu dois encore croître. Normalement, oui. Tu dois encore grandir. Donc, tant que t'es en pleine croissance, ton corps, il a besoin de plus de calories que après ou que avant. Et donc, il là, pour l'instant. Au niveau du genou. Pour l'instant, t'es. Ouais, bah, si tu grandis vite en plus. Donc, ton corps, il dépense tout ça. Mais quand tu seras grand, c'est-à-dire peut-être dans 2 ans, à 19 ans, avant d'arrêter de grandir. À ce moment-là, ton corps il aura besoin de moins de calories et là, tu vas tout prendre dans le bide. Ouais. Comme Cédric, devenir comme Cédric, tu imagines quand même. Tu ne veux pas rater ta vie. Et te casser la clavicule après, hein. Et avoir 4 mentons. La question, est-ce que ça te dit d'avoir 4 mentons? Tiens, et puis on salue tous ceux qui bouffent. Tiens, je salue Titou d'ailleurs qui nous envoie une photo et qui nous dit que lui, il bouffe beaucoup, mais il fait 8 heures de sport par semaine et ça suffit. Là, mais Titou, il fait du vélo. Ouais, il est sur son vélo là. Il est à côté, t'as des sacrés tatouages sur les bras aussi. Hein. Ouais. Il se rasait les pattes. Donc, ou tu fais du sport comme il dit Maquet, il a raison. Hein, Maquet. Ou alors tu bouffes un peu moins, ou alors tu remplaces les petits trucs, les petites saloperies qu'on peut bouffer toute la journée. Ouais, par des fruits ou des légumes. Les bonbons, les gâteaux, par des fruits ou des légumes. Voilà, tu manges une endive en pleine journée. Bon, c'est moi. C'est moi délire. Et bah, bon, pourquoi pas? Moi ça m'arrive. Mais bouffer une endive, oui, comme ça. Bah ouais. Après. Ou je bouffe, tu sais, la roquette comme ça, sans vinaigrette. Et non, je mange des pommes de terre, je croque dedans. Et des tubs. Et voilà aussi, je croque dedans. C'est pas pour faire la même chose. Tu dis quoi, Maquet? Je m'appelle Marie, je mange des herbes, je suis végétarienne. Oui. Non. Je ne suis pas végétarienne, je mange des tubes à la viande. Je bouffe de la viande, je te rassure. Ah, je peux te dire que j'en bouffe des centimètres et centimètres. Ah, c'est bon, j'en prends du rôti. Ça, du rôti. Du rôti. Bon, et sinon, du poisson, on nous disait aussi, là. C'est bien, on a fait un petit point, là. Le poisson, stress, c'est cher. Le stress, ça peut être ça qui te donne envie de bouffer. Hein. C'est Onine qui nous dit ça, il y en a plusieurs qui nous ont dit ça. Et puis la façon de manger, et ça dépend vraiment de ce que tu bouffes. Donc essaye de faire attention. Il y a 9 mois, vous voyez, j'étais stressé et j'ai perdu presque 10 kilos et j'ai repris après. Bah, fais attention à faire le yo-yo comme ça, c'est pas très bon. C'est pas bon, non. Tu vas avoir des vergetures dégueulasses en plus. Ouais, après en tu vas avoir des vergetures sur la peau. Cédric a des vergetures sur le ventre d'ailleurs, j'avais vu ça l'autre jour. À force de grossir. Il grossit à une vitesse aussi, lui. Eh ouais, notre bon Cédric, j'espère que ça va le faire maigrir, sa clavicule. Ah, je suis pas sûr, hein. Pourquoi lui bouge pas du tout. Il va pas bouger. Bon, j'espère que ça lui arrivera pas s'il doit se faire opérer. Après. Et encore, bon, maintenant, tu restes pas longtemps à l'hôpital, hein. C'est dégage en deux. Hein. Non, mais c'est tu grignotes, t'as rien à faire. La clavicule, c'est le truc qui relie les deux épaules. C'est l'os, là. Ça passe en dessous du cou. Ouais, c'est le truc dur, là. T'as un os qui ressemble à un guidon de travers. Ça ressemble à un guidon de vélo. Ouais, c'est ça, à peu près. Ouais. Donc, ça relie les deux épaules et ça passe en dessous. C'est le truc que tu sens quand tu te touches en dessous du cou. Vas-y, touche-toi. Ah, c'est le truc que je me suis bloqué. Vas-y, touche-toi, vas-y. Ah, vas-y. Ah, je suis en train de me toucher la clavicule, là. Ah, ouais, c'est excitant, vas-y. Waouh. Tout va bien. Bon, touchons-nous tous la clavicule, tous ensemble, sur Skyrock. Partageons notre plaisir. Toucher ta clavicule, claviculons. Oui, claviculons. On se clavicule. Claviculons-nous tous. Ah, ouais. Oui, vas-y. Vas-y, absolument, oui. Vas-y. Vas-y. Vas-y. Vas-y, quoi? D'accord, merci pour ton témoignage qui était. Ouais, super beau. Il a essayé de parler comme Romano. Bon, merci Maquet en tout cas du coup de fil. Hein. Merci, y a pas de souci, ça fait plaisir. En quelques jours, je vous ai eu deux fois. Eh ben écoute, continue de nous appeler. Je vous écoute, ouais, c'est ça. Et continue de débarquer ici en direct comme vous, hein, tous les soirs, 01 53 40 30 20. Vous nous appelez et peut-être que le deuxième coup, vous vous retrouverez en direct à l'antenne comme Maquet. Sans problème. Voilà. Allez-y, puis si vous avez du mal à nous joindre, ça existe aussi. Vous laissez vos messages sur le 41 759 et sur le skyrock.com. Bon, tu es grosse Mélissandre. Tout le monde me dit ça, pourquoi? Tu es grosse Mélissandre, c'était dans l'émission dont bah oui, c'était dans tellement vrai, ouais. Sa mère elle venait la voir, elle lui disait mais Mélissandre arrête de manger, tu es grosse. Tu es grosse ça, Mélissandre ça, ouais. Putain quelle horreur. Ouais, mais, ouais. Là, ouais, mais attention, tu l'aurais vu grosse, c'était un... Elle était vraiment grosse, la petite, tu pouvais que lui dire ça, hein. T'allais pas lui dire t'es maigre. Ouais, mais bon, quand c'est t'es ta gentil, mère, c'est horrible. Ouais, mais bah ça ouais. Va quand c'est la mère qui le dit, c'est pas. Ah non, mais c'est horrible, c'est comme ah si ouais, t'es un gosse, t'arrêtes pas de lui dire ouais, t'es moche. Quoi. Bah ta mère, elle a pleuré quand elle t'a vu la première oui, bon, fois. Oui, bon, après, maintenant, elle a arrêté de pleurer. Mais... Oui. Seulement non, quand elle me revoit. Toujours encore. Quand elle me revoit maintenant. Au téléphone, ça va, mais quand elle me voit, c'est plus dur. Tiens, un bon coupe fin, tiens, c'est pas con du tout ce que tu dis, Simon. Simon, 19 ans, il dit un coupe fin, deux points. Boire un litre d'eau cul sec. Ah, c'est vrai. Un litre d'eau cul sec, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Un litre d'eau comme ça, une bouteille d'un litre. Moi je suis capable, moi. Faut respirer quand même entre les deux. Tu dis fou, c'est un ouf quoi. Ouais, moi je suis un ouf. C'est moi, un ouf. Je prends des bouteilles. Imagine, il boit de l'eau quoi. Ouais. Je les écrase dans ma bouche comme ça, les bouteilles. Mais comme ça, d'un coup, un litre, tu les tapes et sans t'arrêter. Ouais, je suis capable, ouais. T'es un ouf. Mais ouais, mais c'est ça la folie. Putain, t'es complètement c'est con, ça va, c'est pas non plus. C'est, pas Usain Bolt, t'as vu, je l'impressionne. Ah non, mais tu respires pas quoi, le temps de descendre la bouteille. Je suis le Usain Bolt de la bouteille de Badoit. Bah, c'est pareil avec des bouteilles de whisky. Non, oh, bravo Marie. Tu sec. Et il y a des trucs que vous pouvez de manière compulsive dans l'équipe. Là, je vois par exemple. Ah, c'est les bonbons. Maître Pims, lui, c'est les olives. Il mange un bocal à lui tout seul. Toi, c'est les bonbons de manière compulsive. Aussi, les olives, j'aime ah ouais, ça, quand je me mets dedans. Je me mets dans le paquet, je le finis. C'est une drogue, c'est une drogue. Toi, Karim ? Moi, c'est les yaourts. Les yaourts. Il y a ouais, le pain aussi, à la fraise, tout ça. Moi, c'est l'alcool sous toutes ses formes. Ouais, bon, ça, c'est boire. C'est de manière manger. Compulsive. T'en bois là, tout le temps. Non, pas toutes ses formes. Je bois plus d'alcool fort, déjà. Que de l'eau de Cologne. Ah non, sérieux ? Salut, j'ai bu mon parfum ce week-end. Oh non. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça, en fait. Bon, c'est bien. Écoutez, on parle d'alcool. Faut que je fasse écouter Cédric Bourré pour dissuader, parce qu'il y en a qui l'avaient pas entendu, pour dissuader notamment Chloé qui l'avait pas entendu. Ivre mort. Organiser une soirée samedi pour lui montrer dans quel état on peut finir quand on boit trop. Des cabanés. Ouais, et je salue tous ceux qui sont comme moi, kiffeurs à donf de sneakers, de bounty, regarde, glace en sneakers, devant mon émission préférée, Skyrock. Merci Théo du 71, t'es comme moi, j'en boufferais bien là d'ailleurs, je suis en manque. Je suis en manque de sneakers. Dans un instant, le double appel. Non, attends, je suis en mon congélateur. Dans un instant, le clash. Merci Romano. Le clash de la drague de ce soir, un clash exceptionnel, puisque Cédric est sous cacheton ce soir. On va être obligé de le remplacer au pied levé. Ouais. Et il y a Julien, un auditeur de Skyrock, qui s'est proposé pour te défier, Romano, ce soir. Bah, il va regretter d'être venu. Il est là. Le challenger. Le challenger, c'est toi, Julien. Dans un instant, tu nous donnes ta méthode. Romano nous donne sa méthode. On appelle des familles et on voit qui est le meilleur. Le clash de la drague, le new clash de la drague de la radio libre. On va voir si t'es capable. Parce que je t'assure, c'est pas facile. Tu me rappelles quelqu'un qui parle beaucoup avant et beaucoup après. C'est moi. Mais oui, c'est toi, Cédric. C'est moi. Ah oui, c'est toi. C'est moi. Eh oui. Bon, le temps d'écouter PNL. T'aimes bien PNL, toi, Julien? Ouais, bah je connais très bien PNL. Ouais, j'aime bien PNL aussi. Allez, PNL, on écoute QLF, que la famille. Le son de PNL et le clash derrière et vous en direct jusqu'à minuit. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Bah, Skyrock. Skyrock. Eh bah, c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Bah, que des familles. C'est encore une arnaque, ça, hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a de marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Ah bah j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Ghetto Phénomène. Ils ont mis l'œil sur ma gario. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jules. Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Oh.

juste pour quitter la terre. Je fais plus ta gare, que l'élève se fait le rap FR. L'odeur de la mer, je sens qu'il est temps de se refaire. Je suis bien chez père, je rattrape les années en l'air. J'aime son accent, j'aime la vie en vrai. Je prends ton temps, je réfléchis après. J'ai souri à la mer, souri à l'envers. Sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire. Suce-moi, merci d'avoir douté de moi. J'prends mon oseille, je chante, j'me casse de la de bois. Elle est sombre, elle est timide. Ce soir, la lune rouge. J'pète Nax, véritable. Le temps, c'est de la monnaie, j'ai pas de monde, j'ai des sous. TTF, IGT, EMZ, des bisous. Même adresse, personne ne nous inquiète. Personne ne nous inquiète, personne ne nous inquiète. Dans le vide, j'vois le monde en entier. On voyage, j'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. On voyage, j'm'en bats les couilles, j'suis fire. J'vois que sur une plaquette taille. J'sais pas pourquoi j'déraille. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. C'est nous, Radio Libre en direct sur Skyrock. Ouais. Merci à vous d'être là, déjà 22h40. Allez, on va attaquer le clash parce qu'après les familles seront plus joignables. Oui, et puis Julien, il va falloir qu'il aille se coucher après. Et Julien, mais non, il est là jusqu'à minuit, il m'a dit. Ah, Julien, tu bouges pas. Hein. Après ça branlé, ouais, il va se coucher, je pense. Bon, alors Julien, 19 ans, parisien, tu as décidé en début d'émission de nous appeler pour lancer un défi à Romano. Tu veux lui piquer sa coupe de clasheur de la drague. Voilà, je veux que ça soit les auditeurs qui aient la coupe. T'es malin toi, t'es malin parce que tu te mets les auditeurs dans la poche. Ouais, ouais. Ce soir, je te ferai remarquer que la team, qu'est-ce qu'il y a encore? Faudrait me donner une feuille pour écrire pour le clash, Romano. Ah bah oui, parce que je prends des notes pendant le clash. Bah non, t'écris sur la table. L'autre, vous imaginez, c'est comme si vous êtes au bahut, vous demandez une feuille à un de vos potes. Allez, filme-moi une copie double. Et non, t'as qu'à écrire sur la table parce que je suis un gros radin. T'as qu'à t'en acheter. Je suis un gros rat. Tu vas pas mourir avec une feuille en moi, Romano. Ah mais tu sais, je les paye. Regarde, t'en as plein là au CB. Bah ouais, mais je les paye. Difool, il croit que je suis un bureau de tabac en fait. Attention Romano, bureau de tabac pour les feuilles, attention. Oui, bah non, mais en même temps t'as dit OCB donc. Ah j'ai dit merde. Ok. Bon, on s'est tous mis au roulet. Alors, le clash de ce soir. Écoutez bien donc les auditeurs représentés par Julien. Non, ça sera déjà direct. J'arrête tout de suite. C'est la team Romano. C'est pas ma famille qui vote. Hein. T'es sûr? C'est des auditeurs aussi. Hein. Mais c'est un peu la famille. C'est la grande famille de la team Romano. Oui, évidemment. Et ce soir la team Le Belge. Je vous invite à voter également pour moi. Je représenterai Cédric et sa clavicule pour vous, mes amis. Non, faut voter Julien ce soir. Bon, de toute façon, on va déjà voir ta prestation. Déjà les méthodes. Ah oui, c'est vrai. Alors, quelle est ta méthode de drague, Julien? Alors, aujourd'hui, vu qu'il a fait très chaud, j'ai proposé aux familles de venir prendre une douche avec eux et puis leur brosser un petit peu le dos. D'accord. Tu veux leur brosser le dos? Tu veux qu'elles se lavent? Ou leur frotter le dos plutôt. Et est-ce que tu veux te faire frotter aussi un peu? Parce que c'est le clash quand même, hein, ça doit être sexe. Absolument, oui. Ouais, mais il va falloir baiser aussi, quoi. Tu as envie de te faire frotter où exactement? D'accord, j'ai compris. Sur la calvitie de Romano. Voilà, j'adore la calvitie de Romano. Ouais, du calme, Cédric. Bon, moi, je vais rendre hommage à Cédric, moi. Oh, mais il est pas mort, hein? Non, mais je rends hommage. J'ai la clavicule cassée, j'arrive plus à me branler. Il va falloir qu'on me branle. Quoi. Oh oui. Bah, je me suis fracturé la clavicule. Bah, comme toi, Patrick. Comme Cédric, Patrick, c'est fait pareil. Tu sais, on se moquait de Patrick quand il s'était fracturé la clavicule. Cédric était pas le dernier, d'ailleurs, à se moquer de Patrick. Attends, t'avais vu Patrick aussi la voix qu'il avait quand il avait la clavicule pétée. Ah, fracturé la clavicule. Bon, allez, on y va pour le clash. C'est parti, le clash de ce soir avec des numéros pris au hasard dans toutes les régions de France. Complètement au hasard, c'est la panique. Karim, pourquoi tu gigotes? Non, parce que, attends, Samy est en train de chercher un truc. Demande à Samy où ils sont peut-être. Ah, okay. Allez, récupérer voilà. Les numéros et puis on va. Non, parce que tu comptais faire quoi? Attendre? Non, j'aurais appelé la police, c'est le 17, les numéros que je connais, ouais, tu vois, j'aurais fait le 17. Ah, ma mère. Oui, ben fais-le chez toi sur ton portable, Karim. Ah, si tu veux avoir des soucis. Bon alors. Bon alors, vas-y, Julien, t'attaques. Vas-y, c'est parti. C'est toi qui commence. Honneur au loser. Attends, bon, ouais. On va chez qui, là? T'es un bon, je vais te dire, t'es un bon dragueur, toi, Julien? Dans la vie de tous les jours? Dans la vie, ça va. Après, là, c'est la première fois. C'est mon dépistage. Radiophonique. C'est vrai qu'à la radio, c'est pas facile. Dans la vie, tous les jours aussi, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile, forcément, de draguer. Romano, tu dragues bien au téléphone, puisque tu as le titre de clasheur depuis le début de l'année. Ouais. Mais tu dragues moins bien dans la rue. Dans la rue, t'es plus timide. Non, mais moi, je drague plus, moi, de toute façon. Qu'est-ce que je drague? Je suis avec Carriole. Tu veux que je me prenne une baffe? Non, mais pour tester tes capacités de séducteur. Bien sûr, ouais. Je vais aller dans la rue, je vais dire, attends, excuse-moi, je vais aller tester mon pouvoir de séduction auprès de cette meuf. Elle va adorer. Ah, j'imagine, ouais. Bon, alors, Julien, c'est parti. Allez, pour toi, première famille, elle s'appelle. Allez, ouais, c'est David. C'est la famille de David. Oui. Donc, famille de David avec ta méthode. Quoi, t'as fait un jogging, t'as transpiré, tu veux prendre une douche chez eux. C'est ça? C'est ça. Allez, go. Allô? Oui, bonsoir, David. Oui, allô? David? Oui, allô? Oui, David, comment vas-tu? Ah, ça va, et c'est toi? C'est Patrick. Ah, oui, bonjour, Patrick. Tu l'as reconnu, ouais. Quel enculé, ce Romano. Tu as essayé de foutre son appel en l'air, tout le monde l'a entendu. Hein. Non, mais j'ai essayé de foutre en l'air, j'ai essayé de le rattraper. Vas-y, on va t'en appeler un autre, le mec n'a pas parlé. Benjamin, maintenant pour toi. C'est la règle. Julien, comme il a pas parlé, t'as le droit à un deuxième coup de fil. Pour ton premier clash en direct, Julien. On le fait en combien de tours? C'est parti. Mais un ou deux. Vas-y. Derrière, il y en a plein qui s'inscrivent pour prendre ta place. Hein. S'il assure pas, appelez-moi, c'est Flo qui l'envoie. Vas-y. Benjamin. Allô Benjamin, allô Benjamin. Allô, allô. Oui, allô. Ça, c'est Pamela, ça. Oui, Pamela, on t'a reconnu. Qu'est-ce que tu veux foutre ici? Mais je suis passé comme ça. D'accord, ok. Coucou tout le monde. Bon, Benjamin qui ne répond pas non plus. Allez, un troisième pour toi, t'as de la chance. Est-ce que t'aurais la loose comme Cédric? Je crois que malheureusement, j'ai pris Tu as pris son fluide. Le fluide de... Ah. C'est quoi le... Qui? Jean-Marie. Jean-Marie. Bonjour. On appelle peut-être le tonton de ce Jean-Marie. Jean-Marie. Il y a un problème aussi. Yavol. Je pense qu'il y a un problème de téléphone. Bonjour. Jean-Marie. Bonjour. N'est-ce pas? Mais pourquoi il ne nous entend pas ce les étrangers, n'est-ce pas? Attends, c'est le troisième qu'on appelle, le troisième qui répond pas parce que. Le Front National. Oui, mais ta gueule, toi. Tais-toi, Jeanne-Marine, là. Bon, je sais pas ce qui se passe, parce que ça fait le troisième qui décroche. Bah, moi, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que Julien a autant la loose que Cédric. C'est fou, ça. Bon, qui? Bon, vas-y, on réessaye. C'est qui? Jean-François. Jean-François. Bon, toujours pour toi, Julien. Tu vas nous vider notre annuaire, toi, dis donc. Ah, je vois ça, hein. Eh. Laisse-en pour ton adversaire, quand même. Oui, il faut des appels pour Romano, quand même. Allez, Jean-François. Jean-François. Allez, JF. Allez, JF contre Julien. Ah, vas-y, c'est bon. Répondeur, tu vois. Vous êtes bien sur le répondeur de Jean-François Girard. Gagné. Jean-François Girard. Monsieur Girard. Laissez-moi un message avec vos coordonnées. Oh, merci, monsieur Girard. C'est possible. Merci. Bon, le cinquième numéro qu'on teste. Merci, madame. Le cinquième numéro qu'on teste, c'est le numéro de. Non, mais vous voulez pas qu'on vérifie si ça marche? Bah, appelez-moi sur mon portable si vous voulez, je vous réponds. Non, parce que, ouais, je sais pas, c'est chelou. Sur la boîte vocale. Bon, là, c'est un répondeur. Donc, ouais. Fou, le fait sur répondeur. Ah, c'est moi? Ouais. Bah, voilà. C'est moi qui suis sur répondeur. Ah, non, c'est pas toi. Ah, c'est pas moi. Vas-y, fais mon numéro. Tiens, moi je le connais le mien. Je connais que le début. Dis-le à l'antenne. Non, Difoul, t'as oublié un zéro. Quoi, j'ai oublié un zéro. Voilà. Faut faire un zéro. Ah merde. Oh là, elle fait main pourrie en action. Bon, attends, Julien, t'inquiète, hein, le clash va reprendre dans quelques minutes. Non, je fais un numéro de téléphone. Main pourrie essaye de se servir de l'écran tactile. Laissez-moi faire. Voilà. J'ai appelé un poisson à Cédric ce soir. Voilà. Appelez-moi, comme ça je vois si mon téléphone. Si on, si on entend dans le téléphone ou si les familles n'entendent rien. Le mec danse quand c'est téléphone c'est mon réveil, sonne. Je pourrais le péter. Ah, moi aussi, c'est mon réveil, je pourrais le péter. Ah ouais, vous aussi. Oui, allô. Allô. Oui, allô, Difoul. Bah, je t'entends, allô. Bon, bah, ça fonctionne, donc. Dans le téléphone. Donc, c'est définitif, t'as la loose. Non, dans le téléphone. T'as la loose. Je l'entends dans le studio aussi, là, en face de toi. Vas-y, parle-moi. Ah, bah, moi, c'est bon. Ah, bah oui, je t'entends bien, t'as une belle voix. Non, mais je lui dis, là, la loose, c'est tout. Cherche pas d'excuses matérielles. Hein, c'est que. Il y a trois qui ne parlent pas. Voilà, je comprends pas. Bon, vas-y, on y retourne. Bon, allez. Je raccroche. Je me raccroche au nez. Hop là, c'est la première fois que je me raccroche au nez, dis donc. C'est pas mal, ça. Hop là. Allez, chez François. C'est écrit numéro masqué quand vous m'appelez. Chez François. Oui, c'est François qu'on appelle. François le Français. François le Français, oui. C'est François le Français, quelque part en France. Allez, et on y va. Allez, Julien. Non, mais faut que ça réponde au bout d'un moment. Allez, François. Ah, sinon, on va passer à moi. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Ah non, on est obligé de faire le coup de fil de Julien, autrement. Ouais, allô? Oui, François? Oui? Oui, c'est Patrick, hein, pareil, comment tu vas? Patrick. Patrick Sébastien. Dis-moi voir, je suis en bas de chez toi, je faisais un petit footing, je voulais savoir si je pouvais venir chez toi prendre une douche avec ta femme. Là. Oui, d'accord, oui. Mais je pourrais lui frotter les dos. Tu veux la prendre avec moi, hein. Ah bah c'est encore mieux, mon chéri. Dis-moi, je pourrais te frotter les dos, j'espère. Et pas que le dos. Oui. Et après, comme ça, on se caressera un petit peu, quoi. Zizi. D'accord. Tu veux te caresser le zizi? Ah oui, le zizi d'ailleurs. Dis-moi, t'aimes bien passer par la sortie de secours, toi? Ouais. Oh bon, bah pas de soucis. Alors, je suis chez toi dans 5 minutes, ça te va? Non, je suis couché. Ah bah parfait. Ah bah c'est pas grave, je te réveillerai, t'inquiète, j'ai une bonne matraque. Bon, à tout de suite, mon chéri, alors j'arrive là. Ouais, allez, c'est qui à l'appareil? C'est Patrick. Patrick. Patrick Sébastien? Absolument. Bah oui, j'y crois, oui. Bah oui, je vais venir, on va faire un petit câlin, on va dormir et puis voilà. Et après on fait tourner les serviettes. Bien sûr, oui, non. Ok, et puis après on fait tourner les serviettes, d'accord. Ou les slips, et on fait tourner les slips. Oui. Tourner l'étiquette. Bon, à tout de suite, mon chéri, j'arrive dans 5 minutes, d'accord. Oui, bah je suis couché, de toute façon, la porte est fermée. Hein. Bah c'est pas grave, je passerai par la fenêtre. Allez, ouais, bisous. D'accord. Bisous. À tout de suite, j'arrive, mon chéri. Bip, bip. Bravo. Je te signale qu'il a dit non à la fin. Mais ça va quand même. Oui, mais je te signale qu'il a dit non à la fin. Pour l'instant, moi, je veux Julien, moi. Est-ce que tu veux? Attends, t'as un enculé. Il a rien fait pour l'instant, Romano. Ouais, il a rien fait, Julien, pour l'instant. Non. C'est vrai, même l'arbitre vient de le dire. Alors attention, je vais te lire les messages. T'es prêt, Julien? Ouais, c'est parti. Le poteau qui nous dit, mais putain, mais c'est un bon clasheur, lui, mort de rire. Message de Fred, mais il assure le Julien. Attention, Romano, attention. Ah ouais. Il est bon, l'auditeur, pour Charles Villeneuve. C'est un tueur pour Léo. Tueur. Bravo, Juju. Ouh. Pour LR. Génial, le nouveau pour Florian, 17 ans. Il a grave géré, ouais. Pour Toshi. C'est rageux. Mais monsieur l'arbitre parle sur l'appel. Oui, mais c'était pour t'aider. Hein. Ouais, tu l'as aidé. Oui, j'ai introduit la bite pendant l'appel. Exceptionnel, cet auditeur pour Yakakei. Pas mal pour Daco. Julien, c'est le meilleur, Vince. Ah ouais, pas mal, franchement pas mal. L'Égyptien vote pour Julien. Wow. Attends. Ce qui est bien malheureux, c'est que t'es meilleur que Cédric. Hein. C'est ce que dit Fredo. Fredo du 7-2, il dit il est meilleur que Cédric. Hein. Et ouais, il gère le con, nous dit Alex OM. T'es prêt, Romano? Bah vas-y, moi j'attends. Hein. Le défi, faire mieux que Julien qui a serré pour le premier coup de fil. Et on va chez Christophe. Vous êtes prêt? Pourquoi tu souris au téléphone, Romano? Parce qu'on fait des conneries. Ah, t'es sur Snap? Ah oui, il est sur Snap. Je vais te filmer. Allez, concentre-toi. C'est qui, t'as dit? Christophe? Christophe, ouais. Christophe, Romano. Oublie pas le prénom. Ah. Christophe? Oui. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Ça va. C'est quoi le truc que t'as... Tu peux baisser le truc derrière, je t'entends mal. C'est la télé, oui, voilà. Ouais, elle fait chier, la télé. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes comme merde? La 17. La 17. Ah bah c'est génial, cette heure-là, en plus. Ça va, ça sort 6, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, Olivier, comment vas-tu? Bah ça va, moi. Ça va, ta petite femme aussi? Je suis célibataire, moi, j'ai pas de femme. Ah bah ça tombe bien, dis donc, tu sais que je me suis pété la clavicule. Il faudrait que tu me branles la bite ce soir. Ah, c'est ça, oui. Ouais, bah je vais arriver dans 5 minutes, chérie. Allô? J'arrive. Il a mal à sa clavicule. Ah, j'ai mal, bordel de merde. Ah, oh, qu'il a mal. Ah, il faut que tu me la branles, quand même. Rien du tout. Bah si, allez, au moins tu me la suces. Allez, je viens dans 5 minutes et je t'enfile. Rien du tout, ouais, salut. Ah non, j'arrive, hein. Oh, pas putain, que tu l'enfiles. Et pas facile, lui. Pas facile à l'enfilage, hein, vous avez remarqué. Ah, ouais. Ouais. Pourtant, il avait une bonne voix. Hein. Pas mal. Bye. Est-ce qu'on fait une deuxième. Ouais, moi, j'en veux bien un, moi. Une deuxième fournée, là. Hein. J'en veux bien un. Pourquoi t'en veux une deuxième? Parce qu'on va s'arrêter là. Non, on va pas s'arrêter là, non. Ouais. Continue un peu. Non, je continue un peu, là. Bon, Julien. Là, je suis chaud, là. On vient de démarrer. Deuxième et dernier tour. Mort de rire, là. J'ai marre de me filmer, sans déconner. Tu es sur les réseaux, tu es sur Facebook Live. Bernard. Bonjour, Facebook Live. Bonjour, non, Skyrock FM, si vous voulez mater le clash. C'est con, il me filme en gros plan. T'es beau en gros plan, Romano. C'est pour augmenter tes chances de, allez, tes chances de gagner. Alors, oui, c'est Bernard qu'on appelle. Ouais. Loupé pour le serrage, mais magnifique bug, Romano, on nous dit. Tu vois? Allô? Oui, bonsoir, Bernard. Oui. Oui, c'est la femme à Bernard. Là, je vois. Oui, c'est ça. Ça s'entend. Oui, dites-moi, est-ce qu'il est là, Bernard? C'est un pote à lui, c'est Jean-Pierre. Bah, il est couché déjà. Ah bah, parce que je suis en bas de chez lui là, je voulais passer prendre une petite douche vu qu'il fait chaud pour qu'il me brosse un petit peu le dos là. Vous êtes qui? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre? Oui, bah, je vais aller voir. C'est gentil, madame. Voilà. Bon courage, hein, Julien. Vas-y, mollo, hein, parce qu'il ne faut pas trop la brusquer, je pense. Ouais, je pense. Mais elle va nous passer Bernard. Attention, Bernard, à quel je crois qu'on l'entend arriver. Il prend le téléphone, il est là. Allô ? Oui. Oui, Bernard, comment vas-tu ? C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre Pernaut. Dis-moi, je suis en bas de chez toi, là. Je voulais passer, prendre une petite douche chez toi, vu que je viens de faire un footing, j'ai très chaud. Je voulais savoir si je pouvais venir prendre une petite douche chez toi, puis tu me brosses le dos en même temps, un petit peu, là, quoi. Faut pas les faux de ma gueule, non ? Ah non, non, non, pas du tout, Bernard. Voyons. C'est Jean-Pierre. Allô ? Il est parti. C'est vrai. Non mais à ta décharge, c'est vrai que les deux, ils n'étaient pas faciles. Non, c'est clair. Bon, on en reste à. Ouais, mais bon, c'est le hasard. Hein. Ah, c'est le hasard du clash de la drague. C'est ça. Ouais. Allez. Et le hasard du clash de la drague va-t-il frapper maintenant ? Ça va m'envoyer qui ? Jean-Luc. Allez, Jean-Luc, c'est ton dernier coup de fil, Romano. Pour l'instant, on est à un serrage. Et les auditeurs, ils t'aiment bien, hein, pour l'instant. Hein. Jules va prendre la place de Cédric, nous dit le panda, mousse au chocolat, PTDR, Jean-Pierre Pernaut, je pleure de rire. Romano, t'es dans la merde, on nous dit là. Attention Romano. D'habitude, je vote Romano, mais là, je crois que je vais changer. Je t'aime quand même, mon oui, Romano, bah, R78. Ne change pas. C'est qui là? Attends, je me suis déjà pu. J'ai trop de mémoire. Jean-Luc. C'est Jean-Luc, mais qui. Ça sonne. Non, le Jean-Pierre Pernaut était très bien, était très apprécié par les auditeurs et les auditrices. Je vois ça. Yavol. Hein. Pourquoi tu fais Yavol? Bienvenue sur la boîte vocale. Oh, Jean-Luc, il est pas là. Pourquoi t'as fait Yavol? Mais non, parce que ce con, il met des filtres sur Snap. Allô? Oui, allô? Allô, c'est la femme à Michel? Oui. Oui. Comment allez-vous? Ça va, Michel, il est là? Non, il est pas là. Ah, bah, ça tombe bien, je vais venir te voir alors. Oui, parce que je me suis pété la clavicule, il faudrait que tu me masturbes le sexe. Oui, d'accord, oui. Ah bah écoute, je suis là dans 5 minutes. Je vois pas qui c'est. Ah bah là, dans le téléphone, tu vas galérer, là. Oui, c'est vrai. Regarde dans le trou pour voir. Essaye. Tu me vois ou toujours pas? Ah non, je te vois pas, non. Ah non, bah écoute, tu vas me voir dans 5 minutes. Oui, d'accord, ouais. Tu te mets ta plus belle culotte? C'est cela, ouais. Ouais, même enlève-la, carrément. Oui, c'est cela, ouais. Ouais. Comme ça, tu te mets un peu la moule à l'air, tu la laisses respirer. C'est poétique. Ouais, c'est poétique, ouais. J'arrive, je te lèche un peu la cramouille pour rester dans la poésie. Et ensuite, nous ferons l'amour. Allô? Elle est tombée, là. La cramouille, ouais. La cramouille? Je crois que c'est l'effet cramouille. C'est la femme à Michel? La femme à Michel? Non, mais il y a l'effet cramouille, Romano. L'effet cramouille, ça. Bon. Putain, merde, j'ai secoué. Non, mais c'était bien. En fait, elle a pas dit non. Là. Non, elle a pas dit non. Non, mais c'était bien, là. C'était pas mal. Bon, alors, Romano est un peu en panique, voulant tenter tousser de nervosité. Non, je suis toujours malade. J'entame ma 4e semaine de rhume. Bravo. Alors, déclaration pour toi, Julien. On va voir qui va gagner, vous allez pouvoir voter. Alors, attention. Vas-y, Julien. Alors ce soir il faut voter Julien, l'équipe des auditeurs. Et Romano, faut voter Romano, mais ce soir c'est surtout Julien, J-U-L-I-E-N, je vous aime. Et ce soir c'est nous qui avons avoir le trophée. C'est vrai, tu nous fais une déclaration presque comme le belge. Voilà, ce soir faut voter Cédric. C-A-I-D-R-I-Q-U-E-S. Non, Cédric, tu t'es trompé. Oh ouais. Ça s'écrit un peu plus simplement. Donc. Bon, ce soir, mes amours, la team Romano, je compte sur la team Romano qui est toujours là, toujours présente. Ce soir, votez Romano et la team Le Belge. J'ai rendu hommage à Cédric par ma méthode. N'hésitez pas également, votez pour moi ce soir. Quand il sera de retour, vous voterez pour lui, mais en attendant, votez Romano. Vous votez pour moi, j'ai mis un serrage ce soir. C'est vrai, t'as serré. Bah, moi aussi, j'ai serré la bonne femme là, avec la cramouille. Alors, on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Donald Trump vote Cédric. Il comprend vraiment rien, cette blondasse décolorée. C'est ouf, ça, quand même. Hein. Il est pas là, Cédric. C'est ou Julien ou Romano. À vous de voter. Mikey nous dit Romano winner. Walls nous fait je vote pour l'auditeur. Je vote pour Julien pour Granada. Julien a été très bon ce soir pour le Skyman. Je vote Romano pour Tituan. Julien pour Vive Romano. C'est marrant, le pseudo c'est Vive Romano et vote. C'est serré. Ah, c'est serré, t'as vu ça. Je vote Julien. On se soutient entre Julien. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. C'est gna gna. Faut voter Julien. Faut voter Romano. On peut voter dans l'équipe ou pas? Toi, tu as reculé, toi. Tu votes pour qui? T'as pas le droit de voter, c'est l'Aïd. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas le droit, il marche plus le micro. Laisse-moi, gros. Marche plus le micro, regarde, il y a un problème, il y a faux contact. Tu voteras demain. Vote Julien. Ok, Marie, tu votes pour qui? Merci, Karim. Je vais soutenir Julien ce soir. Mais quelle connasse, celle-là aussi. Tu veux que je demande à Samy? Bah quoi? Samy, il a pas le droit de voter, il fait les numéros. Non, mais moi, je vais voter pour l'auditeur, pour le soutenir. Normal. Bah ouais, vous c'est, êtes vraiment c'est normal, pute. On le soutient. Et Romain, bah, vous allez voter, on est une équipe ou pas? Ok, ici, c'est chacun pour sa gueule, j'ai bien compris. Et du coup, pour qui vote? Je peux pas, je suis l'arbitre, moi.

Ah oui, plusieurs fois, d'accord, c'est un alcoolique, hein, j'oublie. Le truc le plus honteux que t'as fait en étant bourré. Réfléchissez tous à cette question, je vous pose cette question parce qu'en fait on a eu Chloé tout à l'heure qui voulait fêter ses 14 ans à la maison avec des potes et qui demandait comment on faisait par rapport à la maman qui était pas super super chaude. Donc elle va demander à la maman mercredi, on aura Chloé mercredi soir dans l'émission, on compte sur toi Chloé pour nous faire un petit bilan et nous dire comment ça s'est passé. Est-ce que la maman est ok? Après on organisera la soirée, on va s'occuper de tout. Vous allez voir, ses 14 ans, il va être super grâce à Skyrock. Bien sûr. Ouais. Et donc les trucs honteux que vous avez fait en étant bourré, c'est quoi toi Julien? Alors moi malheureusement j'ai couché avec la meuf de mon pote. Ah ouais, ah ouais, toi c'est chelou déjà. Ah ouais. Ah là c'est pire. Je sais pas là. Si c'est honteux, mais c'est enculé. C'est enculeux. Oui. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes. C'est plus enculeux que honteux. Tiens, on nous dit, moi j'ai vomi dans le décolleté de ma tante. Oh. Ah bah c'est pas mal ça, dis ta donc. Ta tante, gros, mais t'es bizarre ouais. Déjà. Il y a un autre qui a dragué. Ta tante Quechua. Une femme. Il y en a un qui draguait une femme mariée dans une autre salle. Yann Yann du 94 qui nous a laissé un message. Le truc le plus honteux que j'ai fait bourré, c'était pisser devant ma daronne dans le salon hospitalier. J'étais très très très mal. Ah ben, Colonel Charlie. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tiens, en parlant de pipi, Braza qui nous dit, moi j'ai pissé sur un pote pendant qu'il dormait. Oh génial. Ah, tu vois, Cédric, ça lui plaît. Salut les filles. Oh ouais. Oh l'enfer. Viens dormir à la maison. On va écouter Cédric bourré pour ceux qui l'auraient loupé et ceux qui l'auraient pas entendu, c'est notamment pour Chloé. Parce qu'on lui a déconseillé de prendre de l'alcool, surtout si les parents, pour la soirée, traînent dans le coin. Ah bah, c'est certain. Ouais, oui, parce que forcément, t'as quelqu'un qui va être bourré, qui va partir ouais, en couille. Ouais, et puis ils vont perdre confiance, donc, c'est possible. Pour la suite. Tino du 21, tiens, Côte d'Or, qui nous dit, moi, j'ai mis sur le toit une voiture sans permis, et bam. Moi, j'ai soucié un clou. Ah, ça faut faire gaffe quand même. Non, bah, ça tient pas la route, hein. Yakakei, ouais. Qui nous dit, moi, j'ai sucé un clou. Ah, bah, tu devais être beau, tiens, quand t'as sucé un clou, ouais. Ah, et Maître Pins, 21 ans, lui, il était bourré. J'ai enculé un trave. J'en ai trop honte et ça reste entre nous. Ah bah oui, ça reste entre nous. Je suis sûr que t'es pas le premier. Je suis sûr que t'es pas le premier à avoir fait un truc un peu sexe que tu regrettes, notamment enculer un trave. Qui a déjà enculé un trave à part Cédric dans les studios? Ah bah pas mal, non, merci. Non, merci. Non plus, non. Karim, t'es sûr? Ah, certain. Mais pourquoi t'es sûr? Bah, je sais pas. En plus, il m'a regardé directement, enculé un trave. Karim, t'es sûr? Non, c'est bon, du coup. Samy, t'as jamais enculé un trave non plus? Un pote à moi, il se fait sucer par un trave. Ah ouais, tu nous as raconté, ouais. Voilà. Il a bien aimé? Bah, en fait, au début, il faisait genre, ouais, non, c'est pas bien. Après, il m'a avoué, il m'a dit, ouais, c'était vraiment bien. Et il a giclé? Ouais, il a giclé, il a kiffé. Ça faisait longtemps qu'il avait pas ken, tu vois. Il a pris son numéro, il l'a revu après. Ouais, il était content. Bah, c'était en Indonésie aussi. C'était juste avant le serpent. Putain, il s'en passe des choses. Non, moi je fais du skate en parlant allemand, tu dois être beau toi. Arso, j'ai fait du skate à bord de morte. Moi j'étais bourré, j'ai voté Romano, nous dit Lisa Razé. Bah écoute, c'est bien l'ivresse parfois. Ouais. Il y a Bigouf, il courait à poil en plein hiver, il poursuivait les voitures. Pas mal Bigouf. Ouais. J'ai vomi dans la voiture d'un pote, David du 44. C'est mieux que vomir dans sa voiture, dans la voiture d'un pote. Quand je suis bourré, je suce des bites et je me fais enculer. Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Voilà, c'est bon. Voilà, oh merde, ça marche plus. Mais maintenant, même sans être bourré, je le fais. Ah, ça t'a donné envie. Hein. C'est ah, rien. T'as pris goût, ouais. Tiens, il y a Dams qui nous dit, lui, il est où, du 85? Qui nous dit, moi, je pense que c'est rien, un trave. S'il avait des seins, c'est comme enculer une meuf. Ouais. Ouais, sauf qu'en dessous du trou du cul, il y a quand même une bite et une paire de couilles. Oui. Aussi, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est pas tout à fait pareil quand même. C'est pas la même sensation. En général, c'est un peu plus poilu quoi. J'étais... Ah bah oui. Tiens, message de Salut les filles. Salut les filles, 16 ans qui nous dit, moi je me suis baladé à poil dehors. Il y a Yaya SK, lui, il était bourré, il a pissé devant son bahut. Bon, ça va, ça encore. Moi, j'ai jamais bu. Bah écoute, c'est pas grave, Laurie, t'inquiète, t'as aussi le droit de. Mais comment t'as fait? Il y a quelqu'un aussi ce week-end qui s'est incrusté dans un mariage et qui a dansé avec le père de la mariée. Ça doit être des gens qui connaissaient pas, tu vois. Le père de la mariée devait être complètement fait aussi. Ouais, souvent dans les mariages, ouais, c'est. Bidou, lui, il se met tout nu quand il est bourré. C'est quoi le pire truc que t'es fait quand t'étais bourré, toi, Romano? Ah, moi, j'ai vomi chez une meuf que je connaissais pas. Mais genre, j'ai dégueulé, mais partout, quoi. T'en as mis partout? Là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait passé une soirée. Mm-hmm. Et j'étais trop ivre pour rentrer. Mais c'était il y a longtemps. C'était au début que j'étais à Paris. Et c'était à l'époque où tu sortais avec la gothique? Ouais, mais elle était pas là. Ouais. Oh, c'est triste. Donc, j'avais été à une soirée et je pouvais pas rentrer. Et il y a une nana, elle dit, bah, vas-y, dors chez moi, quoi. Et donc, j'avais dormi dans le salon, elle avait dormi elle dans la chambre. Elle a regretté, elle. Ah ouais, mais. Et genre, le matin, elle s'est réveillée. Et elle s'est mise à hurler, mais qu'est-ce que t'as fait? Et moi, tu sais, j'étais encore bourré, tu sais, je faisais rien. Et en fait, si, je me suis réveillé, en fait, j'avais dégueulé sur le canapé, il y en avait partout par terre. Oh, j'avais essayé de me lever pour aller dans la cuisine, donc j'avais dégueulé sur le chemin. Il y en avait dans l'évier. Oh, là, là. Moi, je m'étais roulé dans ma gerbe. Oh. Oh non, mais l'enfer, la totale, quoi. Normal, le pire truc que j'ai fait quand j'étais et mauvais. Et la meuf, eh ben, le matin. T'as tout nettoyé? Ah bah elle m'a forcé à nettoyer. Ah bah normal. Mais tiens, en plus moi je lui dis, je fais ouais t'es pas cool, vas-y, je suis encore bourré et tout. Et t'es reparti avec tes fringues plein de vomi. Ah bah j'avais pas le choix, j'allais pas me mettre en jupe. Oh, hein, t'es parti quoi, en métro? Elle allait pas, ouais, bon, tu devais puer. Oh non. Tu devais puer la gerbe. Non mais j'avais pas le choix, j'étais chez une meuf, j'allais pas me très mal en jupe. Hein. Bah si, tu lui prenais des. J'allais pas lui dire, dis donc, tu veux pas me prêter un petit débardeur? Après puis... avoir niqué tout ton canapé. Non mais d'ailleurs, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ah bah c'est étonnant ça, tu vois. Moi aussi, il y a aussi une histoire de vomi. Une histoire de vomi, on avait bu du vin avec des potes, ils étaient tous venus dormir chez moi, on s'était retrouvés dans le lit à 3, 4. Et notamment un pote à côté de moi qui a. Et vous avez tous baisé. Non mais lui, ouais. Après, c'est tous enculés. Il s'est mis à vomir du vin rouge. Ah ouais, ça c'est chiant. Bon, moi je dormais, les autres dormaient aussi. On s'est rendu compte de rien. Le matin, quand on s'est réveillé, on collait de partout. On était tout rouge. Il y avait du vomi avec du vin dedans. Ah non, vous avez dormi dedans. Et là, je me suis réveillé. Et là, je me suis mis à vomir. En voyant le vomi. Donc moi, j'ai revomi un truc rouge aussi. Et les potes à côté sont tous mis à vomir les uns derrière les autres. Je peux dire. Ah mais c'est bien. Vous avez vomi en chorale, quoi, tous ensemble. Ouais, c'est bien, solidarité. C'était dans ma chambre, chez moi, je me rappelle quand ma mère est montée, les dents étaient pleines de vomi, plein de vin rouge. Le truc, en plus, ça part pas le vin rouge. C'est galère, difficile à enlever. Ouais, difficilement, ouais. Faut mettre c'est une galère. Donc, ça, c'est un des trucs les pires qui me sont arrivés quand j'étais bourré. Autrement, moi, je tiens bien à l'alcool et d'abord, je ne bois pas parce que je suis sportif. Bah, c'est ça. Vu bien tenir l'alcool. Qui peut se targuer dans l'équipe de m'avoir vu ivre? Moi, gros, c'était tous. Ouais. Cet été, j'étais ivre. Bah, tu claquais les murs et tu parlais au mur. Je parlais au mur. Bah oui. Tu te rappelles pas, tu rentrais dans le mur et tu disais, mais pourquoi tu me rentres dedans? Et toi, Romano, tu m'as jamais vu? Non. Ah si, plein de fois. T'es insortable d'ailleurs. Ah ouais, permets-moi de te dire. Bon non, je suis pas relou. Ah bah si, t'es un relou. L'autre, déjà, une fois, on arrive devant une soirée. Le mec, à 50 mètres des vigiles, hein, dit foule et il se met à dégueuler entre des bagnoles. Et tu sais, quand il dégueule, il fait des bruits genre. Ah ouais, on a l'impression qu'il va crever. On était avec Cariole, si on le cachait. Mets-toi derrière la bagnole. Ah putain. Et après, je lui faisais boire du coca. Je lui disais, c'est du whisky coca. Je lui disais, ouais, c'est du whisky coca. Il y a du coca, il était content, il était là, ouais. Ça te défonce. C'est de radin. D'ailleurs, comme j'ai payé un whisky coca à la place d'un coca, rends-moi mes sous. Ah non, mais c'était tout au même prix de toute façon. Marie. Moi, je t'ai vu ivre à la tequila. Non, mais c'était pas la question, ça, Marie. Je voulais savoir si t'avais été. Attends. Ne les écoutez pas, ils mentent. Ils mentent. Ouais, c'est comme ça, ils ouais. Respirent. Genre, ouais. T'étais devenu complètement dingue. T'as jamais eu honte, toi, Marie Ah bah si, mais moi, c'était ma plus grosse honte. C'est la même, hein. C'est quand je me suis endormie. Bon, la boîte était fermée, c'était la boîte de nuit d'amis. Et tout le monde était sorti, etc. Était parti. Et on est rentré, nous, genre une demi-heure après. Et en fait, je suis allée aux chiottes et j'ai dû avoir envie de gerber après avoir envie de faire pipi. Et en fait, je me suis endormie la gueule sur la lunette, quoi. Avec le cul à l'air. Enfermé. Ah ouais, c'est la célèbre histoire de Marie le cul à l'air. C'est la fameuse histoire où j'ai une honte, mais une honte. Mais je peux vous dire qu'après, personne ne m'a fait la bise. Oh. Non, mais je suis toujours pote avec mon pote qui. Ah bah il est content lui. Il l'a réveillé à coup de caquette. Hein. Non, mais ça va pas, non, c'est un ami. Je me suis réveillé, j'avais mal au cul. Non, c'est un ami, mais cela dit, arrête Gérard. Non, Marie. Le pire, c'est qu'il m'a accompagné chez lui pour dormir parce qu'il pouvait pas me raccompagner chez ma grand-mère. Ah, évidemment, il voulait lui mettre une petite pétée. Non, non, je connaissais ses parents et tout, et en fait, son père était déjà debout dans le jardin. Il m'a baisé. En pente. Non mais tu sais que je suis arrivée, je me suis mise en haut de la pente en fait dans le. Et j'ai roulé. Et je roulais en disant bonjour à son père. Oh non. Quand ils m'ont raconté ça le lendemain, je me suis levée, je savais même pas où j'étais. Je suis arrivée, ils étaient tous à table, c'est le père, la mère, le frère, la sœur, enfin tout le bordel. Je savais plus où me foutre. Tiens, il y a Infini Petit Poire qui dit moi j'ai vu mon père bourré, c'était hyper drôle. Ah ouais, j'aime pas trop moi. J'ai jamais vu bourré d'ailleurs mon père. Ah moi aussi. Mais le voir bourré, oui, bah, évidemment dans la famille Marie. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Je me suis fait gang banger en bas des blocs. Voilà, j'ai adoré, c'était super. Message d'anonyme. Fais gaffe quand même Cédric. Ouais. Et il y a le colonel qui dit ah tiens rapport aux traves, tranquille se faire sucé par des traves, c'est tranquille. Bon, j'avoue, la dernière fois au bois de Boulogne, j'ai consommé. Ah, mais c'est colonel, celui qu'on a vu au téléphone, Charlie. C'est notre colonel, oui. Ah ouais. Il y a des traves super beaux, nous dit Guillaume. Ah ouais. Super belle beau, il nous dit d'ailleurs, parce qu'il sait pas trop, là. Cochon, va. Et le maroquino, lui, il a vomi pendant un mariage dans une Ferrari louée par un pote. Pas mal. Oh, bon, putain, merde. Avant que je vous fasse écouter bye Cédric. Bye la caution. Ah ouais, c'est lui qui paye, en tout cas. Bon, avant de vous donner les résultats du clash qui viennent d'arriver, t'as tes résultats qui arrivent, Julien. Avant de vous faire écouter Cédric Bourré pour vous déconseiller de boire pour ne pas finir dans cet état. Pour vous dégoûter même. Voici Yann Yann. Salut Yann Yann. Yann Yann. Allô. Yann Yann. Salut Yann Yann. Yann Yann du 94. Ouais. Tiens, d'ailleurs ce matin on a offert 1500 euros à Créteil. C'est ça, ah ouais. Merde, je suis à côté. Ah, pas de chance. Ce sera peut-être pour toi demain matin. Inscrivez-vous d'ailleurs. Exactement. 720, vous envoyez 1500. Eh, Zifou, ça fait des années que je t'écoute, ça fait trop plaisir de passer à l'antenne. Ta première fois que tu passes sur Sky, toi? Ah, je te jure, ouais, ça fait plus de 10 ans que je vous écoute. C'est bien, Yaya. Ça fait trop plaisir. Eh ben, ça fait plaisir. Vous aussi, tentez le coup, là. Eh ben, ça fait plaisir. Oui. Alors, bon. Qu'est-ce que... Oui, alors toi, on est sur les trucs honteux quand on est bourré, hein. Ah oui, bah en plus, moi, c'était devant toute la famille. Donc, oui. Je me rappelle avoir vomi dans le décolleté à ma tante. Ah, c'est toi, je disais le message, c'est toi. D'accord. C'est moi, exactement, ouais. En fait, après, bah, j'ai eu le trou noir et je me suis réveillé chez moi, quoi. Moi, j'ai un trou marron en fait... plus que noir. Ah, bah, il faut le... Marie, il faut le frotter un peu. Il est marron foncé. Ouais, bah, il faut le nettoyer, le trou de cul. Donc voilà, ma tante était très contente. Ah bah j'imagine, ouais, tu lui vomis dans le décolleté. Oui, voilà, ouais. Tu lui vomis dans le décolleté, c'est pas mal. Et puis il y a ceux qui sont bourrés, qui laissent des messages, ils me font rigoler parce que c'est ceux qui pleurent quand ils sont bourrés, notamment Gégé du 72, qui nous dit une fois bourré, je me mets à chialer devant mes potes. Ah putain, ah ouais, ça c'est relou ça. C'est vrai que ça je consomme pas cher, moi je bois 3 verres et c'est bon, je suis parti. Quoi. Ouais, moi aussi, j'ai pas besoin de. Ah bah c'est économique. Pas besoin de. Exactement. Et par contre, j'aurais demandé à Romano, j'aimerais trop chanter les conseils pas chers avec lui, si possible. Tu veux chanter les conseils pas chers, Romano? Est-ce que c'est un peu... Je suis pour la team Cédric. Ah, bah, j'ai mal à la gorge. Ah, j'aurais pas dû le dire, ça. Désolé, bah, non, là, j'ai plus de voix. Allez, ah, je pourrais pas. Je préfère pas le presse du hip-hop. Bon, allez, vas-y. Ça fait un petit moment que je l'ai pas chanté en plus. Envoyez la musique. Allez, roulez. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Ouais. Votez Julien. Ouais, c'est bon, mais c'est trop tard là. Et Julien, t'as vu, t'as des soutiens. Hein. Ouais, là, c'est trop tard, Yaya. Bon, Yaya, il est encore bourré. Alors, bon. Je vous donne les résultats du clash dans un instant là. Merci Yaya, raccroche pas. Puis tu vas avoir Samy. Ouais, ouais. On va t'envoyer le t-shirt Skyrock et tu reviens quand tu veux. Tu peux avoir maillot de foot à la place. maillot de foot à la place, il est malin, lui. Il est malin, Yaya. Bon, tu quittes pas, Yaya. C'est Cédric qui a les clés du podcast. Ouais, ouais, ouais, c'est lui qui a le stock, ouais. Ça, c'est la bonne excuse. Hein. Bon, Yaya, tu reviens quand tu veux. Salut, Yaya. Merci, ciao, les gars. Tiens, moi, je me suis bourré à la vodka. J'ai fait un foot. Je me suis cassé la gueule une dizaine de fois en voulant tirer. Tu devais être beau. Corleone, 16 ans, qui nous envoie le message. Bah, moi, j'ai fait ça au ski, mais tu sais que je voyais double. Hein. Et. Ah, là, putain, j'ai galéré. Ah, mais en plus, en altitude, gros, tu te bourres la gueule. Ouais, mais ça va deux fois plus vite. Ah ouais, t'es bien sympa. Tiens, on avait passé, en gros, on avait skié le matin. Et vers 13h, on s'est. Vous avez commencé. Bah, tu en fait, on a bouffé, on a picolé tout l'après-midi. À un moment donné, il fallait bien redescendre à la station. Eh ouais. Et là, c'est là où ça s'est gâté, quoi. Tant bien que mal. Non, mais déjà, moi, j'arrivais plus à enfiler le ski, tu sais. Ah ouais. Tu sais, à le fixer, je galérais. Vous savez que je me suis déjà enfilé les bâtons. Non, mais n'importe quoi. Bah, Marie, tu sais que c'est pas là qu'il faut les mettre. Non, ah ouais, pour les ranger. Ah, mais j'arrivais plus. Et après, la piste, tu sais, je voyais double. Donc j'ai été très doucement. Ah oui, ça peut être dangereux. Non mais ouais, non mais c'est clair. Bah, tu vas vite en plus. Ouais. Tiens, ma meilleure amie se prend pour un astronome et rigole toute seule quand elle est bourrée. Ça doit être sympa. Tiens, elle te parle des planètes. Oui, voici Uranus. J'adore Uranus. C'est Lyun qui nous envoie un message. Et ah ouais, toi tu devais être bien. Tiens, Kabir aussi qui nous dit une fois. J'ai 31 ans. J'ai tellement bu de rhum que le lendemain je parlais créole. Waouh. Un homme le rhum. Ouais, frère. Bon, Cédric Bourré, juste avant de vous donner les résultats du clash. L'ivresse. Conseil pour Chloé qui nous appelait tout à l'heure. Si les parents sont à ta soirée, faut pas boire. Sinon, tu risques de finir dans cet état-là. Vous l'avez reconnu. C'est Cédric, quand il est bourré, il est content, il fait. Il pleure de rire. Bah, tu vois, au moins, il n'a pas l'alcool triste, Cédric. Mort de rire, Cédric. Oh putain! Bon, là, c'est la partie un peu rigolote du truc. Sinon, attention, hein. Cédric alcoolisé. Voilà donc ce que ça donne pour ceux qui auraient loupé ce grand moment de la radio libre. C'était pour fêter son anniversaire l'année dernière. L'année dernière, on avait fêté son anniversaire et on lui avait offert une petite bouteille, c'est ça? Ou c'est peut-être pour fêter ton anniversaire? Non, c'était pas des petites fioles. Non, mais c'était pas simplement qu'on était revenu de vacances après le jour de l'an. Ah, peut-être, ouais, c'est vrai. Parce que je pars à la montagne et je ramène de l'alcool des montagnes. En tout cas, c'était sur notre. C'était quoi? C'était le Genépi ou le. Parce qu'il a pris plusieurs cuites. Ouais, il a pris, ouais. Ouais, il a pris la vodka aussi. C'est laquelle, celle-là? Quand il revient, je sais plus, je crois que c'est celle du Genépi. une épi. Quand il revient de sa maladie de clavicule. Bah, pour fêter son retour. Pour fêter le retour de Cédric, on lui fera. On va l'achever, ouais. On lui fera une petite soirée alcool. Comme ça, il se relève, il retombe et il ouais, se répète. Écoutez bien, Cédric boit, et ça, ça fait peur, c'est notre message pour lutter contre les dangers de l'alcool. Aval. Ah la gueule. Là, Aval. Aval. Arrête-toi, arrête-toi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes pas? Ah, oh, c'est gâché. Ah, oh, oh, putain. Ah, il y a un problème. Il y a un problème de quoi? Ah, c'est un problème. Il a tout dégueulé. Oh putain. C'est gros yeux rouges. Ah, mais ce truc, je vois. Ouais, c'est des gueux d'un, vous. Quoi? Donc ça c'est Cédric qui boit son premier verre. Je rappelle que Cédric ne boit jamais d'alcool, non. Sauf quand il est avec nous. Donc là c'était quand il buvait. Maintenant voici quand l'alcool commence à faire effet. Oui. Bon, on va prendre Dora parce que je vais sourire de merde. Il est bourré. Il est bourré, Cédric. Ah putain, il fait chaud. Et j'ai les résultats du clash à vous donner aussi. Non mais j'ai chaud. Ça y est, il est bourré. Il est arrêté. Excuse-le, Dora. Cédric, il est bourré, Dora. Voilà, et quand Cédric fait bourré, il fait son célèbre, son très célèbre. Donc là, il est bourré, mais après, ça dégénère. Parce que là, bon, c'est rigolo. Mais alors, quand il commence à se foutre à poil, là, c'est dangereux. Non, mais on se met torse nu. Oh là. Ah non, mais. Pourquoi tu veux qu'on se mette torse nu? Comme une biatch en plus. Quand tu veux qu'on se mette torse nu? Est-ce que tu veux qu'on se mette torse nu? Elle est toute excitée, le belge. Bah vas-y, Cédric, tu commences. On suit. Allez, mets ton torse nu. C'est chaud, le belge, quoi. La gueule de Karim. Et là, il commence à bloquer ouais. Sur la gueule de Karim. C'est vrai que Karim a une gueule de Dalton, Avrel. Avrel. Dès qu'il voyait le plus sa intelligent, gueule, donc ah ouais, le plus c'est intelligent. Ça. Et là, il commence à se plus beau aussi. Commence à se moquer de Karim. Regarde la gueule. Vous voyez qu'il est rouge et carlate, il fait flipper quand même. Ah, putain. Oh, putain, je vais pleurer. T'as bronzé pendant ces vacances. Ce t'es rouge. Non, t'as pris des couleurs. Oh putain, ouais, t'es rouge, mon pote. Bon alors, j'ai un allemand. J'ai un pilier de comptoir, sérieux. Ouais. Faut que tu sortes parce que sinon je vais pas arrêter de rigoler. Karim, tu fais rire, c'est vrai. Karim, je suis en train de mettre ta boule d'air, mettre ma petite patate dans deux minutes. Hey, regarde sa gueule. Moi, ça me le fait tous les soirs, ça. Et pourtant, je suis pas bourré. Hein. Je regarde sa gueule et tout le temps, j'ai l'impression que ça fait cet effet. Et alors là, le pire de tout, c'est Cédric qui se fait des hallucinations, mais pas que d'ailleurs. J'avais jamais bu un verre d'alcool comme ça. Attends, j'ai des crottes de nez qui tombent. Là, tu commences à être dégueulasse, tu vois. Dans pas longtemps, il va quicher, tu vois. Oh putain. Voilà. Cédric a des crottes de nez qui tombent. Voilà. Ça, ouais. Hey, sexy boy. Faire le mec. Voilà, et pour finir. C'est marrant, t'as démonté, hein. Mais les gros jackies dans les bars, ils sont comme ça. Si ma mère elle voit ça, je suis dans la merde. Ta mère elle t'entend. Elle va me gronder, je crois. Elle va me défoncer, gros. Voilà. Voilà ce que ça donne. Les ravages de la voilà. Vous entendez les ravages de la ah ouais. Ouais, ravagé, ouais. Ah, il est darka quand il est bourré. Ouais. Ouais. Il y a des chiens qui se sont bourrés aussi la gueule. Regardez le chien de Salut les filles qui nous laisse un message. Salut ah ouais. Son chien qui était bourré, c'était délirant, il nous dit. Il a déjà bu ton chien, Romano? Ouais, mais pas atteindre l'ivresse. Mais tu le sens un peu bourré quand même quand il boit. Il claque les murs ou pas? Non, mais on le fait pas. Moi, boire. Vu boire non, non, mais blanc. De toute façon maintenant il a arrêté l'alcool. Il a arrêté l'alcool. Il ne boit que de l'eau minérale. Et tu sais que mon chat adore la bière. Non, mais moi mon chat il y avait un truc qu'il aimait bien, c'était Ricard avec de la grenadine. Ouais aussi ouais. C'est la grenadine. Ah ouais ouais. Mais la grenadine ouais, il adorait mais il a plus droit maintenant. Le pauvre. Il est interdit. Non mais ouais maintenant il carbure à l'eau minérale. Le pauvre. Et chien qui boit de l'eau minérale. Bah ouais non mais parce que c'est bon pour son ventre. Bon allez, si vous avez d'autres témoignages là-dessus, vous pouvez nous dire pour tout le reste aussi. On s'occupera des voisins demain. Tiens, je vais lancer l'appel pour les voisins parce qu'on a eu un message tout à l'heure. Il est où le message? Je vais le retrouver tout de suite. Ah oui, tu devais nous lire un truc. Bah je vais pas vous le lire parce que je vais laisser le suspense jusqu'à demain. C'est freelance. Vous me faites penser demain. Parler de freelance. Freelance qui nous a envoyé un message ouais. En tout début d'émission et qui voulait arrête parler. Une note pour demain. Qui voulait parler d'un problème ouais. De voisinage. Donc, vous avez des problèmes avec vos voisins. Vous avez le temps d'ailleurs de nous raconter les stories de problèmes avec vos voisins sur le 41759, sur l'appli Skyrock. Ou alors, vous nous envoyez un mail si vous voulez prendre votre temps pour demain. Difoul@skyrock.com. Par exemple, difoul@skyrock.com. Vous envoyez tout ça et on s'en occupera demain pour l'histoire des voisins et vos témoignages. Mais c'est quoi, genre, ils s'embrouillent avec ses voisins? C'est pas une embrouille. Non, non, ils s'embrouillent pas avec ses voisins, non. Il y a un problème avec les voisins. Ouais, ouais. Ils sont un peu... Ils sont chelous. Ils sont spéciaux, on va dire. Ouais. Donc des voisins chelous, des voisins spéciaux. Vous avez ça. Vous nous dites. Les bourrés, on y revient dans un instant. Ouais, génial. Et les résultats du clash de la drague

peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je m'étais quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh nanana nanana. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans de sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur mon dos. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange. Je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur mon dos. On en a rien à foutre. Pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. On est les mêmes en vrai. Je regarde trop la télé. On a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh nanana. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous on marche à la parole. Rien à, je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que ça peut te foutre? On va d'où on vient? On va d'où on vient? Rien à faire, je trace ma route. Je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans de sales affaires. Nous, on marche à la parole. Joue les Vita sur Skyrock, on écoutait ça les dérange. Tifoul, radio libre. What the fuck, 21h minuit sur Skyrock. Et les places pour Jules sont en vente demain, je vous le rappelle, si vous venez juste de vous brancher sur Skyrock. Marseille au Dôme. On va gagner aussi bientôt. Oh, restez bien dans le coin, ouais. Le 18 décembre à Marseille au Dôme, le 20 décembre à Amnéville au Galaxy, le 22 décembre à Nantes au Zénith et le 23 décembre à Paris au Zénith. Et il y en a plein d'autres qui nous demandent, mais s'il passera à Lyon, est-ce qu'il passera à Lille, est-ce qu'il ira dans le Nord, est-ce qu'il ira un peu partout en France. Il va se promener. Restez bien dans le coin. C'est juste le grand départ pour Jules, la tournée Skyrock de Jules. Concert quoi. Voilà, ses premiers concerts. Bon, elle a fait des trucs, des showcases en boîte. Ouais, et tout, mais voilà. Mais là, c'est ses premiers vrais concerts. Hey, il se met la pression. Ça va, des grosses salles. Il démarre par Marseille quand même. À la maison. Il démarre à la maison. Tranquille. Ouais, c'est la folie là. Ah ouais, à Marseille. Putain, mais Jules à Marseille, c'est vraiment une star de ouf. Ah, les gens, ils l'adorent. Ah, bah nous aussi, on l'aime bien. Ouais, mais grave, mais tu sais, à Marseille, comme il est de là-bas, c'est. Je lui ai appris à faire du scout à Jules, moi. Vous avez vu? Vous avez les vidéos d'ailleurs sur tous les réseaux de Skyrock, Skyrock FM. Allez voir. Comment? Là, je crois que c'est lui qui t'a appris à faire des wheeling, des roues arrière. Il m'a appris à faire des wheeling. Des wheeling. Il t'a mis en Y et en I, quoi. Allez hop, sur la roue avant, la roue arrière. Vous savez que en Y, vous connaissez? Ouais. Bah, c'est après m'avoir vu sur un deux roues. Hein. Bah, bien sûr. Ouais, c'est dit, hein. Oh putain de merde, ça je vais écrire une chanson, elle va s'appeler Anne Y. Ouais, c'est une fois que t'as fait de la bécane, t'as claqué le sol et il t'a vu tout. C'est par terre, t'étais en Y. En Y. Bon, en parlant de péter le sol en bécane, on salue Cédric. Hein, ouais. Qu'on a retrouvé il y a un instant, Cédric Bourré. C'est bien d'avoir. C'était Darka, ouais. D'avoir écouté tout ça parce que c'est un message de prévention pour tous ceux qui boivent de l'alcool. Écoute bien, Marie, dans quel état tu vas finir. Ouais, oui. C'est pas brillant. Il fait des petits bruits comme ça. C'est pas brillant non plus. Moi, il m'a bien fait marrer. Moi aussi. Bon, alors, il y a juste un petit souci. C'est Jean qui nous a envoyé un message. Il a 17 ans, Jean. Et ses parents, ils veulent se séparer de la télé. Et lui, il veut garder sa télé. Se séparer de sa télé, mais complètement. Bah oui, après ce qu'il dit, mes parents veulent. Alors attendez, je vous lis le message de Jean tout de suite ou je donne les résultats du clash parce que Vas-y, donne les résultats. Allez, résultats du clash, Thomas. Allez, ses parents, ils veulent plus la télé à la maison. Ça, c'est horrible. Et ils voient pas l'utilité de la télé à la maison. Donc, ils trouvent que ça empêche de parler, peut-être, je sais pas moi. En tout cas, Jeannot a ce problème-là. C'est ça, quand même. Dites-nous si vous aussi, vous pourriez vivre devant, sans la télé. Après, je suis révolté. Tu es révolté. Après, si t'as un ordi, tu peux regarder la télé. Ouais, aussi, c'est pas faux, ouais. Mais bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ou un iPad ou un iPhone même. Ouais, ouais. Bon, elles sont iPhone, mais après, c'est petit. C'est vrai que c'est un peu galère. Petit, ouais. Non, c'est mieux d'avoir l'écran. Enfin bon. Donc, dites-nous pour Jeannot. Moi, j'ai une belle télé. Et qu'est-ce qui vous manquerait à la télé si vous l'aviez plus? Tiens, dites-nous aussi. 41759, skyrock.fm. Et voici les résultats du clash. Julien, est-ce que tu es là? Ah oui, j'attends avec impatience ça. Oh, je vais quand même dire quelque chose. Diffou Laurentaine juste avant m'a dit vas-y mollo quand même avec Julien, c'est que t'as l'auditeur. Ah l'autre, non. Donc j'ai volontairement levé le pied ce soir. Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, j'ai remarqué que j'avais grave du soutien dans l'équipe et ça, ça me fait plaisir. Mais on t'aime, Romano. C'est bien ça les résultats, Romain, les résultats du clash. Ouais. Pas moi, bien sûr. Les résultats. Non, non, mais monsieur, là, j'ai vu dans l'équipe quelle bande de salopes. Donc tu as fait, t'as fait une bonne méthode. J'ai fait un jogging, j'ai transpiré, je prends une douche, je viens masser le dos et la bite. Ça c'était une bonne méthode. Et Romano, ta méthode, je ne me rappelle même plus. Tiens, dis donc. Mais t'es vraiment un enculé aussi, d'arbitre de merde. Non, non, mais moi si c'est comme ça, je ne jouerai plus. Non, mais c'était quoi la méthode? Mais va te faire mettre toi aussi. Voilà. C'était la méthode de Cédric qui s'était pété la clavicule. Ah ouais. C'était la méthode pour rendre hommage à Cédric. Bah ouais, quand même. Les résultats donnent. Fermé avant toi. 10% pour le perdant. Mais va te faire, impossible. Et 90% pour le gagnant. Hein? Non, Julien, mais toi, tu gagnes avec 99,9%. Ouais, bien sûr. Ouais. Les résultats sont plus serrés que ça, puisqu'il y a 57 d'un côté et 43 de l'autre. Le gagnant du clash, comme tu dis, oulala, oulala. Le gagnant du clash. Ah merde, j'ai vu. Mais avec des salopes. Aïe, aïe, aïe. Romano, 57. Julien, 43. Romano, il gagne. Ah bah voilà. Je suis déçu. Seul contre tous. Bande de biatchs. Bon, les merci à tous les auditeurs. Bah, t'étais pas seul, la franchement, pauvre. Julien. Bon, tu t'es vraiment bien démerdé, franchement, honnêtement. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, t'as assuré. Tu resteras jamais le meilleur du clash, apparemment. Non, pas jamais, mais bon, en tout cas pour le moment. Il est fier. Il est fier. Non, mais t'emballe pas, tu sais. Non mais soyons honnêtes, non mais tu t'es vraiment bien débrouillé. Franchement, non, c'est vrai, t'es pas ah ouais, t'as assuré. Le premier coup de fil était super bien. On t'en prendra peut-être. Ah, c'est bien, t'as de la répartie et tout. Bim bam boum, c'était bien. Ah c'était bien, c'était bien. Bravo. Ouais, c'est gentil. Bravo. Je te félicite. On va t'envoyer d'ailleurs. Non, ce qui serait bien, c'est quand Cédric il reviendra, ça va être en face à contre lui. Ah, tu vas gagner. ça serait cool. Ça. Julien, on va t'envoyer le maillot de foot que tu veux, ou le maillot de rugby, le maillot de basket, de ce que tu veux, tu choisis. C'est gentil. Même un BHR et on t'envoie ça à la maison pour ta belle prestation de ce soir. 43%, c'est pas mal. Merci. Et Romano 57, c'est pas mal non plus. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Mais il me casse les couilles, il faut que je fasse des snaps là. Bon bah allez faire un tour sur le snap de Skyrock, c'est Skyrock FM. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que je peux dire un petit mot? Vas-y, oui, ce que tu veux. Vas-y. Déjà, bah merci de m'avoir laissé relever le défi. Ce n'était pas facile. Non, c'est vrai, c'est pas facile. Et je voudrais vous faire un petit big up à vous et un big up particulier à Karim pour sa pizza mexicaine. La pizza mexicaine de Karim. Ah bon? Ah, t'es venu manger la pizza rien, gros? Ah, ben oui, gros. T'es alors, chasse carabinée? Non, tu me donnes ces pizzas. Non, la petite pizza mexicaine, je vais la conseiller à tous les auditeurs. Eh ouais, merguez, viande hachée, œuf. Tu fais pas des pizzas avec des frites? Non. En Italie, ils en font. Non, mais tu sais qu'en Italie. Ah ouais, mais j'ai halluciné. C'est pour les touristes allemands. Ah. Non, non, mais même pas. Hein. Tu sais que les gosses, ils aiment bien. Non, mais même ouais, les Italiens. Les frites, tu les mets au four après? Non, mais en fait, ben non, la pizza est sur la pizza, t'as des frites. Ah non! Non, mais, non, mais t'en as pas, tu sais, genre. Ouais, t'en as pas une plâtrée. Ouais. Mais parce que il y a un auditeur qui était venu qui s'appelait Batista, d'ailleurs. Ciao Batista. Ciao Batista. Et c'est un auditeur, et on s'est vu là en Sardaigne, et on a été bouffé ensemble, et il commande une pizza. T'as mangé des sardines? Non, pas du tout. C'est super bon, les sardines. Et il a mangé une pizza avec des frites, et un autre jour, j'ai fait une autre soirée avec d'autres personnes qui ont pris ça, et j'ai un peu halluciné, mais a priori. Pour tout le monde. Ouais, ouais. Oh. Mais c'est pas mauvais d'ailleurs. Ah hein. Oh, non. Pas goûter moi. Mais, fais-le. Ça. Ouais, je vais le faire, ouais. Pour un peu, ça cartonnerait. En tout cas, vive la mexicaine, d'après ce que j'ai compris, Juju. Ah ouais, la mexicaine de chez Karim, c'est une tuerie. Pour les nouveaux auditeurs, Karim est aussi pizzaiolo. Ouais, Je suis pas pizzaiolo, j'ai une pizzeria. Pizzeria clandestine. Moi, c'est mon addiction à la bouffe, c'est sa pizza mexicaine. Ah, toi aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure des addictions à la bouffe, là. Bon, merci Julien, merci pour tous vos votes. Vous avez été sympa avec Julien, il y a eu plein de messages pour toi. Respect des auditeurs. Merci les auditeurs, la grande famille de Sky. Et bien, tu reviens quand tu veux, Juju. Big up à ma team de web radio, on vous soutient à fond et puis merci beaucoup. C'est quoi ta web radio? Fais de la pub, vas-y, gratuite. Bah, profite sur Sky. Gratuite. Non. je cite pas de nom, je dis juste web radio. Ah ouais, tu peux pas dire où tu travailles? Il se plante. Ah si, je peux, mais si ça fait pas grande pub. Bon, vas-y, ça te fera de la pub. Vas-y, on te dit d'y aller. Profite, c'est gratuit, profite. Hein. Ouais, pas sûr. Ça se passe sur Give Me Radio, un vendredi sur deux, de 21h à 23h. Donc, salaud, tu nous fais concurrence. Give Me Radio, c'est ça? C'est ça. Ok, tu fais quoi? Tu fais une radio libre? Ouais, c'est ça en fait. Mais on a lancé une grande mode avec les radios libres. Avant nous, il n'y avait rien. Hein. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Hein. Bah, c'est un peu vous qui nous avez inspiré quand et même. Ben, on salue tous les collègues. Salut à toi, surtout à toi, Julien. Merci beaucoup, équipe. Bisous à vous. Salut, merci. Julien, tu reviens quand tu veux. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il est pas mal pour le clash. Il s'était déjà entraîné, pas mal. Ouais, bien, mais bien joué. Il était fort. Et oui, il est fort, ce Julien. En tout cas, il a bien assuré. Hein. Bon, Romano ne le mérite pas, on nous dit d'ailleurs. On soutient Julien. Ouais, non, le verre à moitié plein qui nous laisse un message. Vous allez pas commencer le même cirque qu'avec la team Le Belge. Regarde, je lis les messages. Regarde, Romano. Je les lis. Toi, tu peux les lire. Moi, je les dis pour ceux qui écoutent. Ah merde, message de Tishon, 24 ans. Ah merde, point d'exclamation, 1, 2, 3, 4 points d'exclamation. C'est Romano la biatch, 2 points d'exclamation, l'auditeur aurait dû gagner. Bah ouais, bah il aurait dû, mais non. Je te félicite Romano, ah ça c'est Rémi 06, qui Rémi de la team Le Belge qui te félicite. Ah merci. Ah, parce qu'il a voté pour toi avec ton truc genre je soutiens Cédric et team Le Belge qui a voté pour toi. Non mais ça va Cédric, on se déteste pas. Hein, non mais t'as été intelligent là sur ta méthode. Oui merci Marie. Killer. Merci. T'as bien feinté. Killer 23 ans. Ah bah tous les coups sont perdus. Yeah Romano. Yeah. Mais Julien c'était bien. Julien s'était bien débrouillé. Non parce que non tu sais j'ai fait hier parce qu'en fait samedi tu sais j'ai été à mon cours de bateau. Et t'as fait hier. Oh yeah. Non. Ah ouais le fameux. Non et en fait l'instructeur c'est la théorie et le mec en fait il parle américain tu sais. Déjà, on rentre dans la salle, il fait « Bon, vous allez à tribord chercher votre dossier et ensuite vous irez à bâbord à votre table. » Et après, il était là « Welcome on board ». J'étais là « Non, on n'est pas sur un bateau. » Welcome on board. Une salle de classe. Et il était là « Yeah, man. » Tu sais, il n'arrêtait pas. Yeah. Et à un moment donné, je lui pose une question sur l'alcool. Il me dit « T'as pas l'air serein sur ce sujet. Ouais. » Je fais « Non, effectivement. » Je suis alcoolique, tu m'as dit. Et donc, Samy, ce que t'as dit, « Non, il y a des contrôles. » Ouais, non, j'ai pas dit qu'il y avait pas trop. En fait, j'ai dit qu'il y avait des contrôles, mais y a pas de chiffres. Non, si, c'est comme c'est ma voiture. Ouais. Ah, il y a un chiffre, maintenant? Bah, fais gaffe. Ah ouais, c'est vrai. Non, ouais, parce que justement, je lui ai demandé, on en avait parlé vendredi, est-ce qu'on peut être bourré sur un bateau? Ouais, quand on le pilote, eh bien, c'est exactement comme, en voiture, comme le Costa Concordia. Pareil. C'est quoi le chiffre, alors? C'est 0,5. Ah ouais? Ouais, c'est comme en voiture. Ouais, heureusement, autrement, ils vont arriver sur le bord de la plage, ils vont hacher les gens avec leurs hélices, là. Ouais, mais parce qu'en fait, avant, t'avais le droit d'être bourré, mais de pas tituber, tu vois. C'était à la limite de ce que chacun tient. Et maintenant, ils ont mis une norme, alors. Ah bah, putain, parce que quand on sort en bateau avec Samy, on sort avec les packs de bière, quoi. Non mais moi, pareil, tu sais, j'en ai fait cet été. Sur tous les bateaux, les gens ils picolent. Ils sont bourrés tous, bah ouais. Bah oui. Et pourquoi tu nous parles de ton bateau encore, Romano? C'est des succès, hein. Non, mais parce que je faisais yeah man. Yeah, man. Ah, yeah man. Yeah man, come on our baby, yeah. Je le disais aussi. Bon, alors, pour la suite, ouais, l'histoire de la télé, là. Alors, comment ça, c'est horrible pour l'histoire de la télé. Tu vois, je la regarde pas tout le temps, mais ça me ferait chier de pas en avoir. Qu'est-ce qui vous manquerait à la télé? Moi, c'est des trucs en direct qui me manqueraient, genre des matchs de foot en direct. Ouais, par exemple, ouais. Des trucs qu'on peut voir qu'à la télé, en fait. Ouais, parce c'est sûr, ça. Autrement, les films, bon, tu peux les mettre ailleurs. Les infos aussi, c'est chiant. Les infos, ouais, tu peux trouver sur le net. Les infos, c'est chiant. Ouais, c'est vrai que tu peux trouver sur le net. Non, mais enfin, c'est chiant. Quelquefois, t'as envie de voir des images, bon. Ouais. Moi, ça me ferait chier, ça. De pas avoir les chaînes infos. Ouais. Après, on disait tout à l'heure, il peut regarder sur sa. Oui, sur son ordi. Sur son ordi. Mais il faut pas qu'ils enlèvent le wifi aussi, les parents. Ah oui, non, par contre, ils enlèvent. Oui, non, mais bon, ils vont peut-être quand même garder l'électricité, Marie, j'imagine. Ah, mais tu sais, j'ai un couple d'amis, ils ont ni wifi ni télé, hein. Ah ouais? Ouais, en fait, ben, ils achètent la radio ou pas? Ils écoutent la radio, ils achètent les quotidiens, tu vois, les journaux et ils bouquinent. Ah, c'est cool le net. Mais genre, le soir, ils bouquinent? Ouais, bah ouais. Mais c'est horrible. Bah, pourquoi c'est horrible? Bon, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais moi aussi, ça m'a toujours fait halluciner. Je sais pas, tu sais, t'es en couple, genre même tu le net, non, mais il sort pas mal, tu vois aussi, donc ça va. Mais par exemple, je sais pas, tu veux réserver un billet de train, voir à la météo, enfin, t'as besoin du net, tu vois. C'est... Ah oui, non, mais c'est ça, mais ma copine, quelquefois, oui, c'est ça, pour le train, ou machin, elle prend le téléphone. Attends, je peux aller au cybercafé? Ouais, sérieux, à l'ancienne, quoi. Qu'est-ce qui vous manquerait? Tiens, dites-nous. Cassius Clay, 17 ans, qui dit, moi, ce qui me manquerait, c'est l'équipe 21. Game One. Et sinon, ça va grave me manquer. Sinon, c'est tout. Qu'est-ce qui manquerait à Yakake, moi, Touche pas à mon poste et le foot? Comment tu trouves la nouvelle saison de Touche pas à mon poste, Romano? Relativement déçu depuis le début. Pourquoi? Déjà, la semaine dernière... Attends, bouge pas. Voici tout de suite Touche pas à ma télé. Bon, la semaine dernière, ils ont fait leur rentrée, là, nouveau plateau, plateau trop grand, premier jour, les applaudissements, ouais, t'entendais, mais il y avait du monde, mais tu entendais pas les gens, en fait. Tu sais, Cyril Hanouna, il faisait une vanne, les gens, tu les entendais rigoler, mais t'avais l'impression qu'ils étaient dans une autre pièce. Raison, ouais. Non, mais il faut qu'ils prennent les rires en boîte, ils font ça, ils font ça à la télé, il y a des rires, fais une blague. Vas-y, Karim, fais-nous une petite blague. Comment on appelle un nain homosexuel à Marseille? Eh ben on appelle ça un nain culé. Nain culé, voilà. Une blague très très drôle. Oui, vous rajoutez des rires, tout de suite c'est mieux. C'est vrai, ouais. Ouais. Ouais. Bon, je me poursuis. Hein. Vas-y. La semaine dernière, trop de chroniqueurs. Des chroniqueurs autour de la table. Non, mais attends, le premier jour, je croyais que c'était 14. Ah, c'est beaucoup, ouais. C'est genre, c'était trop. Ouais, c'était trop. Et il y a les nouveaux bof, quoi. Non, t'es déçu donc. Ouais, franchement, bon, peut-être que ça va. Faut attendre que ça s'installe, peut-être. Mais je trouvais ça mieux l'année dernière, moi. Pareil. Tiens, les émissions de télé-réalité à la con, ça me manquerait tôt, nous dit Sabrina, à 18 ans. Genre, ouais, les Marseillais, les Ch'tis contre le reste du monde. Ouais, ou Secret Story. Ouais. Putain, Secret Story, alors cette année, personne n'en parle de ce truc. Putain, moi j'ai pas regardé une fois. Ah bah, moi j'ai regardé. Ça passe, ça passe quand? Ça passe à 18h30, je crois, non, 19h. Ah ouais. Non, non, mais en tout cas sur NT1, je crois que ça passe. Elle a raison, ça passe toute la journée. À chaque fois que j'appuie dessus, je tombe dessus. Voilà, tiens, si en même temps, du matin hein. jusqu'au soir. Si, ils ont des émissions d'enchères, je crois. Si je me mets sur NT1. NT1, je crois que ça se résume à ça, la grille des programmes. Là, il y a de la. Non, mais c'est hallucinant, c'est toute la journée. Il y a ça. Waterproof efficace. Ouais, c'est les pubs. Voilà, c'est les pubs. Ultra sec dès l'application. Ouais, les Tampax. Il garantit une protection waterproof. Non, c'est un déo. C'est un déo. C'est des serviettes. Si tu trouves du déo dans le cul, ça va pas faire. Non, c'est Narta. Nouveau Narta sensation dry toute la journée. J'en connais, j'aime bien la meuf Narta. Qui est dessus. Ah bah évidemment. Là c'est Mobile pas maintenant. Non mais ouais, il passe et de la pub et sur ah non ça c'est pardon, c'était j'étais sur TMC, excusez-moi. Ouais, ouais, ouais. Ah bah alors. Je me mets sur quoi d'ailleurs? NTA appel d'urgence. NTA appel d'urgence. Ouais, le truc qui est passé. Ah Marseille putain. Oh Marseille. Tu vois genre le vélodrome, regarde le toit putain. Regarde le toit. Ça comme c'est beau, on le voit dans toute la ville. Bah, tu vois, c'est bien NTA. Putain, vas-y. On remet. Police municipale de Marseille. Ça à chaque fois c'est à Marseille. Un coup de chaud sur la canebière. C'est passé 10 fois déjà ça. Ah mais 100 fois même. Ah mais ouais. Mais encore celui-là, il doit pas être trop vieux, il y a le toit. Ouais, c'est pas con. Ce qui me manquerait, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est en général, c'est des trucs qui datent que de 10 piges. Ouais, de 10 piges qui étaient passés sur TF1. Des fois même tu vois l'image elle est pourrie par rapport à ces autres trucs tu TF1, vois tout aux caisses, à tout ça. Ah ouais. Alors, j'ai le même avis que Romano sur TPMP, c'est très décevant cette année. Grand fan, je ne regarde plus. Oh, faut peut-être leur laisser le temps de s'installer. Non mais tu sais que moi on les salue d'ailleurs. Je me suis surpris à zapper. Alors qu'avant j'ai adoré. Tu as regardé Yann Barthès qui faisait sa première sur. Non mais non, j'ai pas regardé non parce que ma meuf elle voulait regarder le truc sur la. J'ai vu quand ils ont changé le logo à l'hôtel. Ah mais Difool tout à l'heure a essayé de montrer le changement de logo, mais le problème c'est qu'il ne change plus pendant les films le soir. Ouais, parce que le logo il se transforme en 10 tout mais ça. Mais Yann Barthès il devait pas aller sur TF1 à la base. Aussi ouais, il sera sur TF1. Il a fait déjà ce soir sur TF1. Ah oui, mais à 20h40. En fait, il fait. Non, mais sinon, il va faire une. Non, il fait. Tu sais, ils font une espèce de mini best-of après le journal de 20h. Ouais, sur la une. Ouais. Et après, il va sur TMC. Oui, et après, il va avoir une deuxième partie de soirée sur TF1. Ah ok. Mmh. Ah, Secret Story, il y en a qui regardent quand même. Il y a un homme qui a été enceinte. Oui, on en avait parlé dans l'émission là. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Mes couilles sur ton nez. Mais Marie, avoue que tu regardes Secret Story. Ah non mais je suis tombée une fois dessus, j'ai regardé. Bon j'ai rien compris parce qu'évidemment j'avais pas rien compris, mais ils sont complètement cons. Putain, non, Marie, c'est pas comment, ça, comment tu fais pour pas comprendre? Non, mais je comprends ce qu'ils foutent dans la baraque. Il y a des gens, ils sont dans une maison. Non mais ça fait 10 ans qu'il y a Secret Story, j'ai déjà regardé avant. Ouais. Plus de 10 ans, hein, c'est 15 piges. Non, c'est la 10e saison. De Secret Story, oui, mais avant c'était le loft. Oui, d'accord. Colocataire. Donc je sais, mais j'ai pas juste compris quel était le secret de chacun. Moi j'ai vu le mec là qui était enceinte. Non, mais de toute façon, au final, ça, tu t'en bats les couilles des secrets. Ouais, ce que tu veux, c'est qu'ils s'engueulent. Ouais, qu'ils s'engueulent ou qu'ils passent un truc, quoi. Quand tu regardes une fois, t'essaies de savoir quel est le personnage. Non, mais moi je m'en bats les couilles, moi je t'assure, Marie. J'ai fait de l'analyse. Alors, Marie, en fait, elle regarde l'émission, elle mène une enquête. Non, monsieur Gombedo. Elle loupe, alors je mène l'enquête. Je fais une dissertation sur chacun des personnages. Mais par exemple, j'avais un couple qui était. T'avais un couple et un mec à Libye, je voulais savoir qui c'était. Bon, on ça, s'en bat les couilles, non? Non, non, mais enfin, moi, je voulais savoir. Bah, déjà, je m'en bats les couilles de l'émission en elle-même à la base, mais alors en plus de savoir qui. J'ai vu une fois, ça m'a suffi. Bon, tu m'as dit, il y a un mec enceinte, j'aimerais bien voir comment c'est possible ça. Ouais, ça c'est marrant ça. Mais il est enceinte, il a non, non, non, mais il l'a plus. Hein. Non, il l'a plus. Il a été enceinte. Il était femme, il est devenu. Non, non, non, mais ouais, c'est ça en fait. Ok. Donc c'est bien de mettre ça, de mettre des histoires comme ça à la télé. Ouais. C'est pas mal. Alors qu'est-ce que vous. Maman Amnesia Hayes, pareil que Romano pour TPMP. En plus, c'est trop joué maintenant. On ne croit même plus à leur spontanéité. Vraiment décevant, TPMP. Oh, laissez-leur un peu de temps. Non, moi alors, non, parce que moi, il y a un truc qui me dérange. Vas-y, vas-y. Ça les dérange. Vas-y, lâche-toi. Non, parce que, par exemple, tu vois, l'année dernière, Enora, elle a chié sur la gueule de Castaldi. Oui, c'est vrai qu'il m'a pris plein la gueule. Mais de ouf, tu vois, elle disait, ouais, le mec, ça a raté. Elle m'a bien fait rigoler quand elle l'avait chié dessus. Ouais. Et le problème, c'est que cette année, le mec, il est chroniqueur. Et genre maintenant la meuf à l'antenne, c'est son meilleur ami. Ouais, genre c'est son meilleur pote. Là il se porte les fesses. Donné, bon, ouais. J'allais dire porte tes couilles, porte ta chatte. Porte ta chenèque quoi. Non mais c'est vrai que ça. Ouais, mais ça fait trop faux cul. Attends, l'année dernière la meuf elle le déglingue. Non mais souvent elle fait c'est ça. C'est même pas genre elle l'a pas vanné, c'est-à-dire que le mec elle a désingué. Moi elle m'a fait rigoler quand elle avait désingué. T'es marrante. Non mais au moins tu vois Gilles Verdez avec tu sais bon après t'aimes ou t'aimes pas. Mais genre à un moment donné ce soir Hanouna il lui dit ouais vous aimez bien Castaldi, le mec il fait non je le déteste. Non ouais lui j'ai mal à ma France. Non mais lui au moins l'année dernière il l'a désingué, mais tu vois il est resté du même avis, c'est-à-dire que le mec il fait pas le faux cul en disant ouais t'es à côté de moi, t'es mon super pote. Ça moi je trouve c'est un peu ça le truc qui est. J'ai mal à ma France. Oui. Ah bah oui ça. Ah bah ça mais ouais. Mais le dit plus là ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non. C'est lui Gilles. En fait celle qui est la plus drôle qui n'a pas changé. C'est la vieille. Ah ouais, c'est Isabelle Morini Bosque. Ouais, ouais, parce qu'elle est complètement perchée. J'aime bien elle. Elle est dans son monde, elle est. Ouais, elle est à l'ouest, elle dit n'importe quoi. Non mais elle dit des trucs drôles. Ouais, non mais moi celui qui fait le plus rire c'est Hanouna moi. Oui bah oui. Hanouna il fait d'arrêt après comme le présentateur. Tiens alors salut les filles qui est toujours là qui nous dit les Marseillais me manqueraient. Ça se regarde, ça. Ouais. Carmelo qui dit, moi, ce qui me manquerait, c'est le foot, le basket et tout ce qui est sport en direct. Pareil que toi, moi, c'est vraiment ça qui me manque. Enfin, le sport en direct ou les événements en direct. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bein Sport me manquerait pour Laurie. Il y a eu pas mal de Bein, là, depuis tout à l'heure, là. Il y a quoi sur D17? Ah, bah, ça, j'en sais rien, Charles Villeneuve. Je sais pas. Pawn Star. Bah, il y a pas ça sur D17? Si, il y a ça. Si, Pawn Star. Pawn Star, c'est les enchères, hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Braise du 22 qui regarde Pawn Star. Je sais pas, c'est sur D17, ça? Ou NT1? Non. Parce qu'en fait, c'est sur toutes les chaînes. Ouais, mais chaque chaîne a toutes les chaînes de la TNT ont une émission d'enchères. Ah ouais, c'est ça, alors. C'est des trucs super mal doublés à l'américaine. Ouais, c'est pas des enchères, c'est des enchères pour un garage, des enchères pour acheter des valises, des enchères pour acheter des plein de trucs, ouais. C'est marrant que ça marche ça. Ouais, mais c'est bien, c'est marche, cas, ça. Ouais. Moi j'aime bien quand ils cherchent quand ils achètent des valises, après tu vois ce que le mec il a trouvé, combien non, ça mais vaut. Non, mais sinon quand ils achètent des box aussi. Ouais, c'est ça pas c'est mal. Bien ça aussi, ouais, les box. T'avais jamais vu avec le Québécois là? Lequel, non? Ah putain, il y a un Québécois, ça ouf, tu sais, il hurle. Tu sais, il monte sur une cagette et il fait les enchères, tu sais, mais avec l'accent, il y a Tabernacle, hey, des 150, qui m'en donne 300, qui m'en donne 300, des 150. Je vais voir le dernier album de Céline Dion, hey. Non, mais en fait, non, parce qu'en fait, tu sais, ils ouvrent des box, tu sais, privées comme un garage. Et en fait, dedans, il y a des affaires. Et les gens, mais t'as pas le droit de toucher. Ouais, t'as pas le droit de toucher, de déplacer les trucs. Ouais. C'est au regard, tu regardes et les gens, ils en s'érissent dessus. Ouais. Et des fois, il y a des super trucs dedans ou des trois quarts. Temps, c'est de la merde. Ils font la même aussi avec des maisons. C'est génial aussi. Ils ont pas le droit, ils rentrent pas dans la maison, ils la regardent que de l'extérieur. Après, ils achètent la baraque, ils voient comment elle est. Je savais pas que tu regardais Pawn Stars. Ah, moi, j'aime bien ça, gros. J'aime bien. C'est pas mal, là, ça se regarde, ces trucs. J'aime bien aussi les trucs, là, les constructeurs de l'extrême, les démolitions de l'extrême, les trucs comme ça. Ça, c'est RMC. Il y a le truc, là aussi. Et National Geographic aussi. Les transporteurs d'extrême. Tiens, je suis Secret Story. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, on a fait un peu touche pas à mon poste ce soir, Bidon, là. Vous avez vu un peu, hein. Moi, ce qui me manquerait, c'est Koh-Lanta et le foot. Ouais, moi, les trucs qui sont qu'à la télé, ça me manquerait. Après, les films, tout ça, c'est vrai. Mais sans télé, le foot, t'imagines? C'est ça. Ouais, c'est vrai. American Dad me manquerait, c'est un classique pour Ultimate Gamer. Excusez-moi, j'ai pas lu tous vos messages, mais ça défile. Allez-y. Impensable pour Romano de vivre sans télé, sans TF1. Regarde. Ah, mais j'aime bien ma TF1. Diablotin qui nous dit ça, et lui, sa télé, elle lui sert que pour la console, sinon il la bazarderait aussi, regarde. Ouais, mais bon. Astrobal, ça fait 6 ans que j'ai pas de télévision, et ça ne me manque pas du tout. Ah, tu vois? Bah écoute, tu nous écoutes au moins, t'as gardé la radio, hein. Ouais, c'est vrai, il y a eu plein de messages, ce n'est plus D8, c'est C8 et c'est C17. Tiens, mon père veut aussi se séparer de la télé, c'est Ludo du 94. Non, c'est quoi, c'est il a 14 ans, hein. D17, ça s'appelle comment maintenant? C'est Star. Ah, c'est Star, voilà. Ouais. C'est Star, c'est le nom, ouais. C'est pété un peu, non? Bah, c'est leur nom, hein. Ils s'appellent comme ça, c'est Star. Hey, pour eux, lance une autre chaîne, c'est pété. C'est pété. Ouais, c'est pété, ouais. C'est pété. C'est vrai, c'est pété. Mais bon. Bon, allez, vos réactions, si vous voulez réagir là-dessus, vous nous dites. Hein. 41759 sur l'appli Skyrock aussi. Et au 01 53 40 30 20, si vous voulez passer dans l'émission, c'est possible. Petit coup de fil ici à Sky. Et on arrive tout de suite, mais d'abord, des places à gagner pour la roulette C'est du Sopra dans la roulette. Ouais, Soprano, la tournée de Soprano. Ouais, la grande tournée de Soprano. Vous annoncez, les Marseillais, vous êtes déchaînés, hein. Entre Soprano, Jules, SCH, ouais. Donc vous annoncez la tournée de Jules. Mais là, on vous offre la grande, grande tournée de Soprano. Oui. Et il passe dans toute la France. Sopra, partout, Soprano ouais. À gagner. Si vous voulez aller le voir près de chez vous, vous vous inscrivez, vous envoyez tout de suite roulette au 7-20-20. Roulette au 7-20-20. Et, les messages arrivent. Nous, on tire au sort. Et après, c'est vous qui débarquez en direct sur Skyrock. Avec nous dans la radio libre. Allez-y, 41-59 pour tous vos messages et pour les inscriptions, le 7-20-20 avec roulette écrit dessus. Tous les soirs, Diffoul Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Ah, et ça, c'est cool, ça. J'aime bien ce son. Hein. DJ Snake, super album de DJ Snake. C'est bon, ça. Et gros son avec Justin Bieber. Qui est là, Justin Bieber et DJ Snake, let me love you. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. What the fuck? Eh bien, c'était le son de DJ Snake et Justin Bieber sur Skyrock. On écoutait Let Me Love You. J'aime bien ce morceau. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire tourner la roulette là dans un instant. La roulette qui tourne. Ouais. Et merci pour encore une fois cette belle soirée qui n'est pas tout à fait finie. On est dans la dernière ligne droite de l'émission. Dernière ligne droite de l'émission avec tous les messages que vous nous avez laissés sur ce qui vous manquerait ou pas d'ailleurs pour la télé. Parce qu'on en parlait de la télé tout à l'heure. Il y en a plein qui nous disent, moi je pourrais vivre sans la télé. Ouais. La jumelle qui regarde la télé, mais alors que la nuit. Bah, tu la regardes quand même la télé que la nuit. Qu'est-ce que vous nous dites? La télé, c'est de la daube. On peut s'en passer. Moi, j'aimerais bien quand même. Non, ce qui est chiant, c'est quand il y a un truc à regarder, genre une finale la finale de l'Euro, par exemple. Ouais, c'est ça, clair. Ça passe qu'à la télé. Si t'as pas de télé, ça te manque. Pour un événement sportif, tu peux aller dans un bar ou quoi. Ouais, mais c'est bien de regarder chez toi avec des potes. Ouais, après, ouais, c'est bien d'être tranquille aussi. Donc, c'est la télé, tu peux t'en passer, mais il y a des moments où t'en as quand même besoin. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, Romano, toi qui es le spécialiste de la télé PMP? Non, mais j'allais dire la même chose. La télé PMP. Moi, ça me ferait chier, même si des fois je regarde rien, ça me ferait chier de pas en avoir. Ouais. Sur le moment où t'as envie de regarder un truc, tu vois, t'es. Je suis d'accord. Moi, il me faut les. Et puis bon, sur un iPad, ça reste petit quand même. Ouais, tu t'habitues, c'est que maintenant, moi, je regarde que plus que sur l'iPad. De temps en temps, je bascule, tu sais, j'envoie l'image de l'iPad, ouais, sur la télé. Un match sur un grand écran, c'est sympa. Mais ouais, le foot, c'est vrai, non, le foot. D'ailleurs, c'est tiens, en parlant de foot, tu nous as parlé de ce derby, de la Méditerranée, le derby de la Méditerranée de d'hier qui opposait Nice contre Marseille. On a failli gagner à 15 minutes près, on en a pris deux buts. De Balotelli, premier match à Nice, il met un doublé, bon. Il a marqué plus de buts en un match qu'il en a marqué en un an. En plus en deux ans. Deux ans, ouais. Ouais, c'est ouf. Bah, autant de buts qu'en deux ans, en fait. Voilà. Bon, c'est fait baiser, écoute. Une fois de plus, j'ai envie de te dire. Et voilà, c'est pas là, très grave. Il me tarde en 2017, que la nouvelle saison elle commence en 2017. Pourquoi? Parce que comme on va être racheté. Non, on va avoir des sous, on va avoir un vrai président, un entraîneur, machin, on va faire une vraie équipe, tu vois. D'ailleurs, il y a le nom de votre président, les Marseillais. Ouais, Jean-Jacques et Jean-Louis Hérault, je sais pas quoi. Il est connu, lui? Non. Non. En fait, c'est le mec qui est le patron de Paris Turf. C'est le journal, ouais. Le journal de course. Le journal du turfiste. Oui. Ouais. Eh ben, vous aviez des chèvres, il va peut-être les transformer en canassons. Ouais. Ah, mais il y avait une enquête dans Téléfoot, a priori, au mercato d'hiver. Ouais, ils veulent injecter un peu d'oseille. Il va mettre de l'oseille. Mais bon, ça sera surtout un mercato d'hiver, tu peux pas faire des gros joueurs. Quoi. Mais c'est ce qu'il disait. Mais alors, le problème qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a absolument personne qui sait combien de mecs il compte mettre. Ouais, c'est ça, bah oui, ça. Non, mais déjà, faut qu'il achète le club, déjà. Oui, déjà, il faut qu'il paye, pour commencer. Non, mais là, ça devrait être entre mi-octobre et fin octobre. Et la performance de l'équipe hier, alors? Bah, ça, bon, voilà, on fait ce qu'on peut avec les joueurs qu'on a, tu vois. Voilà. Bah, Thauvin a marqué, un beau but d'ailleurs. Thauvin, il a bien joué. Thauvin, c'est un mec, tu vois, qui a l'amour du maillot et tout, qui mouille le maillot. Franchement, il fait plaisir. C'est le mec, même si l'OM perd, tu peux pas en vouloir à Thauvin. Non, mais il a marqué en plus. Ouais, il marque, il cavale, il motive les autres, tu vois. Bon, c'est bien. Après, on a des joueurs, bon, voilà, c'est limité un peu le niveau, quoi. Bon, en tout cas, pour la Balotelli. Balotelli, il a fait des buts, les gars. Bah, il a pas si bien joué que ça, mais par contre, il est vachement efficace, le mec. Il a un penalty, le mec. Il y a un ballon qui lui tombe sur la tête, il la met au fond, il est efficace. Il était à la une de tous les journaux italiens. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. Bon, alors, pour l'histoire de la télé, on a la solution. Si on vous menace de ne plus avoir de télé, vous avez au moins l'ordi, puis ça marche très bien. Ouais, voilà. Bon, il faut avoir la Wi-Fi, il faut avoir une tablette, enfin bon. Ouais, c'est clair. Ah, si t'as pas le Wi-Fi. T'es dans la merde. Bah, ou alors préfère, ça te bouffe ton forfait. À choisir, ton je préfère forfait. Pas avoir de télé, mais avoir le net que. Bon, en tout cas, merci. Choisir, non, mais le net, aujourd'hui, c'est tendu. Même pour la vie courante, il y a plein de trucs, t'es obligé d'avoir Internet. Bah ouais. Alors. Il y a Dorcel TV aussi, qui manquerait beaucoup à Théo, qui regarde beaucoup Dorcel TV. Et ça marche, je me demandais, ça marche ces chaînes? Bah, je sais pas, t'as YouPorn. Ouais, mais justement, me demandais, parce que je me dis, ouais, pourquoi payer alors qu'il y a des trucs gratuits par un million. Tu as Lemonade, nous dit, il y a des trucs gratuits, ça passe sur D17, enfin, comment ça s'appelle, Canal Star. Ouais, c'est Star. Ah, c'est Star. À 0h. Ah, le film de D17. Non, mais c'est pas, c'est pas des pornos. Non, tu vois des mecs qui s'embrassent avec des meufs. Et qui se touche un peu, et tu vois des seins aussi. Tu vois des seins. Et c'est film érotique. Oui. Bon, ça te manquerait, bah, écoute, pourquoi tu pas. Tu remarques ça, par contre, c'est jamais en HD. Hein. T'as la qualité du truc. C'est trouble. Ah, hein. C'est des trucs horrible. À l'ancienne, ah, je pense. C'est dégueulasse, quoi. C'est pas cher. Bon, et ben voilà pour la télé. Moi, impossible sans télé, car je manquerais le Super Bowl. La MotoGP, les 24 heures du Mans, c'est ma couille, grand sportif, ma couille. Le sport, ça, c'est clair que. Bon. Non, mais à partir du moment où le truc existe, c'est bien de l'avoir. Bon, voilà, après, je comprends que ça le fasse chier, qu'il n'y ait plus la télé à la maison. Non, puis même, je trouve une télé, c'est un bel objet, tu vois, dans une maison et tout. C'est un écran plat, c'est stylé. Oui, c'est vrai que c'est plus beau qu'une époque. Ouais, non, mais c'est bien. Bon, allez, pour la suite, on va faire tourner la roulette. C'est parti, la roulette qui va tourner. Merci pour ce petit point sur la télé de ce soir. Merci, mes petites beautés. De rien. De rien, Baba, je vais t'appeler Didi. Appelle-moi Didi. C'est Didi. Oui, parce que. C'est Didi. C'est pas bas, lui, moi c'est Didi. Ouais, c'est Didi. Et toi, je t'appelais Nono. Voilà, Nono. Ah ouais, non, ça va, merci. Tu veux pas faire Nono? Ah ouais, les blondes. Ah ben et puis j'ai plus dedans, moi. Ah oui, t'as plus dedans. Alors, toi, tu ferais qui? Tu ferais Jean-Michel Maire. C'était un peu un pervers. Ouais, mais non, mais Didi, c'est dégueulasse. Mais c'est bien, mais il assume en tout cas. Bon. Fin de. Touche pas à ma télé. Touche pas à ma télé. C'est pas du tout un plagiat. On a volé le concept à personne, c'est sûr. Bon, allez, on y va pour la roulette. Ça tourne. Allez. Skyrock t'offre 200 places de concert soprano. Et c'est Tanguy qui va tourner la roulette avec nous. Tanguy, 17 ans. Salut Tanguy. Allô, Tanguy. Faut que je te mette à l'antenne. Salut Tanguy. Salut, ça va? Ça va bien. Salut Tanguy. Bienvenue Tanguy. Tu veux soprano, hein? Ouais, je veux. Et toi, t'as envie d'aller le voir à Lyon? Oui, c'est longtemps. Comment qu'il dit ? J'ai pas compris. Moi non plus. Yeah. Ah bah. qu'est-ce t'as dit ? Ouais, moi je suis chaud pour aller voir Soprano. Bah c'est cool. Eh ben écoute, ça tombe bien. C'est, bon. C'est parfait. Tu m'aurais dit le contraire, tu m'aurais mis dans la merde parce qu'on a la roulette Soprano à faire tourner. Donc, oui, c'est clair. Allez Tanguy, c'est parti, tu dis stop quand tu veux. Soprano, baba, Soprano. Alors, est-ce que tu vas aller voir Soprano ? En général, la roulette est pas méchante, elle est sympa. Eh bien, il est en feu, mais toi aussi, puisque tu gagnes deux places pour aller voir Soprano à Lyon. 22 oh, mars pour oh, la merci, date les gars, franchement. De Soprano. Bravo à toi, Tanguy. Tu fais quoi dans la vie ? Je t'ai pas demandé. Comment ? Allô, Tanguy, on t'entend pas ? Oui, oui, je suis là. Donc la réponse à la question que j'ai posée, c'était ? J'ai pas compris. D'accord. Nous avons des problèmes de communication entre nous. Hein. Je trouve que c'est ta réponse. T'es sympa, mais le courant ne passe pas, Tanguy. Hein. Bon, tu fais quoi dans la vie, Tanguy ? Bah, je suis en recherche d'un contrat d'apprentissage. Très bien, tu cherches quoi ? Maçonnerie. Eh ben, maçon. Ami maçon, ah ouais. Ami ouais. Portugais. Vous avez un truc. Vive en Portugal. N'hésitez pas à lui donner un petit tuyauche. Ouais. Ouais. Merci Tanguy. Bon concert de Soprano dans toute la France. Et dans la roulette et sur Skyrock, ça tourne dès demain matin avec nous dans le morning d'ailleurs. On fera tourner la roulette. Oui. Demain matin dans le morning. Mais pas que, hein. Il va s'en passer des choses, oui. On se retrouve en direct dès 6h avec les 1500 euros. C'est tombé deux fois ce matin, hein. Ouais, bravo. Deux fois, c'est bien. Inscrivez-vous au 720, envoyez 1500 pour augmenter vos chances de gagner. 1500 ou 720. Sinon, on tire aussi dans l'annuaire, hein. Vous pouvez aussi ne rien faire du tout et être appelé demain matin entre 6h 9h dans le morning. Qu'est-ce qu'on fait d'autre demain ? Les conseils pas chers, le réveil de star, les surprises du morning. Ouais. Et ouais. Et y a pas le PSG demain qui joue ? Et le PSG joue demain. Mais ça, c'est pas dans le morning. En Ligue des Champions. Ah non, pardon, ouais, j'étais déjà demain soir. Moi. Ça, demain soir. Demain soir, on suit. D'ailleurs, il y a des places à gagner pour PSG Arsenal demain dans le morning à 8h du matin. Ouais, je pense qu'il y a moins de rigoler. Vous gagnez vos places. Et demain soir, on va suivre le match. Je pense qu'il y a moins de rigoler. Alors, qu'est-ce qu'ils vont donner avec le nouvel entraîneur sans Zlatan en Champions League demain, la première réponse. Parce que déjà, quand Ligue 1, ça va pas fort. T'as vu contre Saint-Etienne, les amis à l'amende quand même. Ouais, quand même. Hein. Ah, les amis à l'amende, gros. Ah bah, partout quoi, tu vois. Ah partout. C'est honteux pour sur Paris. Sur votre terrain là. Bah oui alors. Et mais bah. Tu sais, le Barça, ils ont perdu hier à domicile contre Alavés, un promu, ils ont perdu 2-1 chez eux aussi, tu vois. Ah, non, t'as perdu aussi. Les grosses équipes ont du mal à se trouver un peu en début de saison. Ouais, gros. On dirait. Bon, on va voir ça demain. Donc demain soir, soyez dans l'émission parce que je pense qu'on va bien rigoler. On va suivre le match du PSG contre Arsenal. Mais j'aimerais bien qu'il gagne le PSG parce que c'est une équipe française. Ouais, c'est ça. Mais ouais, juste pour voir la gueule de Karim, s'il galère un peu, ça peut être sympa. Non mais imagine demain Olivier Giroud, ton joueur préféré en plus. Ah putain, plante un doublé gros. Bah tu vois, ça me dégoûterait plus gros. Tiens, le mec il a pas. Je préfère qu'on perde 5-0 et qu'il marque pas. Ah ouais. On va rigoler. 1-0 et qu'il marque. Soyez là dès 21h demain soir pour la Radio Libre. Profitez bien. Ah, Prisca, t'es de retour. Ah ouais, après demain. Prisca est de retour du Maroc. Surprise. Ah ouais. Surprise. Moi je savais, j'ai eu au téléphone de l'aéroport. J'avais un doute et mais finalement j'arrive à l'heure, donc je dis je viens. Très bien. Bah écoute, merci Prisca, c'est un plaisir de te voir. T'es toute belle, toute bronzée. Putain la. Ah ouais, t'as vu? Ah ouais, qu'est-ce que t'es bonne! Eh bien, profitez-en vous aussi toute la nuit, Urban Music non-stop, compliment. Le grand retour de Prisca de vacances. Il y en a qui ont pris des vacances prolongées, c'est bien. Allez, profitez, le son de Sky juste après l'abondance du morning. Demain soir, Radio Libre dès 21h, on compte sur vous. Et puis demain matin, le morning, on compte sur vous aussi dès 6h. Ciao! Ciao! Ciao. Et à demain! Bisous tout le monde, ciao! Bisous. Ah oui. Et puis un petit coucou à Cédric aussi. Hein. Ouais. Ah bah ouais. Oui. On aura des nouvelles de Cédric hein, demain matin ou demain soir. Soyez là. Passez une bonne nuit. Prisca arrive tout de suite. Allez, salut. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 30 000 euros en cash. 30 000 euros en cash. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Bah, Skyrock. Skyrock. Eh ben c'est Skyrock. C'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Plus de 30 iPhone 7. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque ça. Hein. Des vendeurs sur le bon coin. Et vous le vendez 50 euros, c'est ce qu'il y a marqué sur l'annonce. 550 euros. Non, non, bah t'enlèves les 500, tu me le lâches à 50 et puis ça ira bien. Ouais, ouais. Eh ah ben j'arrive. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h, 9h. The Morning Show. Le morning de Difool sur Skyrock. I told you, take my hand through the flame. I told you, I'm a slave to your game. I'm a

that she's looking at you. Came for lightning strikes every time she moves.